Allô, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? La petite aiguille bouge. La petite aiguille bouge, mais je ne vois personne parce que, évidemment, le stream est en retard, du coup, on ne peut pas savoir si vous êtes, si vous nous entendez ou pas. Non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est parti. Laissez-nous un message après le bip sonore. Bip. Non, mais tu vas vraiment attendre qu'il nous réponde? Non, il y a Tuki qui essaye de me dire quelque chose et je n'arrive pas. Ah, voilà, je vois, les gens, ça y est, commencent à nous entendre. Oui, c'est pas deux minutes. C'est tout le décalage qu'on a. Ok. Bonsoir. C'est comme vous voulez. Coucou tout le monde. Salut. J'espère que vous passez une bonne soirée. Bonjour. Eh ben non, pas du tout, parce qu'on est le soir et on est en direct, donc j'ai pas besoin de dire ça. Bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millénial, le podcast que tout le monde croit connaître, mais personne ne nous connaît. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine ce soir, en compagnie de mon fidèle équipage composé de Tuki. Salut. Matt. Salut. Ximnut. Coucou. Et le nouvel arrivant dans l'équipe, même s'il a déjà été présent auparavant, Alain Dubled. Salut tout le monde. Alain Dubled, c'est moi. Adrien Dupatelin, coucou. Coucou, merci beaucoup de m'accueillir dans l'équipage, je suis très très très heureux de vous rejoindre. Ben nous aussi. Ouais, merci. Ah pas moi, bon c'est pas grave. Je vais faire aujourd'hui donc on est en direct pour parler du dernier épisode de la saga Skywalker. The Rise of Skywalker. L'ascension de Skywalker. Clickbait. d'abord supposé être fait par Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World. Ce dernier a été remercié pour faire revenir J.J. Abrams, qui a coécrit ce film à l'aide de Chris Terrio, scénariste entre autres de Batman v Superman et Justice League. On aurait dû le voir venir. Ouais, c'était un catcheur, moi, en fait, mais je crois que j'ai dû confondre avec un autre mec. John Cena, un truc comme ça. Non, non, Mysterio. Ray Mysterio, mais c'est rien. Genre, j'y connais rien, ouais, catch-moi. Voilà. Est-ce que. J'aurais préféré que ce soit le catcheur qui coécrive le film. Laisse peut-être. Le chat là. Mais non, parce que je ne peux pas laisser le chat. C'est le rôle de Matt de s'occuper du chat. Maintenant. Mais moi, j'ai envie de voir les gens dans le chat. Mais les gens, tu ne peux pas les voir dans le chat. En plus, ils disent n'importe quoi. Regardez. Ils sont toujours sur Alain Dubled. Vachement. Bah, il y a de quoi en même temps. Mes petits amis, on a tous vu donc, le film. On va avoir une partie spoiler. Non. Enfin, si. Mais d'abord, une partie sans spoiler. Ah ouais. Puis on est parti là, c'est bon. Si vous avez le moindre doute, voilà, ce sera en clair sur la vidéo. Donc, voilà. Vous allez avoir le droit au bêtisier en direct. Et oui, c'est ça qui est beau. D'ailleurs, le 31 décembre, pour notre anniversaire, eh ben, je sortirai un bêtisier de tous les épisodes qu'on a eu jusqu'à présent. Oh, ça fait presque une heure, donc si vous avez vraiment rien d'autre à faire, allez-y. Il y a beaucoup de bêtises. Beaucoup de proutes aussi, d'ailleurs. On n'a même pas fait proutes. Parce que, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas synchronisé les proutes. Ça nous manque, on l'a expliqué en même temps, mais ils le découvriront avec le bêtisier. Personne oui. N'a jamais su. Seuls les invités savent. Leur spoil pas le bêtisier, enfin. Pardon, ensuite, les spoilers, c'est maintenant. Du coup, on va partir sur la partie sans spoiler. On va faire un petit tour de table des avis. Et je ne vais pas commencer par Matt, parce que je le connais. On va commencer par toi, Ximnut. Tu as vu le film aujourd'hui, donc c'est pour toi qu'il est le plus frais. Non, tu l'as vu hier. Ouais, hier soir, ouais. Mais voilà, c'était le matin en France. Donc, voilà. Il y a juste quelques heures, en gros. Alors, en fait, moi, pour mon avis, j'hésitais entre un long soupir et développer des arguments. Mais voilà, en gros, c'était pas fameux. Hein. Le sentiment qu'il y avait plein de trucs qui avaient été posés avant et le film, là, il a dit, on s'en fout. On va faire un film standalone. Et voilà, j'ai dit ça souvent aux gens avec qui je suis allé voir le film. Voilà, je suis pas complètement triste parce que un Star Wars, c'est jamais, même quand c'est mauvais, c'est quand même bien. Mais un grand sentiment de déception, voilà, et d'occasion manquée. Ensuite, merci beaucoup pour ton avis. Je fais ce que je peux. Et toi, Alain? Alors, un peu pareil que Ximnut, et je pense un peu pareil que tout le monde ici. Ça reste un Star Wars, donc ça reste un divertissement qui fait des fois du bien aux yeux, des fois un peu mal. Mais globalement, ils nous ont vraiment chié dessus, quoi. Ah, enfin, c'est voilà. Enfin, si je devais résumer cet épisode en un mot, ça serait gâché. D'ailleurs, ça me fait penser à des notes que j'ai notées. Tu as d'autres choses à dire ou Non. Ça, je vais m'arrêter là pour l'instant. Bah, alors, je vais passer à Tuki. Je suis pas prête, j'ai le track. On est dedans depuis tout à l'heure. Non. C'était pas une répète là. Moi en fait, pendant que je le regardais, j'aimais bien. Il avait quand même beaucoup beaucoup de défauts et j'étais prête à passer outre parce que j'aime tout Star Wars, même même le 2. Et en fait, il y a eu une scène en particulier, puis la fin qui a suivi, qui ont un peu tout foutu en l'air pour moi. Et quand je repense à tout ce qu'il y a eu au final, et quand je repense aux défauts qu'il a, je trouve que il y a un gâchis, et en plus, il y a vraiment un problème, je dirais, d'écriture et de message que le film passe et de ce qui va rester. Et c'est. Je trouve que c'était pas une bonne façon de finir la saga. Voilà. Merci. On est positif hein, pour l'instant. Et toi, Matt, alors, quelle est ton impression? Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que je crois que je suis le premier de l'équipe à l'avoir vu. Ouais. Sorti de la salle, et du coup j'ai vu tous vos avis arriver les uns après les autres. Alors pour Ximnut, ça arrivait tard, mais j'ai vu tout le monde sortir de la salle et donner son avis. C'était dur à encaisser, hein. Et j'ai de la peine un peu pour tout le monde. Et Ximnut, qui pourtant nous trouve d'habitude toujours un petit peu dur. Alors là, non, j'ai aucune excuse. Il était dans le mal aussi, donc rien que déjà ça fait bizarre. Mais sinon, le film, moi je suis resté longuement silencieux en sortant. À regarder dans le vide. C'est pas forcément mal, parce que pour le vide c'était pareil, parce que c'était un film que j'ai pas digéré sur le moment, j'ai eu mal à l'assimiler, sans le revoir, en y repensant et tout, et j'ai appris à l'aimer énormément. Déjà, je peux le dire clairement, je pense que c'est celui-là que les gens retiendront, qui marquera vraiment cette trilogie, sans aucun doute possible. Voilà, j'étais resté pensif à un moment, et le premier truc qui me venait quand on me demandait mon avis, même encore maintenant, le moyen le plus simple de résumer pour moi, c'est Montagne Russe. Montagne Russe, parce que déjà, le film, c'est 2h30 non-stop d'action, ça va beaucoup trop vite, on sait pourquoi c'est fait, c'est pour masquer aussi les incohérences par certains moments, et puis pour vite passer sur le scénar qui pue un peu du cul. Mais aussi, pour moi, côté Montagne Russe, c'était plus dans le sens où il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des super idées, il y a des super moments, ça marche très bien. On est content d'être devant. Il y a des moments, ils font de la merde, ça fait chier, c'est décevant, c'est du gâchis. Et tout le long du film, c'est comme ça. C'est Montagne Russe, il y a un truc bien, un truc pourri, deux trucs bien, waouh, un truc pourri, merde. Et tout le long, on s'accroche en se disant. Ouais, mais ça peut valoir le coup, c'est cool quand même, c'est un Star Wars, on s'amuse. C'est nul, mais bon, admettons. Voilà, il se passe ça, admettons, allez, je vais voir la suite quand même. J'étais prêt à partout, c'est pour tout, mais là, pas ça. Et malgré ça, je pense que j'aime un peu le film quand même, mais je suis pas prêt de le voir tout de suite. C'est clair. Mais il y a des choses que j'aime bien. Moi, c'est ce que je disais à Grushkov par rapport aux montagnes russes. Je disais, c'est le film, c'est un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que l'ascenseur, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et puis, à la fin, il arrive au dernier étage, et là, t'as JJ qui coupe la corde. Et je pense qu'il joue même avec. Il joue clairement avec tout le long du film, en fait. Ouais. Ah oui, oui. Mais à la fin, au lieu de garder l'ascenseur, il le... Il s'écrase l'ascenseur. Ah ouais, complètement. Quick. Alors moi, je trouve que si on garde la métaphore de la montagne russe, c'est de la montagne russe de province, hein, c'est pas le Disneyland, hein, ça monte pas bien, bien haut. C'est les routes de Bretagne, tu sais, ça monte, ça descend, ça tourne, c'est tout étroit. Ouais, voilà, ouais. C'est genre Disneyland. Bon, bah, au revoir. Non, voilà, c'est fini. C'est un bon tour. C'était sympa. Je suis là. Et toi, Gruche? Oui, et toi? Je crois que je suis le seul ici qui a aimé. Hein. What? Non, ça fait... Je savais... Alors, ouais, voilà. Donc, moi, je savais ce qui allait se passer dans le film parce que tout avait leaké. Il hein, y avait même des spoilé. Images qui avaient leaké. J'étais... Tu t'es spoilé toi-même volontairement? En fait, à partir du moment où j'ai su un certain truc, j'ai dit « Ok, bon, bah, je vais me spoiler tout le film et je vais me préparer, émotionnellement. » Et ça n'a absolument pas servi parce que je suis totalement... Il faut aller encore plus loin que ce que tu t'attendais. Ouais. Et tu sais, quel gâchis. Quel gâchis. Ils avaient vraiment un truc super en route. Ils avaient vraiment... Je sais que tout le monde n'a pas aimé les épisodes 7 et 8, bien évidemment, mais il y avait quand même une super cohérence. Et comme l'a dit Ximnut, ils ont fait n'importe quoi là pour le dernier. Ils ont fait un autre film qui... En fait... Non seulement il n'a pas l'air connecté forcément à l'épisode 8, mais il n'a pas l'air connecté à l'épisode 7. Ou à Star Wars en général. Et en même temps, il est fait pour. Et il y a plusieurs trucs, mais notamment la fin qui, pour moi, détruit tout le but de la saga. Il y a beaucoup de gens qui disaient voilà, The Last Jedi, ça. Ça a ruiné Star Wars et tout, mais c'était plutôt ça a ruiné leur façon, tu sais, la joie qu'ils ont en regardant Star Wars et tout. Pour moi, ça, l'épisode 8, pour le coup, même si je pense que je reverrai les films, hein, évidemment, et que je serai toujours fan, pour moi, par contre, ça détruit réellement les 8 autres films. T'as dit l'épisode 8? J'ai dit l'épisode 9. J'étais genre, attends. Waouh, Léon. La fin, cette fin, ce film en général, déjà il est monté avec le cul dans les fraises. Le montage est aux fraises, mais avec incroyable. Le cul. Hein. Oh, il est monté par un enfant sous caféine. Mais vraiment, c'est incroyable. Je reviens juste sur l'ascenseur. Il y a Jage Sauce qui a dit pour l'ascenseur émotionnel, je ne dirais qu'une chose, on veut monter R2, pas descendre. Mais oui, c'était génial. On l'a vu. Je crois que Jage Sauce, c'est Zek, non? C'est Zek. Ouais. Voilà, j'ai un sentiment de gâchis. Et personnellement, je me sens. En fait, ce film fait passer des messages qui me gênent énormément. Là où, même si le traitement de Luke pouvait être controversé, au moins le message, il était beau, il était plein d'espoir, il était plein de joie à la fin. C'était... Même toute la saga, c'est de l'espoir, hein, tout le long. Il y a toujours quelque chose à la fin d'un film qui fait qu'il y a un espoir. Quoi. Et là, Il est là quelque part, mais c'est pas ça que beaucoup de monde espérait, je pense. Et on se retrouve là et moi je vois beaucoup de gens dans ma timeline qui sur Twitter qui veulent même plus avoir affaire à Star Wars. C'est-à-dire que les gens sont en colère, mais ils vont pas aller se battre ou des trucs comme ça comme on a eu. Avec The Last Jedi, c'est juste des gens qui veulent même plus voir les films parce que ce final, avec certaines révélations en plus dans le film, ça fait beaucoup de dommages à la saga. Je crois que aussi, c'est qu'il est mythologiquement même, ça n'a pas de sens en fait. Ah oui, non mais complètement. Il marche pas dans la mythologie Star Wars, ouais. Il fonctionne pas et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension. On se demande ce qu'on a vu en sortant, quoi. Ça ressemble à un Star Wars, ça a l'odeur du Star Wars, ça a le goût de Star Wars, mais il manque un truc qui va pas, quoi. Ouais. J'ai vu quelqu'un dire ils ont détruit le mythe. Oui, oui. Star Wars, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça fait pas... Ça fait pas de dommage à un personnage, comme les gens ils disaient par rapport à Luke, hein, on en revient toujours à ça. Pour moi, là, ça fait des dommages à tous les personnages, mais vraiment tous. Il n'y en a pas un seul qui a un arc satisfaisant dans ce film. Il n'y en a pas un seul qui... J'ai envie de dire, même du côté... qui sont vrais comme avant. Même du côté des méchants, il n'y a pas d'arc satisfaisant. Enfin, c'est... Ouais. Enfin, j'y reviendrai plus tard dans la partie spoiler, mais on reste toujours sur notre fin. Ouais. Ouais, et le podcast What the Force, sur leur Twitter, ils parlaient, dans leur podcast, ils parlaient beaucoup du monomythe de Campbell et des travaux de Jung et tout ça, et de comment TFA et surtout TLJ prenaient le voyage de l'héroïne, et pour une fois nous montrait un point de vue féminin et une progression féminine. Et t'as dans The Rise of Skywalker, ils ont pété ça, et si tu suis ce qu'ils ont donné à Rey, ils lui ont donné le monomythe américain, qui est le cliché du soldat tout seul, enfin voilà, mais sans spoiler, c'est du coup un truc ultra nul, ultra revu, ultra qui transmet des messages pas cool. On y reviendra. Hein. Voilà, et en plus, c'est un chemin qui s'applique. C'est toujours dans des histoires d'hommes. Et du coup, et ben, ils ont complètement pété le fait qu'on avait enfin une héroïne avec un chemin d'héroïne pour lui foutre un chemin de héros qui en plus est nul et insatisfaisant. Parce que nous, finalement, on est là tous. Je vois des gens dans le chat aussi qu'on est triste et tout, mais évidemment, il y a des gens qui sont plutôt contents. Et ouais, un truc que j'ai vu passer de. Pardon ? Tant mieux pour eux, ouais. Oui, oui, oui. Justement. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, voilà, on dirait vraiment qu'ils ont. Disons, nous, on avait une certaine attente sur un certain traitement de l'histoire. Et là, dans ce film, ils sont complètement virés de bord, et plutôt, voilà, on dirait qu'ils ont essayé de formater le message pour que ça parle à certaines personnes qui sont plutôt qui kiffent plutôt l'hommage constant, ou alors on va lister le plus de monde possible, hein, genre lister des pages Wikipédia, on va lâcher plein de trucs en mode name dropping qui n'ont pas vraiment de sens. Et visiblement, il y a un certain nombre de gens qui étaient contents, et j'ai vu un tweet qui passait qui disait, on dirait que le scénario a été écrit par vraiment un fanboy de base qui veut juste qu'on lui cale le plus de monde possible avec le plus de personnages possible. Reddit, Oui, c'est oui, ça. Oui, oui, voilà, c'était ça, c'était Reddit, ouais. Grushkov était pas trop d'accord avec ce qui devient un peu un mème, hein, mais... Ce que disait Grushkov quand on a vu le film, c'est on dirait que le gars, il a pris tous les trucs que les fans voulaient, il a tout foutu dans son film, et les trucs qui pouvaient être un peu problématiques ou pas faire plaisir aux incels ou trucs comme ça, il les a... je sais pas si ça se dit en français, désamorcer juste après, tu vois. Genre, dès qu'il prenait des décisions d'aller dans un chemin, pouf, il désamorce, et plus rien n'a d'importance et de conséquence. Sauf qu'il essaie de faire plaisir à tout le monde, presque, un petit peu. Mais c'est beaucoup. Même pas qui est son public, le film. Clairement, il essaye de faire du fanservice à outrance, mais il sait même pas qui il cible, qui sont ses fans. À force de cibler tout le monde, en fait, le film, il en devient une espèce de bouillie sans âme, en fait. Il est bancal, déjà. Narratiquement, il est bancal, même d'un point de vue de la narration, mais même également d'un point de vue de tout son scénario, et même de ce qu'il représente, de ce qu'il veut dire, en fait. Il s'adresse à tout le monde, et en s'adressant à tout le monde, aux haters de TNG, aux haters de toute la postologie, mais aussi aux gens qui attendaient certains trucs, même nous, les Raylos, en l'occurrence. Nous les Raylos, tout à l'heure. Moi, je suis Raylo Curious. Mais voilà, vous ne vous assumez pas. Mais voilà, l'idée, c'est quand même qu'ils essayent de faire plaisir à un maximum de gens. Et quand on voit le succès du film, le succès critique du film, pour l'instant, c'est un désastre. Non, et en plus, à la limite, tu vois, ça, c'est ce que je disais à Grushkov, le fait que ce soit un peu quirky, un petit peu bancal, un peu, tu te hausses un peu, enfin, tu sais, tu te roules un peu les yeux en mode, or, à certains moments, bah, ça pouvait passer. Mais en fait, ouais. À cause de la fin, ouais. Ça n'a aucun sens au niveau du storytelling et narrativement parlant, et au niveau des thèmes et au niveau du mythe. En fait, la fin n'a pas de sens, et ça fait que du coup tu peux même pas accepter le reste parce que ça ne... Il n'y a pas de récompense, en fait. Voilà, c'est à la limite, tout le reste, ben, ça serait passé si, même s'il y a vraiment des trucs très, très problématiques, notamment au niveau des personnages racisés, de la place des femmes, etc. Mais au final, tu sais, t'étais prêt à accepter ça parce que c'est Star Wars et que voilà, la prélo, moi, je l'adore, alors qu'on sait à quel point il y a des problèmes. Mais la fin n'a aucun sens, et en plus c'est pas une bonne fin, c'est pas une fin Star Wars, et c'est même pas une fin, elle est tellement ouverte que c'est même pas une fin, c'est pas une fin, on sait pas ce qui se passe du tout dans l'univers, non. En fait on montre juste un plan, c'est tout. Oh, j'ai même pas dit parce que j'avais pris mes notes avant de le dire, mais en fait c'est cruel. Ouais, c'est moi qui l'ai dit quand on est sorti du cinéma. J'ai dit putain, je croyais que c'était Snoke qui était censé tuer avec le the cruelest stroke, de façon la plus cruelle, pas JJ. Non, complètement. Ouais. On y reviendra au fait que ce soit cruel. Hein, mais alors, juste pour, on l'a déjà dit rapidement, mais vraiment, si vous avez aimé le film. Il n'y a pas de souci. Oui, oui. Heureusement pour vous. Super content pour vous. Célébrez-le. Ouais. Genre, Grushkov et moi, on n'a pas arrêté de pleurer après l'avoir vu, mais si ce n'est pas votre cas, bah, on est vraiment content pour vous. Je pense qu'on aurait aimé tous le kiffer autour de vous. Moi, je l'ai beaucoup aimé, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a des moments très émouvants quand même. Ça ah oui, oui. Alors, ah oui. C'est un peu des caisses avec leur culte qui joue un peu beaucoup là-dessus, mais il est très émouvant, il étire l'arme. Il y a des moments très forts, on va y venir après, qui marchent. Il est quand même joli aussi, hein. Il, par moments, il s'est joli, un peu terne, je trouve. Mais à part Claude, qu'il a Claude, du mal, il est dégueulasse. Globalement, il est quand même beau. Il est dégueulasse. On commence déjà à bien le charger, le film, mais vraiment, on aurait, je pense, aimé tous le kiffer. On l'aime un peu, voire pas beaucoup, voire pas trop du tout. Mais si vous avez kiffé, vraiment, il n'y a aucun souci avec ça. Et on n'est pas dans le bashing. Pas du tout. Comme je disais, moi, j'ai apprécié le regard. Pour vous, on aurait aimé aussi pouvoir l'aimer, je pense. Le pire, c'est que moi, pendant que je le regardais, je me disais « Oh, j'ai trop hâte de le revoir !» Et puis après, je suis sortie, j'ai fait « Je sais pas si je pourrais le revoir, je suis tellement malheureuse, je suis tellement triste !» J'étais vraiment dans un état de deuil. Hein. C'est pareil, je me suis encore... Ouais, moi je processe vite, j'ai de la chance, mais Grushkov, de temps en temps, il se met à pleurer, parce que je sais pourquoi. Tout à l'heure, j'ai commencé la vaisselle. Moi, je trouve que sous cet aspect, en fait, ce film, je trouve que c'est ce que j'avais essayé maladroitement de dire dans l'épisode sur l'inclusivité avec Lane, c'est que cet épisode nous rappelle violemment que ça reste quand même. C'est pas gagné, quoi. Une entreprise, en fait. À mon avis, même si le film The Last Jedi a fait plus d'un milliard, ils ont dû quand même être un petit peu effrayés par, le bruit qu'a fait une toute petite minorité. Ouais. Et je me demande si ça reste quand même un film, ça reste quand même une grosse entreprise avec des gens qui ont besoin de se faire réélire au conseil d'administration. Donc, ils se sont dit, on va faire un truc un peu moins, on va prendre un mec qui est un peu moins, qui a une moins grande vision que Rian Johnson. On va faire un truc un peu plus consensuel, et je trouve que ce film, c'est un film d'entreprise, vraiment dans le pire sens du terme. C'est impliqué aussi dans le projet. Disney, quoi. Et un truc que je ne savais pas, c'est que, et ça, c'est vous qui en avez parlé, il y a un certain nombre de gens qui sont notamment en charge de garder la cohérence du film, qui se sont, je ne sais pas s'ils se sont barrés ou ils ont juste pas travaillé. Ils se sont barrés de Lucasfilm, il y en a même qui ont rejoint la société de prod de Ryan. C'est pas la cohérence du film, c'est la cohérence de Star Wars. Ce que je voulais dire, pardon. Ça reviendra dessus, je pense, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui contredisent des choses qui sont censées être canon. Et je pense que c'est pas un hasard si en plein milieu de l'année, il y a Pablo Hidalgo sur Twitter qui a bloqué tout le monde et qui s'est mis en privé. Ouais. Mais moi, je trouve ça parlant que tu aies des créatifs qui soit quittent le navire ou justement se bloquent un peu au moment où tu as les gens qui sont plus corporate qui s'impliquent dans un film. C'est parlant. Surtout, imaginez, enfin, vous faites partie du story group de Star Wars, c'est pas rien, quoi. C'est pas un job d'été, quoi. Mm-hmm. Il y a la chef du story group. Ouais. C'était une femme en plus. À ce poste-là, tu y restes, tu bouges pas, tu dis non, je. Ouais. Tu te dis, voilà, c'est le job de rêve, je veux dire, je vais pas me barrer. Ouais, c'est le boulot d'une vie, quoi, pour quelqu'un qui aime la saga. Et pour en arriver à quitter le navire et aller rejoindre Ryan. C'est ce qu'a fait la chef, justement. Ouais, Kiri Hart. C'est que c'est pas rien, quoi. C'est qu'il y a vraiment un truc qui allait pas. Bah ouais, clairement. Tu quittes pas le boulot aussi facilement. Et puis voilà, les gens aussi soulignaient aussi le fait que certains acteurs ont pratiquement pas fait de promo. Il a fait le minimum, je crois. Hein, attendez, on va répondre à quelqu'un sur le chat. Il y a quelqu'un qui demande qui c'est Pablo Hidalgo. C'est justement un des membres du story group. Hein, c'est lui qui fait les geeks visuels. Voilà, c'est un membre important des story group. Vous prenez quasiment à peu près n'importe quel bouquin sur qui entoure les films, en tout cas. Il y a du Pablo Hidalgo dedans, quoi. Et vraiment, surtout sur les geeks visuels. Et le story group, c'est le groupe chargé de garder la cohérence dans tous les produits Star Wars dans l'univers. Le groupe est consulté pour les jeux vidéo, pour les séries, pour les films, pour les romans, pour les comics. Sans l'aval ou au moins leur avis sur un projet, ça aboutit nulle part. Hein. Ils ont un certain contrôle sur l'histoire quand même, minimum. Il n'a pas un rôle producteur aussi, le producteur aussi, Hidalgo? Hidalgo, non, je crois pas. Hein. Il semblait qu'il avait un rôle c'était plus grand que juste. Non, il y avait les Antilles, les trucs comme ça qui sont là prêts à lui en mode c'est lui qui décide tout. D'accord. Alors, okay. Stack, c'est... Les Art of, pardon. Ouais, les bouquins de d'art. Mais Stozak, là, c'est pas lui aussi qui est l'archiviste, Lucasfilm, ou c'est encore un autre? L'archiviste Lucasfilm, c'est Spaceship Sport. Non, parce qu'il y en a un, je crois que c'est lui, il a une photo en noir et blanc avec une coupe mulet sur son Twitter. Bah, c'est le responsable des archives Lucasfilm. Ok, d'accord. C'est lui qui a sorti une fois les extraits de journaux qui montraient qu'après la sortie de Star Wars 5, ben, les gens, ils étaient partis pareil sur des théories de ouf, ils étaient partis sur du « Oh, c'est le pire film du monde, ça n'a aucun sens, c'est dégueulasse, hein, quel film de merde, machin, etc. » Ça montrait que les critiques adressées à l'Empire contre-attaque étaient les mêmes que celles adressées à l'équipe. Ouais, que The Last Jedi, c'était exactement les mêmes critiques, et c'est très drôle. Ok. On est en train de partir complètement en cacahuète, là. Il y a une interaction. Il y a forcément des imprévus. Mais c'est pour ça qu'il est là, pour nous rappeler. Du coup, je voulais dire, il y avait aussi, je crois, si j'ai bien compris, le responsable de la force, le gars qui est le responsable de comment fonctionne la force, qui est vraiment le chef de la force. C'est l'expert, enfin un peu l'expert. L'expert de la force. C'est question de la force, en fait. Depuis... J'ai beaucoup bossé avec Rian Johnson, d'ailleurs, avant l'épisode 8. Et lui, il est là depuis le premier film. Hein. Il est là depuis, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, depuis... Voilà, il est là depuis genre... les premiers. Voilà, il bossait avec George Lucas. C'est le gars qui a presque toujours été là, qui était vraiment l'expert de la force. Et lui aussi est parti pendant la création de The Rise of Skywalker. Voilà. Ça fouette un peu, quoi. Tu sens que les mecs n'étaient pas forcément d'accord. Quoi. Surtout que voilà, ce gars-là, il passait des heures à discuter avec Rian Johnson sur la plage et tout machin. Et tu vois qu'après, pour le 9, il se barre, c'est un peu... Voilà, comme tu dis, ça pue un peu. Les enfants. Et puis après, mais est-ce que c'est... faire des théories du complot. Est-ce que c'est... Faut voir comment ça va se dénouer après ou se délier les langues derrière, mais est-ce que voilà, ils n'étaient pas d'accord, ils l'ont montré un peu trop vivement, ils ont été remerciés, ou est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes parce que ça partait en couille? Ça, on le saura plus tard. Mais, en plus, là, on a eu juste. Vas-y, excuse-moi. Ouais, non, je sais pas, mais c'est rigolo que plusieurs d'entre eux soient allés rejoindre la toute nouvelle boîte de prod de Rian Johnson. Je dis ça, je dis rien. C'est plutôt un bon signe, ça prouve que le projet il est bel et bien en route, ça fait plaisir quelque part, c'est lui notre seul espoir, c'est pas Obi-Wan. Ouais, c'est vrai. Alors, l'espoir, vous savez qui c'est? Attends, il y a quelqu'un c'est qui demandait s'il y avait un forceologue. Oui, en gros, c'était ça. C'était l'expert de la force. C'est lui qu'on consultait pour savoir est-ce que la force, ça marche comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que... Par exemple, une scène sur laquelle où il avait beaucoup discuté avec Ryan, c'était la scène de la cave de Ray. Où il y a des milliers de Ray partout. Ryan en parle dans le... Réalisateur et le Jedi. Non, mais... Ah non, pardon. Il en parle dans son commentaire audio. Voilà. Okay. Du coup, juste, je disais par rapport à Lucasfilm, j'ai vu passer des tweets où il y avait des gens qui avaient parlé aux membres de Lucasfilm après l'avant-première, je crois. Non, pas de spoil. Pas de spoil. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec la direction. La direction du scénario, en fait. Du coup, il y en a beaucoup qui étaient en désaccord avec les... Voilà. C'est chaud parce que le film n'est pas sorti depuis une semaine, qu'il y a déjà des trucs comme ça qui sortent et c'est... Qu'ils se rendent compte que, bah merde, ils ont fait... Que Adam Driver, il n'en avait vraiment rien à fiche dans tout. Il n'était vraiment pas dedans et je me demandais si c'est parce qu'il se rendait compte de ce qu'il était en train de faire ou il était vraiment dans mode service minimum. Non, moi, je trouvais qu'il jouait bien. Non, c'était la meilleure performance avec Daisy, je trouve. Moi, je l'ai trouvé éteint par rapport aux autres films. Ça m'a frappé, vraiment. Est-ce que c'est lui qui était éteint ou est-ce que c'était le dialogue? À mon avis, peut-être l'un ne devait pas aider l'autre, mais ça m'a... Je sais pas, il m'avait... Justement, c'est peut-être la baffe de l'épisode 8, mais où il avait vraiment été excellent, surtout, alors que là, il y a bien un moment où voilà, il a vraiment un peu des... Il ressent les émotions plus fort à un moment du film, mais en dehors de ça, ça m'a vraiment fait bizarre de le voir aussi éteint tout au long du truc. Mais c'est peut-être mon impression. Voilà, visiblement, c'était pas partagé. Quand on te laisse pas une seule ligne de dialogue pendant toute la dernière heure du film, ça doit pas forcément aider. Mais justement, je trouvais qu'il s'en est très très bien sorti pour faire passer des choses sans dialogue. Et il y a surtout une scène, on y reviendra après, où il est marquant. Moi, je trouve qu'il était excellent. Après, c'est vrai que le reste... Comme Richard. Marquant comme Richard. Bon, allez. Un bouleversant comme Richard. C'est ça. Alors. Tu voulais dire quelque chose, Tuki, je crois. Oui, mais en fait, je ne sais pas si c'est un spoil ou pas. Donc, Bah, dis-le-moi dans l'oreille. Écoutez pas, vous autres. Chut, Fermez les oreilles. Non, c'est du spoil. Ok. Ah, c'est Grushkov, notre story group. C'est lui. Ouais, c'est ça. C'est moi. Est-ce que tout le monde est prêt? On passe en phase spoiler. Est-ce que vous êtes prêt à parler des spoilers? Et d'ailleurs, on va faire des spoilers, mais on va d'abord parler des trucs qu'on aime, parce que c'est comme ça ici. Oui. Parce que on va être tellement négatif après qu'il faut quand même qu'on monte. Quoi, oui, moi j'ai pour le coup la performance qui m'a le plus déçu, moi, c'était Lando. Ouais. J'ai revu quelques scènes et c'est triste. Si c'est sa performance ou son emploi dans le film qui est le plus triste. Oh, enfin, on y reviendra. Lando en général. Oui, voilà, c'est Lando en général qui est. Je suis triste. C'est triste. En fait, c'est ça, c'est que le film n'est pas décevant, mais il n'est pas triste non plus, mais... Il n'est pas décevant. Il nous a triste, en fait. C'est ça, c'est qu'il est... Il nous rend triste. Il est triste, la fin est... Mais non, c'est ce que je dis. Enfin, oui, pardon, mais... Ok. Tu vas me comprendre. Donc, maintenant, on est en zone spoiler, je crois. Ça y est. On est en zone spoiler. Est-ce que c'est parti? Accrochez-vous, attachez vos ceintures. Spoiler. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de plein de trucs qui étaient non spoiler, mais c'est pas grave. On peut parler des trucs non spoiler dans les trucs spoiler. Soyons fous. Ça marche mieux. Les spoilers positifs. Et du coup, pour le coup, je vais commencer. Attention, spoiler. Bah non, du coup, je vais commencer avec mon truc spoiler qu'on m'a pas laissé dire alors que c'était juste 3 secondes avant qu'on passe en zone spoiler. Du coup, j'allais dire par rapport à la performance d'Adam, il y a des gens qui le trouvaient un peu off, un peu en dessous quand il était en Kylo Ren et qui, par contre, l'ont trouvé excellent en Ben Solo. Ça a du sens maintenant que t'en parles. On y revient après, mais je crois qu'il était. en demi-teinte parce qu'il a bien vu que ça n'allait pas dans le sens même que lui il lui plaisait, je pense. Hein. Il a fait le taf parce qu'il est pro. Ah, il nous a fait une marque Amine. Non, je suis méchant. Non, parce que lui il crache pas sur le film après, tu vois. Lui il se plaint pas sur Twitter. On parlait de choses positives. Voilà, on parle de choses positives. J'adore le positif. Donc moi, le premier truc que j'ai noté, qui est la première scène, c'est horrible parce que c'est... Allez, il y a un truc que j'ai bien aimé avant, mais la première scène que j'ai bien aimé, c'est quand Rey soigne le ver géant. C'est un serpent, pourquoi tu l'appelles un ver géant? Il a des crocs comme le basilic dans Harry Potter. Bah, tu crois qu'il a des dents, les vers? Non, ils n'ont pas des dents. Ils n'ont même pas d'os. C'est pas méga clair. Hein. Well... Bon, c'était un basilic. C'est un gros truc. Mais pourquoi c'était bien pour toi? Parce que moi, vraiment, c'est un truc que j'ai pas bien capté ce que ça foutait là. À part pour nous montrer qu'elle pouvait soigner des gens. Voilà, c'était pour ça. Il y a beaucoup de trucs dans le film qui sont vraiment juste que de l'exposition. J'ai dit qu'il fallait être positif. Moi, je me suis. J'ai cherché. Autre chose de positif. Allons-y. Elle était belle, la créature d'ailleurs. Moi, j'aimais bien. Voilà, moi, c'était ça parce que c'est. Un vrai Jedi, t'as l'autre connard de peau qui veut lui tirer dessus parce qu'il respecte rien dans ce film-là. Hein. Parce que voilà. Il est redevenu con. Qui est redevenu con? Po. Po. Oh, bah oui. Non, j'ai pas de chip tant que ça. Non, ça c'est va. Un gros. Il a passé la plupart du film à draguer Zori, c'est de la merde. Mais oui, après, il est redevenu. Non, mais ça, je sais bien, c'est un bon baiser, mais. Mais non, elle mais veut non. Pas. La meuf, elle veut le buter, je pense pas qu'il l'ait bien. Il propose de venir avec lui quand même, c'est alors, elle qui propose au début. Moi je sais pas, mais je trouve que Poe c'est un des rares à avoir un espèce d'arc un petit peu qui évolue entre guillemets, mais qui suit une progression contrairement à d'autres. Ouais, mais c'est ultra problématique ce qu'ils ont fait avec son perso. Ouais, c'est affreux. Ça. Le latino, le seul latino du cast qui devient un dealer. Ah, ça je dis pas, c'est chaud. La suite du positif. Et un que tard. Oui, voilà, la suite du positif. Ouais, on reprend le positif. On est dur de rester sur les choses cool. Voilà, c'était un vrai moment de Jedi. Pour le coup. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un des moments qui montre bien comment Rey est quand elle n'est pas sous tension. qui se lance pour un truc. Un truc positif. Positif. Moi, je veux bien. Moi, j'aimais bien. Oh, pardon. Ah, vas-y, je t'en prie. Moi, j'aimais bien le dialogue Poueret où elle lui dit que c'est un homme difficile. Ah oui, ouais. J'étais contente. You're a difficult man. Je vois qu'on parle de vraies personnes dans le chat, merci. Il y a des connaisseurs qui sont dedans, d'ailleurs. Donc, vas-y, mon petit bébé Alain. Alors, vraiment. Deux mots pour résumer. Ah oui, et voleur de bagnole, pardon. Ouais. Pardon, il y a Zek dans le chat qui souligne que Poe est un voleur de bagnole aussi. Et c'est ah vrai. Oui, j'avais pas. Ah oh, oui, le même. Bah ouais. Non, mais je sais. Vrai, ouais. Tu l'as coupé encore. Pardon, vas-y, Adrien. Non, t'inquiète, pas. C'est pas elle qui l'a coupé, c'est le chat. Voilà, c'est pas moi. Il fallait le souligner, je suis d'accord. Mais donc, du coup, deux petits mots qui ont vraiment égayé mon cœur les deux fois où j'ai vu le film. Je viens de le supprimer dans ma liste parce que je savais que t'allais dire ça. Babou Frick. Voilà. Babou Frick. Alors, je veux un roman sur lui, un film sur lui. Je veux un buddy movie avec lui et ses trois PO. Mais c'est vraiment génial, oui, quoi. Mais clairement. C'est extraordinaire. Mais ce personnage-là, et c'est là où, en fait, je trouve ça assez étonnant parce que J.J. Abrams, il sait créer des personnages. Il l'a fait dans Star Wars 7 avec BB-8, avec d'autres personnages qu'il a très très bien lancés, qui fonctionnaient parfaitement bien. Et là, il fait pareil avec Babu Frick, qui est vraiment une réussite. Avec Dio un peu plus tard, mais c'est un peu moins une réussite selon moi. Mais vraiment, Babu Frick, c'est vraiment génial, quoi. Il marche bien, il marche très bien. C'est marionnette, je crois. Il me semble, oui, je pense. Je crois aussi, oui. Il est très bon. J'ai vu passer un tweet que je trouvais génial qui disait que Babu Frick, il parlait comme ton pote bourré qui essaye de. Je sais plus exactement. Tellement ça, il a l'air complètement déchiré d'un voix l'autre du film. Il est complètement paumé, il sait pas où il se trouve. Mais ça marche très bien, il est génial. Il m'a fait trop marrer quand il parlait. Aussi bien, parce que c'est. Il est. Comment dire, il, res, pas la joie de vivre, mais il y a un truc chez ce personnage qui fait que c'est pas des innocent non plus, mais il est innocent, c'est ça. Ouais. C'est l'innocence du personnage qui le marchait si bien, c'est qu'il est dans son petit délire. Il est complètement éclaté, il bricole des droïdes et ça s'arrête là et ça suffit, ça fait plaisir aussi d'avoir un personnage aussi basique, pas forcément binaire mais basique et qui ouais, vraiment, c'est super cool. Et quand ces trois PO dit bonjour après avoir eu la mémoire effacée, que t'as tout le monde qui est en mode qu'est-ce qu'on fait, que t'as lui qui fait bonjour, c'est Mattel, Baboufrik, là, dans ce moment. Genre 10 minutes plus tard, oh Baboufrik, c'est un de mes plus vieux amis. C'était vraiment plutôt bien joué. L'humour en général marchait bien dans le film. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Même les scènes d'humour avec les personnages principaux, c'est pas forcément trop le fin. Ouais. Il y a les scènes qui marchent bien entre Chewie, Finn et Poe, même. Enfin, entre Rey et Poe, justement, on en parlait juste avant. Il y a pas mal de scènes qui marchent bien comme ça à ce niveau-là. Quoi. You're a difficult man. L'autre, tu pourrais essayer d'être plus positif. Oh, bah la mission se déroule pas du tout comme prévu, c'est la galère, tout va bien. C'est super. Super, merci Alain. Pourquoi je continue à chaque fois? Une fois sur deux, je me gourre. Tu sors. Ok, je m'en vais. Matt, un truc que tu as aimé dans le film? Un seul truc? Non, oui, t'es pas obligé. Un truc, parce que moi j'en ai quand même beaucoup. Hein. Nous aussi on en a beaucoup, espèce de diva. Mais, on va garder le gros truc pour plus tard, parce que je pense qu'on va y passer un moment. La scène. Mon pénis? Non, là, quand même. J'ai dit que c'était bon pour les enfants, là, sur le live, calmez-moi. Ok, non, c'est pas bon pour les enfants. C'est la pénicilline, du coup. Ma péniche. Non, mais on parlera de cette scène plus tard, je pense. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? C'est compliqué parce que tout ce que j'ai bien aimé finit toujours par être contrebalancé par un truc qui était naze. Pour faire très rapide, le character design de Zoe. On va revenir sur ce personnage-là parce qu'il est justement. Il y a un problème avec, mais au moins son character design était cool. C'est vrai. Pitié au Daffeng. J'ai pas entendu. Le character design de Zori. Zori, a un peu Russell, potentiel. Putain, mais je l'aime. Gâché, mais. Alors, j'ai juste parlé justement du character design. Hein. Je sais. Ça, c'était cool. Le reste, on y reviendra après. Compréhensible. Elle a des jolies couleurs. Ah, c'est bien carré, hein. C'est. Xenut, un truc que tu as bien aimé? Bah moi, pour le coup, non, ça me prendra moins de temps pour en trouver une parce qu'il n'y en a pas beaucoup. franchement, j'ai vraiment eu beaucoup. Adrien qui essaye de s'intégrer, tu sais. un moment où j'ai vraiment. Tu es sorti plus récemment de la salle de ciné, c'est normal que tu sois encore sous le choc. Ouais, il doit y avoir ça. Ouais. Non, un moment où j'ai vraiment kiffé, c'est la scène où, justement, tu parlais des bons éléments de... les bonnes interactions entre Chewie, Poe et Finn quand ils vont le libérer dans le vaisseau du premier ordre. Attends, est-ce que c'est le premier ordre? Oui, c'est le premier ordre. Oui, ça c'est encore le premier ordre. Et donc, quand ils vont le libérer, et je trouve que toute cette scène d'évasion est quand même vachement bien filmée, dynamique et tout. J'ai trouvé une bonne vibe qu'on retrouvait un peu dans les films anciens, justement de l'évasion avec Leia. C'est une scène que j'avais plutôt trouvé pas mal et que je trouve vraiment bien terminée quand Poe se prend un coup de blaster et il dit « Ah, mon magnifique visage !» Et il tombe par terre comme ça, là, et il dit « Non, on peut pas continuer !» Voilà, il a pas trop mal, mais c'est son ego qui est touché par un coup de blaster et donc là, ils se disent « Ben non, on peut pas continuer !» Mais cette séquence-là en particulier, j'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé plus... voilà. Juste comme il fallait, pas trop épileptique, c'était presque un petit moment de où on pouvait souffler un peu et en même temps c'était prenant. Donc voilà, dans le genre petit détail, il y a des trucs plus globaux que j'ai aimé, mais dans les détails, c'est cette scène que j'ai vraiment trouvé plutôt kiffante. Ben, en parlant de ça, de cette scène, moi j'ai noté qu'il y avait beaucoup de femmes dans, parmi les Stormtroopers. Et j'étais super contente. À chaque fois que tu voyais des Stormtroopers, t'entendais toujours au moins une ou deux femmes qui parlaient. Ah ben, c'est mon bonus. J'ai pas fait attention. J'ai pas entendu les voix, mais ouais, j'ai pas fait attention. Mais ouais. Elle est bien filmée en plus, cette séquence. Il y a un plan séquence où justement on suit Poe et Finn et Chewie avec eux, il me semble. Et du coup, la caméra tourne un peu. Et bah ouais, non, elle était cool celle-là. Ça contraste tellement avec les 20 premières minutes du film, là où c'est vraiment la catastrophe. vraiment bien, c'est vraiment cool cette scène. Super. Alors, pour commencer. Là, mais on va peut-être pas commencer par les gros trucs. Bah, je sais, merci. Je vais me donner à manger à la petite cuillère aussi ou... Oh, c'est agressif, dis donc. C'est ça les féministes extrémistes de nos vies. Tu dors sur le canapé ce soir. Oh, ben merci. Au moins cette fois-ci, ce ne sera pas par terre. Donc, je voulais commencer par le début justement. Et du coup, moi j'ai bien aimé le tout début, c'était vachement brutal, je m'y attendais pas, surtout que dans notre dans le cinéma on l'a vu. On a eu une demi-heure, vraiment, hein, montre en main, une demi-heure de pub, sans bande-annonce. Ah ouais. Et d'un coup, il y a le logo Lucasfilm qui est apparu, on était genre, ah, attends, c'est encore une pub ou... Il y a eu l'opening scroll qui était franchement pas ouf. Et après, il y a eu direct Kylo qui arrive chez Palpatine et tout, et j'étais genre, oh, c'est brusque, mais c'est plutôt sympa. Parce que, au moins, il est court. moi j'ai explosé de rire au crawl, enfin intérieurement hein, je suis discrète quand ils ont fait le truc de Kylo qui il apprend que Palpatine est en vie, fait, oh, je vais le défoncer, moi je veux qu'une seule personne sur un crawl ici. C'était trop bien. Bon, en vrai, beaucoup de monde râle sur le crawl, je trouve qu'il est bien, il est concis, il est simple, il est rapide, enfin il n'y a pas cassé le rythme d'entrée de jeu. Oui, il est là, tu sais. Waouh, un nouveau vieux mec blanc. Et lui, il était trop content. Il a réveillé la dépression de Kylo pour tuer des vieux. J'ai adoré. D'ailleurs, tu n'avais pas fini. Non, j'ai pas fini. J'avais adoré. J'ai adoré la où était Palpatine, la salle avec les statues géantes, la musique, la lumière, l'ambiance. Caldo Snoke. Ouais, j'étais genre... Parce qu'à chaque fois, c'est corrélé avec un truc pourri du film. Ouais, je peux pas en dire du bien sans en dire du mal immédiatement après. Enfin, je pense que c'est le truc dramatique du film. Je crois que j'ai vraiment fait, à ce moment-là, quand il y a eu le bocal de Snoke, j'ai vraiment fait « What the fuck ?» Ça n'amène à rien. J'étais trompé de salle, c'était Rick et Morty le film. C'est pour ça qu'il y avait des mecs derrière moi. D'ailleurs, par rapport à l'introduction, la planète où Kylo démonte des gars à tour de bras et où il récupère le Wayfinder, hein, parce qu'a priori, personne ne sait que ça s'appelle un holocron maintenant. Oui, ça s'appelle Wayfinder maintenant, t'as pas le choix. Oui, pourquoi parce qu'ils ont décidé d'ignorer le canon, c'est tout. Un moment un peu particulier, on brosse des trucs. Ouais, peut-être ça aussi. Ouais. C'est un truc qui n'ignore pas le canon d'ailleurs, parce que moi j'avais vu la planète, j'ai fait ok, d'accord, en plus c'est logique avec ce qui vient de se passer dans le jeu en VR sur Vador. Alors attention, double spoiler, jeu en VR sur Vador et épisode 9 du coup là. Ouais. C'est Mustafar en fait. Il est sur Mustafar qui est en train de reprendre vie suite aux événements du jeu. Malheureusement, ils étaient trop occupés pour le faire savoir. Et voilà. Comme souvent avec Gigi, hein, c'est... Ouais. On n'a pas le temps. Son esprit vit ailleurs. voilà, et on a fait un tour. Deuxième tour. bien, toujours lié à Rey, parce que c'était mon enfant. Alors, autant je trouve tout ce qui est combat et force un peu over the top. Pourquoi pas ce que tu autant, veux dire. Autant j'ai bien attends, aimé alors. Quand Rey elle s'entraîne. Ça va toujours à 50 milliards à l'heure. Pour le coup, c'est bien monté quand même. Si tu prends que la scène, elle est bien montée en elle-même. Elle est sympa, elle est dynamique. C'est Rey. J'ai hâte de pouvoir faire un montage avec Push It to the Limit sans fond. Voilà. On se raccroche aux branches. Ouais, désolé. Bah. Non, mais t'as le droit, mais j'ai rien dit mal. Le début avec Rey et ses cailloux autour d'elle. C'était ça spécifiquement ouais. Dont tu parles. Ah oui, ouais, moi j'aimais bien, je tombais. Et Kylo qui utilise la force pour l'énerver. Et ça, c'était un truc que les Reylo avaient dit depuis le début quand elle défonce des arbres. C'est parce qu'il est en train de lui casser les couilles. Il la taunte, les jambes. Oui. Voilà. Avec BB-8 enfin, qui est coincé sous l'arbre. Qui d'autre qui veut parler Rien ensuite, non ensuite, bon, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. On peut faire dans l'ordre qu'on veut. Je crois d'abord. Ah, si, il faut respecter le premier ordre. Ou l'ordre final, lequel des deux Non, mais attends, mais c'était pas 10 minutes. C'était quoi l'ordre déjà? Oh non, on est tous perdus. Matt, à toi. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Sans que je dise du mal juste après. Permets-toi de dire du mal juste après, sinon tu vas rien dire. Mais non, je garde ça pour après. Il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Moi j'ai des trucs à dire éventuellement. De Richard et Grant. Ouais. L'admiral Beauverson. En général Price. Il était trop bien. Il est excellent. Il est un bon personnage. Il a vraiment l'air impitoyable, cruel, tout ce qu'on veut. Enfin, il y va. Hein. Enfin, ça marche très bien. Évidemment, ça m'embête qu'il défasse Hux à ce point-là ou autant que ça. Mais en tout cas, sa prestation, sa performance, c'est nickel. Je trouve qu'il est vraiment dans le rôle, parfaitement dans le rôle. Ah ouais, il a une prestance de ouf. Et en plus, par rapport à Hux, moi, j'ai bien aimé justement qu'il pète le truc habituel de, tu sais, le gars qui fait « Oh, ils se sont évadés, gna gna gna, ils m'ont tiré dessus. » Et le gars direct, il « Ouais, ok, c'est bon, on sait que t'es l'espion. » Ça m'a agréablement surpris. J'étais « Ah, c'est brutal, mais... » C'est... Oui. Moi, j'étais triste. Mais je sais, moi j'étais contente de Hux. Je trouve que c'est arrivé super brutalement. Ah, Grushkov veut que je m'autocite. Donc je vais m'autociter. Je disais donc. On veut des codes pour ça. Hein. Hux. donc Hux, arrivé brutalement, parti aussi brutalement qu'il est arrivé. Ouais. Voilà. Comme une merde. Je parlais trop vite. Voilà, c'est ça. Mais j'étais... En plus, j'avais quand on discutait avant de voir le film, j'avais dit à Grushkov, ça se trouve, ça va être Huck l'espion parce que il aime tellement pas Kylo qu'il va vouloir tout faire pour saboter son truc. Ah, mais ça se tient. Hein. Ça se tient. J'aimais bien Huck. Ouais. Alors, j'étais complètement choquée. J'ai chopé la main de Grushkov quand il s'est fait tirer dessus en mode oh, ok, je m'y attendais pas. Moi j'ai explosé quand on a su que c'était la taupe. Ouais, c'est genre oh, trop bien. Moi j'ai trouvé ça vachement paresseux comme méthode. Ouais, pareil, voilà, j'étais vraiment pas convaincu. Ouais. Ça, je crois qu'on peut y revenir après, mais techniquement, les ficelles dans ce film, c'est pas des ficelles, c'est des cordages de bateaux. Hein. T'as raison. Des cargos, donc là, clairement, c'est une ficelle énorme comme truc, mais j'étais juste content de le voir et de le voir en plus. Un peu plus dans l'action que d'habitude. Hux, il est souvent en retrait, souvent là pour la vanne ou pour dans l'épisode 8, il y avait une dynamique avec Kylo, mais tout seul, voilà, à part la scène avec Poe, globalement. Il avait surtout des moments comiques, mais un petit peu passifs. Alors que là, il était vraiment dans l'action, il faisait la taupe pour des mauvaises raisons, c'est toujours comme une grosse enflure de fasciste. Ouais. Mais c'était cool de le voir voilà, dans l'action, de voir, et puis de le voir cet acteur qui joue. Qui s'est vraiment approprié le personnage, j'étais content de le revoir. On y revient après, peut-être, ou je le fais maintenant, je m'en fous. C'est vraiment que sa fin marche très bien, ça ne me dérange pas, j'ai pas de problème avec ça. Il est, comme on avait discuté, il finit dans l'ombre alors qu'il voudrait être dans la lumière, et vraiment, il est au second plan, il se fait abattre comme un chien, ça marche très bien. Ouais. Mais ça m'a vraiment fait chier que ça arrive, genre, 3 minutes après, même pas 3 minutes après qu'il ait dit qu'il était la taupe et qu'on n'avait pas. quelque chose en plus. La seule interaction qu'il a avec Kylo, c'est à propos du casque. C'est drôle, mais voilà, c'est vraiment juste. Non, j'aime bien jouer. Ouais, bien joué, ouais. Mais comparé à la dynamique qui s'était créée dans le 8 et qui s'était développée vers la fin du film, il y avait quelque chose à faire avec ça. Ça aurait pu être génial. Et voilà, je le citais, en fait. C'était dommage. C'était une citation de Hux, hein, quand j'ai dit « bien joué ». Ouais. Bah, c'est ce qu'il dit littéralement à Kylo. Ah oui, bien joué, oui, voilà. Ah ouais, bravo, bien joué. C'était rigolo. Pour revenir à l'Emerald Pride, je trouvais que c'était pas mal cette idée du vieux général qui a pas vraiment évolué depuis son service à l'Empire, qui est toujours un peu resté dans l'idéal impérial de l'époque. C'est ça, pour le coup, c'était pas mal. Et ça marche d'autant mieux. Et puis, du coup, le fait qu'il soit aussi allégeant envers Palpatine, ça marche très bien, quoi. Ça. Mm-hmm, ouais. Et pour le coup, il a vraiment une gueule d'impérial. Ils sont allés prendre d'ailleurs un acteur britannique, je sais pas si ça a remarqué. Parce qu'à l'époque de la trilogie originale, je le répète, mais c'était que les acteurs britanniques qui avaient l'accent britannique. L'Empire avait l'accent britannique alors que les autres personnages ne l'avaient pas, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant du Premier Ordre et tout, il y avait un officier dans une tenue bleue comme celle qu'elle avait rose dans l'8. Il y avait un groupe à un moment de trois officiers comme ça au gradé, et il y en avait un qui était noir, et j'étais contente. Je me disais, ah ouais, parce que, effectivement. Ça pourra peut-être se permettre de faire des épisodes à ce sujet, mais et c'est un sujet que je vais aborder depuis très longtemps, c'est que le Premier Ordre a évolué dans son fascisme par rapport à l'Empire. Oui, parce qu'ils essayent de choper plus de monde, ils essayent de faire les démagos en mode « Non, non, on n'est pas des fascistes !» Dans les romans et tout, il y a un côté un petit peu... on est presque plus près d'une espèce de régime soviétique un peu plus... Enfin, encore plus caché pour le bord. Il y a vraiment une différence un peu à ce niveau-là avec l'Empire. Et puis aussi simplement l'Empire et puis le Premier Ordre ont beaucoup évolué avec Disney, parce que avant l'Empire était totalement sexiste, raciste, et depuis le canon de Disney, ils ont ouvert les vannes, hein. dans l'Empire on a eu des femmes de couleur même, donc là le Premier Ordre c'est pas trop surprenant, et puis en tout cas que ça soit montré à l'écran, c'est cool, c'est toujours ça de pris, en fait. C'est le plus triste avec ce film, c'est que dès qu'il y a un truc bien, on se dit c'est toujours ça de gagner. on m'a demandé mon avis en sortant, je me suis dit ça aurait pu être pire. c'est un peu triste. Après tu y as repensé. Et après j'y ai repensé. Moi je vais y aller, je vais rebondir un peu là-dessus. Même si c'est très court et que c'est encore, comme pratiquement toutes les scènes, c'est encore une scène d'exposition, mais du coup, le conseil des méchants, parce que moi j'aime bien quand dans un film. Quand on fait des réunions. Il commence par la tête décapitée de Boulio le pauvre, qui a une minifigue magnifique, oui, j'aime bien les Lego, mais qui est super magnifique, qui a un super design, simplement. Il avait vraiment un look assez cool, quoi, et on pouvait se dire, moi au début, je croyais vraiment que ça allait être un perso secondaire, un alien qu'on voit souvent au second plan, qui apparaît tout le long du film. Non, il se fait démonter direct. Et la réunion, avec le PowerPoint. Le chat. Voilà. C'est juste le fait qu'elle est méchante qui t'est plus, ou c'est un truc qui te glisse dedans? Oui, et puis elle était drôle. avec Hux qui fait le petit réflexion sur le casque. Les autres qui rebondissent dessus, oui. Oh, c'est pas mal, ouais, bon, GG. Moi j'aime bien. C'est Pride qui l'a en plus fait, moi je trouve que ça fait pas assez strict, non? Il n'y a pas Pride qui rebondit justement en disant que. En faisant son vieux de la vieille, quoi. Je ne sais plus. Chat. Je sais plus, ouais. Intenable. À toi, Adrien. Un truc que j'ai aimé. Ouais, on est encore là-dessus pour l'instant. Du coup, ouais, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais Babou Frick, j'aime bien. juste pour être sûr. Autre chose. Autre chose que Babou Frick. Non, en vrai, j'ai bien aimé pas mal de trucs. Je trouve que d'une manière générale, les acteurs sont très très bons. Que ce soit même ceux que je trouvais un peu en deçà dans les deux précédents films, comme Oscar Isaac, que j'aime beaucoup comme acteur, mais là je le trouvais vraiment très très bon. Il était meilleur dans celui-là, j'ai l'impression. Ouais. Et surtout, un des premiers passages qui m'a fait pleurer, que je ne m'attendais vraiment pas à pleurer devant, c'est la conversation entre Jana et Finn, qui je trouve très belle. Et, oh, je suis allé avant, moi. Ah, moi, je suis allé avant. En fait, j'ai chialé au moment où il y avait C3PO qui disait la phrase du trailer. Oui, et juste après, j'ai pleuré. C'est qu'il y a juste la phrase du trailer, en fait, où tu pleures, et après, bah, comme ça tombe. Oui, mais oui, mais ça, c'est encore un comme tu as dit, tous les bons trucs sont contrebalancés immédiatement par un truc pourri. Ouais. Mais pour le coup, non, le dialogue Jana et Finn, j'ai bien aimé. En plus, j'aime beaucoup Naomi Aki qui joue dans la saison 2 de The End of the Fucking World, que je vous conseille. Elle joue très, très bien. Et, elle joue pas mal, c'était cool. Ouais, elle joue très bien et cette conversation, c'était cool parce que c'était un petit peu l'idée de rédemption, encore une fois, parce qu'on nous dit tout le temps que Star Wars, c'est la rédemption. Bah, là, on le montre et Kanan 2 meurt à la fin. ok, super. Merci. ils veulent plus rien dire, les trucs. Donc, Xenu, toi, tu avais un truc positif à dire. Ouais, je devrais en avoir encore quelques-uns, ouais, mais c'est intéressant. Bah, pour rebondir sur ce que disait Adrien, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter dans un film de SF ou disons un film de genre, des acteurs noirs qui se parlent entre eux, c'est pas si courant que ça, donc c'était d'autant plus intéressant pour les gens qui se sentent représentés dans ce genre de film, donc ça rend la scène d'autant plus sympa. Moi, dans les trucs, je suis d'accord sur cette scène. Et puis dans un autre truc que j'ai kiffé, ça, on nous en a déjà un peu parlé dans les trucs qui avaient été présentés à propos du film, c'est que C3PO a un rôle, c'est son film là pour le coup. Il a jamais été aussi important. Bon, il continue de faire n'importe quoi, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Mais là, en plus, il a quand même, il accompagne, il est dans l'action. Il a un rôle qui est quand même vachement important dans le film. Comme disait Matt, voilà, il y a des trucs sympas qui sont contrebalancés par des trucs nazes. Donc, le fait qu'il perde sa mémoire, ça rajoutait vraiment, une tension. Ça, c'était un truc qui doit sûrement arriver dans le monde de Star Wars. Voilà, visiblement, il y a certaines conditions qui requièrent ce genre de procédure. Donc, le personnage meurt pas, mais c'est finalement presque tout comme. Alors, quand même, voilà, j'étais triste et tout. Et le fait que, il désamorça à la fin parce que finalement, il y a R2 qui a fait un backup. Je me suis dit, putain, mais voilà, ouais. on peut pas tout résoudre comme ça. Il y a des fois où on doit accepter que des trucs disparaissent. Je pense qu'il mourra les enfants. Faites des backups. Oui, c'est peut-être le seul point positif du truc. Ça dit aux gens, voilà. La morale à retenir de ce film. Mais ouais. Mais je veux dire que c'est un peu dommage parce que disons que ça rajoutait un truc au film, le fait que il y avait on était à la fin. C'était ça. On doit accepter qu'il y a des choses qui vont disparaître. C'est un truc qu'on voit pas mal dans le film, donc dont ça. Et non. Et je crois que c'est d'autant plus frustrant, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Non, moi, je voulais dire que C3PO, c'est le seul qui a eu du sexe aussi dans le film. avec R2-D2 à la fin. Oui. Et avec Babou, n'est-ce pas, Pau ? Et avec Babou, ah oui, ils sont en chair. Justement, je crois qu'on est tous aussi positifs et contents avec Babou, c'est que finalement, c'est un des rares points positifs du truc qui n'est pas désamorcé juste après. Oui, c'est vrai. Ouais. Quoi qu'ils essayent de nous. Mais si, il y a un truc avec lui, plus tard, ils font semblant. Enfin, tu sais, ils détruisent la planète sur laquelle il était censé, mais en fait ça va, il est vivant, mais en fait tout le monde s'en branlait, tout le monde avait oublié qu'il était sur la planète. Et après il fait son caméo en mode porg dans le cockpit de Zoe. Oui, les mêmes scènes, hein. C'est filmé pareil. C'est vraiment... Mais on continue. Qui d'autre a un truc positif à dire? Moi j'ai encore des trucs sur... Moi, mais vous m'avez passé mon tour deux fois, donc j'attends. En fait c'est juste qu'on ne veut plus que tu parles. Ah ok. Okay. Écoutez, je vais retourner sur Tatooine. Il y a quelques trucs là. Après, il y a les gros trucs. L'humour, on en a déjà parlé. J'aimais bien les nouveaux trucs de la Force un peu. On en a déjà parlé un peu par rapport à Rey. Ça va aussi avec les scènes de Rey et Kylo, etc. Ah, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense à la force. Penses-tu à la force? Là, je crois que tu allais nous parler du moment The Force Unleashed où elle attrape le vaisseau et le fait s'écraser. Ah oui, j'ai bien aimé ce genre de truc. C'est, comme dit, la force était complètement over the top dans le film. De la force, là. Enfin, mais je trouvais ça vachement cool quand même, les deux qui se battent pour le vaisseau et puis le truc des éclairs à la fin qui... Ben, pour le coup, j'étais vraiment surprise en mode wow. Ouais, sauf que perso, les deux qui tirent chacun de leur côté. Moi, perso, j'ai déjà vu ça dans un autre film. Hein. Je sais pas vous, mais. Ouais. Ouais, en plus. Il n'y a pas de Jedi dans le nom. Ouais. Il y a même Zolast juste avant, en fait. C'est clair. Non, mais. C'est vraiment. C'est dévaliné, mais je me suis dit, ok, c'est, d'accord, mais. Ça, on l'a vu juste avant, en fait. Ouais, mais là, c'est la fin qui change, tu vois. C'est pas le truc qui split en deux parce qu'ils sont égaux, c'est elle qui le pète. La fin est cool. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, voilà, le truc de « Ah, Chewie est mort », puis en fait, non, il sera pas mort. Alors ça, ils l'ont fait tout le long du film, et quand ils y repensent après coup, c'est insupportable parce que le film joue constamment avec tes émotions. Et tout le monde a le droit de revenir, sauf Ben. Et maintenant que j'y pense, je me sens... quand il repense maintenant, je me sens un peu arnaqué, quoi. C'est vraiment il joue avec toi le film. Ah, regarde, machin est mort. Ah non, en fait, non. Machin est mort. Ah non, en fait, non. Ah, ils sont morts. C'est du foutage de gueule. Les parents sont vivants. Non, ils étaient morts. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu une saison d'une série condensée en 2h30. C'est vrai. C'est ce que je disais. Avec des cliffhangers tout le long, avec. Mais oui. C'est ça, ce que pour le coup, c'est très Marvel, le fait que les choses n'ont pas vraiment beaucoup de conséquences. Je me demande si ce n'est pas une mauvaise influence. Ouais, mais même les gens... Kevin Feige, il n'est pas dans les bails pour l'instant. Excuse-moi. Les gens font beaucoup la comparaison entre le moment où Palpatine dit « je suis tous les Sith » et Thanos dit « je suis je sais plus quoi » et puis Rey fait « moi, je suis tous les Jedi » et Iron Man fait « moi, je suis Iron Man ». Les gens n'arrêtent pas de faire la comparaison avec ce genre de truc et effectivement, le traitement des personnages fait un peu Marvel. Je suis tous les Jedi, c'était Dragon Ball en fait. Je voulais dire un truc pour rebondir par rapport à Ximnut et je me souviens plus. C'est bien, ça on peut passer à autre chose. Ah putain. Réfléchis-y et puis tu me diras si tu retrouves. Moi, encore un petit truc, j'ai bien aimé certains morceaux de la course-poursuite dans le désert. J'ai vraiment essayé. Vraiment, vous avez vu, hein, je suis de bonne foi. J'essaie d'être... Ah, t'essayes, vraiment, tu décortiques la moindre seconde du film pour essayer de trouver des trucs qui t'ont plu. Ça fait plaisir. Ouais. J'ai bien aimé l'alien sur Pastana qui fait OK. Lequel? L'alien là qui est en train de conduire le véhicule dans lequel il y a Lando, lui parle et il loupe le truc, il fait OK et puis ah oui. J'ai aucun souvenir de cet alien. Ça doit être rapide. Je crois qu'il est poilu. Oui. Avec des oreilles. Et voilà, c'est voilà. Ah, moi j'aimais bien qu'il y ait des enfants, j'étais genre oh, ils ont mis des enfants aliens et puis après tu vois la tête des enfants, il fait ouais, mais c'est pas l'enfant qui songe tout. Mais oui, voilà, c'est ça. Ça reste un enfant, donc c'est mignon, même quand c'est moche. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est du foutage de gueule, parce que c'est genre... c'est censé être très symbolique, ce genre de choses. Oui, voilà, elle donne un truc à un enfant. Et ça va pas avec la fin qu'ils utilisent. J'ai bien aimé la séquence Mad Max, hein, quand même. Parce que... Mais c'est de ça que tu parlais. Mais j'aime bien... Oui, mais j'aime bien, j'en parle jamais ici, mais j'aime bien les gros moteurs, les trucs qui font un peu vroom vroom et tout. Mais, Jackie. Un petit peu Jackie... Les petits véhicules là du premier ordre avec une chenille qui catapulte les jet troopers, là, je trouvais ça assez cool, c'était rigolo. Il a raison, Zach, ça c'est vraiment un truc. Ouais, best line up. Ouais, c'est drôle aussi, là, ça marche en bien. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est super sympa pour les enfants, mais après, ils te montrent les Stormtroopers crever, mais vraiment de façon vachement graphique. Genre, t'as Stormtrooper qui rebondit avec ses os qui se pètent comme ça. T'es genre, waouh, c'est. J'ai trouvé ça cartoon pourtant. Enfin, le dernier. Oui, c'est censé faire. C'est super cartoon en fait. Et moi, dans toute cette séquence, justement, j'ai trouvé une vibe vachement George Lucas, vachement épisode 1 en fait. C'est. Ça manquait de prout. C'est un désert, c'est facile, c'est un désert, et puis ils vont vite dans un désert, donc ça manquait de prout. Mais on retrouve un petit peu cette vibe, voilà, un petit peu cartoon dans la mort de certains personnages, des Stormtroopers en tout cas. Petit regret, c'est qu'ils n'ont pas joué assez avec l'idée des couleurs, là, des bombes de couleurs. Là, y a ouais. Des... jaune pétant, là, c'est magnifique. Et je m'attendais à un truc un peu plus... D'une pub pour Apple. La poursuite se passe dans l'espèce de... Justement, je pensais que ça allait être un peu plus élaboré de ce point de vue-là. Finalement... Bah, moi aussi, je pensais que le film allait être plus élaboré. Mais... Oui, ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport au fait que tu disais qu'il y avait qu'on aurait dit un condensé d'une série. C'est ce que je disais à Grushkov, on aurait dit qu'en fait c'était le 9, c'est le 7 et le 8. Et c'est comme s'il avait refait les deux derniers films en un, sauf qu'il a oublié la fin, la vraie fin, le 9e film où c'est Ray qui va chercher Ben dans l'au-delà ou un truc comme ça, parce que... Spoilers ! Mais on est dans les spoilers depuis une heure, arrête avec ta blague là. Ouais, là on peut quand même. Enfin, pour le revoir, mais je pense qu'on peut vraiment découper le film en plusieurs séquences indépendantes. Enfin, on a la séquence sur Passana, là. Il y a vraiment comme des épisodes qui se découpent comme ça, je pense clairement. L'épisode où ils vont voir Babou pour c'est la même pour voilà pour récupérer l'info du truc enfin ah oui ça fait très épisodique le film hein. Pour le coup ouais. Mais voilà en fait ils auraient carrément pu faire TFA et TLJ un film même si malheureusement du coup on n'aurait pas eu TLJ tel qu'il est parfait et trop ça devrait être celui du milieu et la fin ça devrait être vraiment Ray qui part chercher Ben qui découvre le truc entre deux mondes ou un truc comme ça tu vois parce que ça elle est tellement incomplète cette fin c'est même pas une fin ah comme oui, je disais ah oui, tout oui. à l'heure on a dit qu'on parlait de positif ah oui les aspects positifs ah, Est-ce qu'il en reste chez vous ? Moi, j'ai quelques trucs. Ça a été vite fait abordé. Ouais, Zori et Jana, on en a parlé. Okay. La sous-exploité. Globalement, c'est chiadé quand même. J'aimais bien ça, super d'accord. Les images, genre les scènes, genre sur l'étoile de la mort et tout, avec les grosses vagues et tout, c'était super joli. J'aimais bien les décors. Moi, je parle direction artistique. Enfin, oui, ça marche, mais je parle direction artistique. Hein. Je parle pas mise en scène parce que je trouve que ça manque un peu de peps sur le moment au niveau des couleurs. Il manque ça. Les éclairages, des fois, sont dégueux, surtout par rapport au 8. Mais je parle vraiment au niveau, je sais pas, de l'inspiration des vaisseaux, des aliens, des costumes. Enfin, globalement, ça se sentira bien, je trouve. Hein. Enfin, il n'y a pas à rougir. Ah oui, moi je disais, il était quand même beau, mais il va tellement vite que t'as pas vraiment le temps de savourer. C'est vrai. Eximut, t'es pas trop d'accord. Ouais, non, c'est ce que disait Tuki, je suis d'accord. On a zéro seconde pour l'apprécier, ça change tellement vite. Mmh. Et autant, je me souviens, quand on avait fait l'épisode sur Rogue One, c'était un des trucs qu'on avait dit. On avait dit, pas terrible sur le message, mais beau. Mais là, voilà, le truc, c'est. Le film a même pas l'intelligence de bien filmer ces jolis décors. C'était il hache complètement tout. C'était j'aurais bien aimé vouloir l'apprécier s'il m'avait laissé le regarder, mais c'est dingue parce que juste avant, quand je suis allé voir le film, on avait les bandes annonces et on avait la bande annonce de Bad Boys Forever, là, le numéro 3 du film. Et je me suis dit, j'avais vu cette bande annonce qui est méga cutée. Je pense qu'il y a pas plus, je pense qu'il doit y avoir deux plans qui durent plus de deux secondes. Je me suis dit, ah putain, c'est quand même triste d'en arriver à ce niveau de montage, voilà, pour arriver à donner une impression d'action et tout. Et quand j'ai vu le film après ça, je me suis dit, mais c'est la version longue de la bande-annonce, là. Ça m'a choqué, ce montage en jump cut continuel. C'était vraiment la catastrophe. Il y a aucun et ça sens. M'a complètement pourri l'appréciation du... Non plus, mais... Pardon ? Non, voilà, ça m'a vraiment pourri l'expérience d'apprécier les quelques bonnes idées de direction artistique. Voilà, j'aurais bien aimé les apprécier si j'avais pu les voir. Ouais, mais enfin, tu sens que c'est rushé en fait. Ils auraient dû carrément faire un positif. Oui, positif. Okay. Mais positif. Ce serait bien qu'il y ait une suite. Non, c'est pas positif. J'ai un truc positif qui traîne. Vas-y. Ouais, vas-y. Bah, bouffe. Non, j'arrête. non, pour le coup. Qu'est-ce que vous en avez pensé J'aime beaucoup les chorégraphies des combats. Ouais. Moi, j'allais dire, j'aime bien la scène sur Mustafar, parce que justement, on profite un peu de la chorégraphie, du style de Kylo au combat, et c'est toujours un plaisir de le voir vraiment tout dans la bestialité, la brutalité comme ça. Enfin, et ben justement, tu ne fais pas si bien dire parce que tu dis, là on profite. Et c'est ça le problème, c'est contre les chevaliers de Rennes. Mais je me suis dit que tu es déjà. Il a regardé l'épisode 2. Flaque de Rennes. Non, mais on a dit du positif, Adrien. Non, mais désolé, mais vraiment. Pourtant, j'adore cette séquence. Mais vraiment, genre, juste, le montage est tellement nul à chier. C'est, la séquence est bien, mais. C'est pas génial. En fait, genre, vraiment, quand j'ai été voir le film une deuxième fois, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je ne cligne pas des yeux, je regarde tout ce qui se passe, les mouvements et tout ça. Mais je peux même pas, parce que ça coupe dans tous les sens. On comprend pas ce qui se passe, en fait, à l'écran. On ne comprend pas ce qui se passe. Je peux dire que les chevaliers de Rennes. Oui. Les chevaliers de Rennes, c'était tout ce que j'espérais d'eux. C'est, ils ne parlent pas, on ne connaît pas leur nom, machin. Ils se font traiter de ghouls. On dirait des clodos qui sont allés s'habiller chez Emmaüs à un moment. Les mecs, ils se comportent comme des loubards avec son. Alors, madame, et ils ont un vaisseau pourri qui crache du diesel. Enfin, le machin, il fume dans l'espace. J'ai vu ça, j'ai fait la même réflexion. Il a fumé dans l'espace. Il vole dans une vraie brêle, le machin, c'est pourri. 44 Peugeot. Imaginez. Moi, je me sais comment ils rentrent tous là-dedans. Les mecs, je les vois vraiment soit comme des espèces de quepons un peu naze, un peu mascu, pourri, ou alors des gros nerds. Genre, ils ont des tronches de calculatrice, c'est pour ça qu'ils mettent tous des masques dessous. et c'est des espèces de vieux gars comme ça qui disent hey, Kylo, viens traîner avec nous, viens, on va cramer des poubelles, machin. Ils sont pourris. J'adore qu'ils soient pourris. C'est vraiment le truc qui me fait trop rire. Je les appelle les schlagvaliers de Rennes. C'est... les schlagvaliers. Et en plus, ils seront déboîtés en 2 minutes derrière. Mais ça, c'est stylé. Ceci dit, lui, il pète la gueule d'abord. Hein. Non, mais ça c'est vraiment le côté loubard dont il parlait. Les mecs qui se mettent à tabasser le gars au sol. Là. Ils sont vraiment des chercheurs. Voiture de clown. Merci le chat encore. Au taquet. Mais ils sont. Enfin, moi, je les ai trouvés juste pathétiques comme il faut. Quoi. C'est formidable. J'aimerais bien voir un peu qui a le plus de temps d'écran entre les gardes de Snoke et les chevaliers de Rennes. Parce que franchement, je me demande si les gardes de Snoke ont quand même pas plus de temps d'écran. Je me souviens même plus de quoi ils ressemblent, les gardes de Snoke, alors. Quoi ? Je me souviens même plus de à quoi ils ressemblent, les gardes de Snoke. Les gardes de Snoke. Ah non, pardon. Tu parles de l'épisode 8 ? Ah oui, d'accord, pardon, je croyais que tu parlais des gardes de Palpatine. Okay. Ah oui, c'est pareil, les gardes impériaux, c'était un peu... C'est le positif. Ouh là là. Alors moi, j'ai bien aimé Palpatine. Il s'était fait un petit lifting et tout, c'était cool. Bah, c'est quand même encore un prénom d'agent comme il faut. Hein. Ah, il était vachement lissé du nez et des joues. J'aimais bien le fait qu'il soit tout dégueulasse avec ses doigts manquants en mode un moitié zombie. ses petits yeux aveugles. Il est accroché à Gladys de Portal. Gladys. Oh. Ouais. Ouais, t'as raison. Ah, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Écoutez, c'est mon canon à moi. Bah, tant qu'on parle de Palpatine, moi, mais là, c'est plus le nerd en moi qui était content. L'idée d'avoir une espèce de grande arène fermée avec les espèces de cultistes qui sont enfermés depuis des dizaines d'années ou quelque chose comme ça, sont toujours tous à l'intérieur. Ça faisait partie de ces idées un peu dantesques, voilà, qui est vraiment de pure science-fiction, qui était plutôt cool. Juste cette idée-là d'avoir, voilà, cette espèce de grand amphithéâtre dédié à un seul truc qui est de, voilà, adorer l'empereur. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais après, est-ce que ça va bien dans un Star Wars qui essaie d'être un peu subtil? Ça, c'est une autre question. Et le mec, il a une armée de gars qui sont là juste pour chanter pour lui, c'est pour faire les chœurs quand il dit des trucs. Quand il fait ses discours. Ce qu'il est, parce que alléluia quand il pète, on sait pas, mais bon. on a Coralie qui dit Kylo, c'est le gosse de riche parmi les chevaliers de Rennes. Vous vous souvenez pas que vous avez dit un truc du genre que c'était le. Vous avez dit que c'était le. Comment c'était l'enfant un peu gâté, le gamin un peu bourgeois qui traîne avec les loubards et il lui taxe des clubs en permanence, les mecs. C'est tellement ça, quoi. Ah, il en a pas d'une trottinette avec eux. Ouais, il reste avec lui pour lui taxer les bières et des clopes. C'est... Et de l'argent de poche donné par ses parents. ouais. Ben, vas-y, on va prendre un kebab. Non, mais j'aimais bien que Paul Patine soit un peu vraiment dégueulasse aussi dans sa façon. Déjà, alors le mec, il sait plus ce qu'il doit penser. De, oh, tu l'as, non, en fait, non, je vais être dedans, en fait, non. Et il y avait qui encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un podcast sur toute la mythologie Star Wars et plein de thèmes, qui avait parlé de The Dark Union, qui est le mariage entre le mal, l'incarnation du mal, et l'incarnation du bien. Généralement, c'est un homme dégueulasse et une jeune femme. Enfin, bref. Et ça arrive dans plein de trucs mythologiques, etc. Et du coup, il y a eu cette espèce de truc, parce que le mec, il veut vraiment, je veux rentrer en toi et faire un avec toi. Et le mec, il dit ça à sa petite fille. Et j'étais genre, oh, il est dégueulasse, c'est merveilleux. J'aime bien. D'ailleurs, un truc qu'on sait avec ma copine, c'est que ça veut dire que, mais ça veut dire qu'il a baisé. Ouais. C'est pas bizarre comme idée. Grushkov, il est allé vérifier sur internet. Non, c'est Funeli qui était allé regarder. Ah d'accord, parce que Grushkov, il me disait, mais attends, est-ce qu'il a baisé avant ou après être devenu dégueulasse à cause de Windu? Funeli qu'on avait invité sur le podcast sur les Mandaloriens, sur le cosplay là, qui et elle a vérifié directement après la séance. Et alors la réponse. Apparemment, c'était après. Ah, il était déjà dégueulasse. Après la prélogie. Juste après, je pense. Juste après la prélogie, ouais. Et donc, ouais. Il se sentait plus là quand il est devenu empereur. Il y en a qui disaient que ça se trouve, il a juste des petites éprouvettes ou qu'il a utilisé la force. Ou... Oui. Honnêtement, j'espère qu'il a utilisé la force, sinon ça veut dire c'est des bails sombres, genre. Ouais, genre viol, genre. Ouais, mine, c'est moche. Allez, on a dit du positif. Il y a encore du positif. Bah, Rey et Kylo, moi j'aime bien. Il y a encore du positif dans les poches. Qu'est-ce que j'ai 3 centimes. Moi j'ai plus rien. Tu vois, donc bon. J'ai bien la scène où on a tous les vaisseaux qui arrivent dans le combat final, mais tellement. C'est raté. On en a un peu plus que dans le plan du trailer, c'est quasiment la même chose, ça va pas plus loin. Surtout, ce que je trouve qui manque dans ce plan, c'est juste des plans, même des plans de 1 ou 2 secondes sur quelques vaisseaux où on voit des aliens, des personnes différentes, c'est tout le monde qui est là, quoi. Là on voit juste des carrosseries, tu vois, c'est triste. C'est con. Bah, surtout qu'après ils te disent c'est quelle flotte, mais c'est pas une flotte, c'est juste des gens, mais en fait tu les vois jamais. Il avait j'aimais bien cette réplique, mais en fait, montrez-nous les gens, c'est ça, oui, montrez-nous les équipages, les gens qu'il y a dedans, enfin, et même c'est con, mais le Retour du Jedi assistait là-dessus, t'avais les scènes, oui, tous les vaisseaux qui arrivaient, et après t'avais forcément le petit décompte, rouge 1, rouge 2, machin, et on voyait à chaque fois, là, quelques instants, le cockpit, et puis la personne qui est dans ça, ils l'ont un petit peu gardé, mais qu'avec les mecs de la Résistance, avec Snap, pour bien insister dessus. Oh, Bébou. Oui, Bébou Snap, je suis dégoûté aussi, t'inquiète pas, j'étais vert. Mais voilà, mais effectivement, pour cette flotte, rien. Alors, je sais que moi, Adrien et moi, on attendait forcément au moins d'entendre Kaz. Non, mais tout le monde, enfin, Kaz, que ce soit Kaz. Moi, j'aurais tellement voulu voir, même juste apercevoir Hera en live action, j'aurais été. Juste entendre leur voix, en fait. Ça aurait déjà été ça, effectivement, mais en plus, c'est facile à faire, une radio, voilà. Mais juste la voix de Jason qui dit juste, Jason Sinwell, du coup, le fils de Hera, qui dit genre Spectre 7, standing by, tu vois, juste ça. Oui, ça aurait suffi et ça aurait donné un peu plus de poids même à la scène. Là, il n'y a que dalle, quoi. Et jolie scène comme c'est faire Gigi, fait des trucs jolis, mais c'est creux derrière, ça va pas plus loin et c'est frustrant. Vas-y. Mais et surtout que, alors du coup, c'est pas positif, désolé. Mais, ouais, depuis tout à l'heure. Il y a des gens. Bah oui, bah bon, c'est pas notre faute si dès qu'il y a un truc positif, c'est négatif derrière. Oui, c'est ça. Juste après. Donc, j'allais dire, en plus, ouais, il y a des gens qui ont souligné que quand Leia, elle a lancé un appel à la résistance et tout, pour que tout le monde se regroupe, personne n'a répondu, personne n'est venu. Mais quand c'est Lando. un gars, ben, tout le monde. Bah, là, l'idée, c'était que Lando, il allait... parce qu'ils étaient vraiment dans la bordure. Il est vraiment allé partout voir les gens. Il avait le faucon, il pouvait aller très vite. Mais en gros, il allait voir les gens. Ce qui m'étonne, c'est que déjà que le ghost traîne dans le noyau. Bon, ça, c'est encore un détail de nerd, c'est pas bien grave. Mais je vois l'idée. Hein, mais c'est compliqué. Le Gigi nous sert à une assiette de pâte au saumon et juste après, il baisse son froc et il chie dedans. Alors, la catastrophe. Oh, vache. C'est pas pour les enfants. C'est pas un plat délicieux pour les enfants. C'est la meilleure métaphore que j'ai entendue cette année. Merci. Mais il y a des trucs bien. Qu'est-ce qu'il y a comme truc bien? La petite vision de Ray en Dark Ray. Il y a des gens qui la comparent à Bilbo quand il essaie de choper l'anneau. Moi, je trouve le design relativement cool. L'avoir cabotiné pendant 30 secondes, c'est marrant. Ouais, mais... moi j'aimais bien aussi leur duo. Faut pas s'attarder, quoi. Juste, parce qu'il y a Julien, Jage qui marque dans le live. Lando, il est en mode camionnette de cirque dans un village. Qui vendait des glaces, tu sais. Un truc que j'ai, auquel je pense que j'ai... Vas-y, t'avais pas terminé. Non, vas-y, je finis. Non, ouais, un truc que j'ai trouvé sympa, c'est l'évolution. Alors lui, il a pas vraiment... Il a dû évoluer entre les deux films, ou voilà, parce qu'il change pas beaucoup au cours du film, mais c'est... qui fait des conneries, ok, notamment quand il écoute pas Rose, mais qui a vraiment assumé son rôle de qui est vraiment au top du fait qu'il les rejoue, qu'il a des responsabilités, qu'il a rejoint la résistance, qu'il y a des gens qui comptent sur lui, qu'il peut plus juste penser à s'échapper et à sauver ses fesses. J'ai l'impression qu'il est vraiment au maximum de ça. ça se traduit par quelques mauvaises décisions, mais c'est vrai que autant c'est peut-être du trio des gentils, c'était peut-être celui avec lequel j'avais le plus de mal jusqu'à présent, et là je trouvais que c'était qu'il avait vraiment atteint son voilà, il avait vraiment eu atteint son niveau de maturité dans ce film là. Moi je trouvais je voulais juste dire que moi je trouvais qu'il avait l'air un peu prétentieux, du coup il devenait un peu comme Poe, un peu le gars qui justement écoute plus les femmes, écoute plus Rose et rien, et fait genre un peu ah non t'inquiète, I'm in charge now, c'est quoi, un bonhomme maintenant. Alors, moi, je suis d'accord qu'il fait des conneries, oui, ouais, mais du même sens. Je dirais même, du coup je suis désolé, mais pour moi il a régressé parce que il passe la moitié du film à appeler Ray, à suivre Ray, et c'est, moi j'ai trouvé ça justement assez triste, parce que c'était le truc principal de l'épisode 8. Et pour moi, Finn, tu as raison, il est plus un chef, mais en même temps, il était censé pouvoir se détacher de Rey, et pourtant, il passe son temps à la poursuivre à travers la galaxie, et la moitié de ses répliques, c'est pour parler de Rey, quoi. Ouais, et même c'était pas pour ça a priori, mais le truc qu'il essaye de dire tout le temps à Rey, ça donnait l'impression dans le film qu'il essayait de lui dire qu'il l'aimait, tu vois, parce qu'il essaye de lui dire au moment où il pense qu'ils vont crever dans les sables mouvants et tout. Alors a priori non, il voulait lui dire qu'il était sensible à la force, mais tu le sens pas du tout comme ça quand tu regardes le film. Il n'y a jamais de résolution à ça. Oui, ouais, voilà, en plus, tu n'as vraiment pas l'impression... Enfin, moi, je croyais qu'il allait lui dire « Ray, je t'aime » ou un truc comme ça, et je me disais « Oh non !» Wow, gauche, quoi, fait de la positivité, là, qu'est-ce que je fais? Ok, du positif. Moi, j'aimais bien Ray et Kylo. C'est bon. Allez, on rentre dans les gros trucs. Donc, le bisou. On a dit du positif. j'aimais bien leur personnage, leurs aventures. J'aimais bien comment au début ils étaient tous les deux un peu en régression, tu vois, un peu dans Kylo qui essaie de faire je suis le suprême leader, hein, voilà. Alors que le mec, tu vois, il sait même pas ce qu'il fait. Et le Ray qui justement est tellement bouffé de colère. Et je sais pas, j'aimais beaucoup leur dynamique, le fait que dès qu'elle le voit, elle a envie de lui taper dessus, tu sais, en mode putain, il faut quelqu'un sur lequel je peux me défouler, et toi, je sais que ça te fera rien, donc. Ouais, j'aimais tout le relo, hein, leurs interactions, leur romance, tout ce qu'ils auraient pu avoir. Mais qu'ils n'auront jamais. Ouais. Alors, le positif, pardon. Ouais, parce que là, j'allais partir dans un autre truc. Vous avez oublié les dons aussi de Dartrey. Mais si, j'ai dit que les gens la comparaient à Bilbo le Hobbit quand il essaye de. Le vieux Bilbo, quand il essaye de choper l'anneau des mains de Frodon. C'est génial. Moi, je trouvais ça rigolo, le R. Rigolo, ouais, vraiment. Mais pourquoi, en fait c'est un peu caricatural, mais c'est ça qui est drôle, je trouvais, en fait. Parce que c'est ouais, la vision que Ray a des sites et de son côté. Parce ouais, que ça. D'ailleurs, c'est pour... il ressemble souvent à ça, Kylo. Mais c'est pas un site. C'est son amoureux, forcément, elle le voit pas comme, ouais, comme tel. Oh, putain, il y a tellement de négatifs dans ce film. Il faut que je me parle d'un truc. Genre là, tu parles de Ray et Kylo et tout, mais... Enfin, ça va être dur d'en parler de façon positive. Kylo Ren, il fait pratiquement que de l'exposition au début du film. Genre, ouais. Et surtout, il lui donne une des pires répliques de la postlogie. C'est, tu n'as pas du pouvoir, tu as son pouvoir. Merci. Hein, elle ne pouvait pas avoir son propre pouvoir à elle. Il fallait que ce soit le pouvoir des couilles. Le pouvoir qui lui vient des couilles. Cool. Palpatine, les bonnes coucougnettes. Les zizi-chloriens, le retour. Voilà. J'arrive pas à croire qu'ils ont osé faire dire à Adam Driver « You're a Palpatine ». Et surtout, moi, par rapport à ça, je veux plus entendre personne se foutre de la gueule de Obi-Wan qui joue sur les mots avec son cerf sur d'un certain point de vue, parce qu'il nous fait exactement la même. Non mais ils avaient choisi d'être pauvres, oh putain, ferme ta gueule. Oh putain, oui. Ah oui, tiens ça, par rapport à ça, je disais, ça, t'as Kylo dans le film qui lui fait « Mais je t'ai jamais menti ». Et après, on apprend que ses parents, en fait, ils l'avaient caché sur Jakku, que c'était des gens bien, qui fuyaient Palpatine, machin... était genre, alors du coup, soit Kylo est doublement un menteur, soit tu essayes de te dire que non, c'est bon, c'est pas un menteur, et tu te dis que ça se trouve, le fait qu'il avait vu que les parents de Rey étaient des junk dealers, là, et il a été mort dans une fosse commune sur Jakku, c'était peut-être ce que Rey pensait que ses parents étaient, et l'image qu'elle s'était faite d'eux dans sa tête après s'être fait abandonner, et que ça se trouve, c'est ça qu'il a vu. Il a vu la version que Rey pensait de ses parents ou c'était inventé de ses parents pour justifier son abandon. Non, bah c'est encore plus un enfoiré là, c'est ce genre de gens qui disent ah mais moi j'ai rien dit hein, c'est toi qui as pensé. Voilà. Mais non parce qu'il le sait pas forcément. Dont tu le décris. Ah non, c'est genre il a vu ce que Ray pensait mais sans savoir que c'était sa vision à elle. Du coup, il a pensé que c'était ça qui était canon, que ses parents étaient vraiment comme ça. C'est comme Luke qui a vu dans le sommeil de Ben ses pensées et qui a cru que Ben voulait tuer tout le monde alors qu'on a appris que c'était Palpatine qui avait provoqué ses pensées et que du coup c'était des visions de Palpatine que Luke a vu dans la tête de Ben et que du coup Ben n'était pas un monstre. Oh. Je t'ai jamais menti, excepté une fois au chalet. Oh, les vieilles références. Ouais. J'espère juste que la novélisation va réussir à arranger ça, parce que c'est affreux toutes les incohérences qu'il y a. Ouais. Bon, c'est très problématique. Bon courage, Carson, parce que c'est... Putain, on est dans la merde. C'est vrai, hein, dès qu'on parle d'un truc positif, c'est fini. Alors, un truc sur lequel je pense qu'on était tous d'accord, mais putain, j'ai encore parlé de trucs négatifs dedans. Mais non, mais il y a un truc positif, on peut dire que du bien. C'est la musique. Babou Frick ? Non, on peut pas dire que du bien, il n'y a même pas de thème Raylo. Oh, la musique, elle est... Elle est bien, la musique, elle est bien, mais... J'ai pas bien fait gaffe. Il y a un thème pour le trio, hein, Ray, Po, Finn, mais il n'y a pas de thème Raylo. Mais ça, c'est parce que vous êtes des rélos ou vous êtes toujours... Anne et Leia, ils ont eu leur thème. Anakin et Padmé, ils ont eu leur thème. Pourquoi eux, ils n'ont pas eu le droit? Surtout que Enfin, mais tu ouais. sais pourquoi ils n'ont pas les droits? Parce que DJ, c'est un fils de chien. Parce que John Williams, c'est un fils de Ray. Non, il est un Ray Ray. Non, il est un Ray Williams. Il est un Ray vierge. Il a dit, vous m'avez gavé, bande de schlag, alors. Je vais rien faire. Du coup, vas-y, Grushkov, tu as été coupé, vas-y. Non, mais il y en a qui voulaient parler de la musique, du coup. Ben non, c'était juste Matt, donc on s'en fout. Ouais, elle m'a sorti du film à plusieurs moments. Il réutilisait note pour note certaines musiques de la saga. Je trouvais ça pas très subtil et ça m'a un peu embêté. Mais sinon, oui, toute la musique originale était cool. Ben vas-y, du coup, passe sur ton truc. Donc moi j'allais parler d'une scène donc après que Ray est... ah putain quelle connerie Ray elle tue symboliquement et plus ou moins pour de vrai Kylo à la moitié du film hein, elle le transperce de part en part et puis après il a le droit à sa renaissance ça lui enlève même sa cicatrice qu'elle lui avait faite dans l'épisode 7 au visage. Ouais. Parce qu'il en a fait plusieurs. Oui, mais c'est la seule qu'on voit beaucoup. Et du coup, je suis désolé qu'il y avait ça, donc il n'y avait pas besoin de la fin. On y reviendra plus tard. Et donc, il y a tous les trucs qui se passent. Et il y a un magnifique plan sur Ben qui est face à la mer. Tout doit disparaître. Sur un bout de l'étoile de la mort et puis d'un seul coup derrière lui il entend entend une voix ouais. Allez-y. Ah ok du coup on voit apparaître Jabba, non attends on voit apparaître Anne qui est a priori la projection de ses souvenirs de la dernière fois qu'ils se sont vus sur le pont de TFA, de Starkiller. Et du coup, Anne qui commence à lui parler. Je me souviens plus du dialogue, alors j'essaye de broder. Je me souviens de certains trucs, mais plus dans l'ordre. C'est un miroir de l'épisode 7. Hein. Oui. Il y a certains trucs qui ressortent mot pour mot. D'ailleurs, ça m'a fait un petit quai, mais en même temps, il revit son souvenir. Donc, il répète le souvenir comme il aurait voulu le réaliser au moment où ça s'est passé dans TFA. Parce que, comme on avait dit, on avait raison, quand dans TFA, s'il choisit de tuer Anne, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a plus d'espoir parce que l'étoile vient d'être totalement absorbée, donc il sait que la République va... tout de la résistance et tout sera fini aussi. C'est, du coup, il se dit, j'ai plus le choix, maintenant, il n'y a plus d'espoir, ça ne sert à rien que mon père survive parce que ce sera le seul. Du coup, il le transperce. Et là, maintenant qu'il se rend compte que oui, il avait tort et que qu'il a eu sa renaissance, donc c'est plus Kylo, hein. Anne le dit, Kylo Ren est mort, Ben est en vie. Et du coup, là, il refait le truc avec son père en lui disant je sais ce que j'ai à faire, mais je sais pas si j'en ai la force. Anne lui dit qu'il l'a, évidemment. Et du coup, Kylo jette son sabre et... du coup, fait ce qu'il aurait aimé faire à l'époque. Et d'ailleurs, les gens le disaient, une fois qu'il a jeté son sabre, il se retourne, tu sais, comme s'il était tout fier pour montrer à son père, hey, « Regarde, je l'ai pas fait, je t'ai pas tué. » Mais il a déjà disparu. Ça va ? D'ailleurs, je vais encore râler. Hein. Mais voilà, moi, je m'y attendais, hein, ce qui est une troisième occurrence de « I know what I have to do », et ben. Pour le coup, je trouve qu'elle n'est pas super bien amenée. Il a du mal à la dire, en plus. J'aurais préféré, tu vois, qu'ils disent que, tu sais, dans le premier, je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas si j'en ai la force. Dans le deuxième, face à Ray, je sais ce que j'ai à faire. Et que dans celui-là, ça y est, il admet enfin que là, ça aurait été mieux pour moi s'il avait dit qu'il ne savait pas ce qu'il avait à faire. Et que Anne lui dise « si ». Voilà. Je trouve que ça aurait eu plus d'impact. Parce que il aurait dit je sais pas ce que tu dois faire si et puis la prochaine fois qu'on voit Ben c'est en train d'aller sauver Ray. Ça aurait été plus facile à sortir pour Adam, parce que ressortir exactement la même réplique face au même gars dans le même type de scène, c'est... tu sens qu'il a eu du mal à la sortir, mais il s'en sort quand même parce que c'est un bon acteur. Mais est-ce que je me suis interrogé, c'était vraiment Harrison Ford qui est revenu, ou est-ce qu'ils ont fait un modèle, ou j'en sais rien, parce que lui il a dit qu'il voulait plus tourner dans les Star Wars, ou est-ce que c'est un rush d'un ancien truc qu'ils ont repris, j'en sais rien. Comment ? Quoi ? Je sais pas du tout. Je bug ou vous non, avez non, pas non, non, on n'a pas écouté, pardon. Ah bah c'est gentil, tiens. Bah, moi, pour le coup, c'est la faute de Grushkov, il arrête pas de bouger l'écran, et moi du coup bah, je suis un... Je pense qu'il est revenu, hein, parce qu'il a beau ne pas vouloir rejouer Han Solo, à mon avis il aime bien l'argent, donc... Ah oui, ouais. Non, il est revenu, je pense, hein, clairement, il n'a pas tout à fait les mêmes répliques, donc... Oui, il a okay, pas les mêmes répliques, il a pas exact les mêmes répliques. Il a pas la même tronche aussi, hein. Il a pas le même sénat. Ouais. D'accord. Mais je me suis posé la question à ce moment-là, ouais. Non, il a pas les mêmes. Ouais, il ressemble pas tout à fait. Il lui repose la main au même endroit aussi. Là où c'est guéri maintenant. Petit bébé. Ah oui. Mais par rapport à ce que tu disais. Gruche sur le fait d'avoir des bonnes idées pas super bien amenées, c'est un truc qui est assez récurrent dans le film, hein, je trouve. Moi, je voudrais revenir sur les... à moins que tu aies plus de choses à dire sur cette scène en particulier. Je sais pas. Bon, bah ça te reviendra peut-être, mais en tout cas moi, un autre problème que j'ai eu dans le film, c'est les raies qui se sentent plus pétées. Je sais que ça a été un truc qui lui a été souvent reproché. Les gens n'étaient pas contents qu'elles sachent toujours tout faire. Ça n'a jamais été vraiment un souci pour moi, parce que je trouvais que c'était toujours bien amené. J'ai vraiment eu un peu du mal, le fait qu'elle... j'aime beaucoup le pouvoir de la force, le jeu vidéo. Il y a des trucs qui passent dans un jeu vidéo qui... passe moyen dans un film, et c'est vrai que moi j'ai pas pu m'empêcher d'y penser, hein, dans cette scène où justement elle empêche le cargo de repartir, et ils se battent, voilà, à tirer sur le vaisseau, les éclairs, même le fait qu'elle utilise ses pouvoirs pour soigner l'espèce de créature des sables et Kylo. C'est le problème en soi, c'est pas le pouvoir, c'est la manière dont c'était sorti. J'ai l'impression que ça sortait vraiment de nulle part, et même si je sais qu'il y a eu du temps entre les deux films, elle a eu le temps de s'entraîner et tout, ça c'était vraiment amené d'une manière vraiment peu subtile, et ça m'a sorti du truc. J'ai vraiment eu du mal à me dire ok, c'est vraiment la même Rey qui a juste progressé, qui a eu une meilleure connexion avec la force. J'ai trouvé que c'était vraiment, ça sortait de nulle part, peut-être par rapport au fait aussi que le film était vraiment rapide, on n'a pas le temps d'introduire des trucs pour montrer progressivement comment le personnage a évolué. Pour moi, c'était un peu un souci, voilà. Je reconnaissais plus la Rey qu'on avait eue dans les deux précédents films. Surtout que pour moi, c'était vraiment tous les effets de lumière, les trucs de malade où on retient des vaisseaux. C'était complètement à l'opposé de ce qu'on avait essayé de dire dans le film précédent. Dans le film précédent, on n'arrête pas de dire que le truc principal, c'est la force, c'est pas un truc fait juste pour soulever des pierres. C'est se connecter aux gens. Alors évidemment, on a cet aspect avec Kylo, mais là, je retrouve qu'on retombe dans la force, c'est fait pour faire des trucs de malade et voilà, pour impressionner le badaud qui sait pas comment ça marche. Donc j'étais vraiment déçu par le traitement de la force, notamment avec Rey dans ce film-là. Je sais pas si vous êtes pas d'accord ou non. D'ailleurs, c'est tout le début du film, en plus, elle hésite. Ouais. Au tout début du film, elle lévite. Ah, elle lévite. Mm-hmm. Non, elle hésite, elle refuse le sabre de... Ah. Elle rend le sabre à Leia. Enfin, elle n'est pas l'air sûre d'elle au début du film, quoi. Bah, parce que pour moi, s'ils sont aussi forts dans ce film, c'est parce qu'ils utilisent beaucoup, beaucoup le côté obscur où s'en approche, tu vois, la colère qu'elle a dans quasiment tout le film jusqu'à ce qu'il y ait la Bendemption, elle est en colère. Ouais. Et du coup, c'est un truc qui est dit dans la prélo, qui est dit dans la trilogie originale, ça te donne plus de pouvoir, ça te rend plus puissant, mais c'est dangereux parce que, enfin, bref, voilà. Mm-hmm. Et, Du coup, pour moi, c'est là où elle fait les trucs les plus ouf. Après, il y a l'exception du moment où non, en fait, ça marche aussi avec le moment au début où elle l'évite avec les pierres qui tournent autour, parce que a priori, ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle essaye de contacter les Jedi sous les conseils de Leia et qu'elle n'y arrive pas. Donc, à mon avis, elle doit en fait déjà tout le temps bouillir de colère depuis TLJ, parce que Ben est retombé en Kylo et a fait de la merde, et du coup elle n'arrive pas à s'en remettre. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas worthy des Jedi, que les Jedi ne viennent pas à elle, parce qu'ils doivent sentir qu'elle n'est pas prête, qu'elle est encore trop en colère et que du coup elle pourrait basculer d'un moment à l'autre. D'ailleurs, elle le fait à un moment, hein, elle envoie des éclairs de force, donc elle bascule et ça la choque tellement qu'après, surtout que elle pense avoir tué Chewie, donc... référence à l'empereur. Oui, alors non, mais le film n'est pas subtil, hein, faut pas chercher de subtilité dedans. Moi, quand j'ai vu faire des éclairs, je fais ah oui, ok. D'accord, j'ai compris. Moi, j'avais pas fini. Vas-y. Ah, pardon. Et oui, et c'est pour ça qu'elle donne le sabre à Leia en mode ouais, non, je mérite pas de l'avoir parce que j'arrive pas à contacter les Jedi et j'arrive pas à faire la paix avec moi-même et avec le côté obscur en moi, donc je veux pas utiliser une arme de Jedi alors que j'en suis pas encore une. Après, elle le reprend vachement vite, je trouve, et quand même, okay, mais... D'accord. Mais c'est vrai que peut-être plus que le fait qu'elle sache faire des trucs de malade, c'est le traitement de la force qui m'a vraiment déçu. Je trouvais qu'on retombait en arrière. Et puis même, il y avait un truc qui avait été assez intéressant dans les nouveaux films, c'est qu'on a arrêté un petit peu cette dichotomie. Bon, il y en avait quand même un petit peu, mais un truc qui fonctionnait moyen dans la prélogie sur cet aspect d'élu, c'est qu'on disait ouais, on veut un élu qui ramène l'équipe dans la force, mais il va utiliser que le côté clair. Mmh. Et là, dans les nouveaux films, on essayait de montrer que finalement c'était pas forcément les pouvoirs qui étaient mauvais en soi pour l'équilibre, c'était la manière dont tu les utilisais. Ouais. Il y avait pas vraiment de pouvoir sombre ou de pouvoir clair. On avait des Jedi noirs qui utilisaient des pouvoirs pas forcément offensifs. Et là, je retrouvais qu'on retombait dans cette dichotomie là qu'on avait un peu abandonnée, et je trouvais que c'était un petit peu une régression pour moi. Tu sais, dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, il y a la force, c'est pas un super pouvoir, et là t'as du Jedi qui arrive. En fait, si. ouais. À mon avis, ça, c'est complètement le genre de truc qu'ils se sont dit. C'était l'exemple parfait du truc où ils se sont dit, bah voilà, on va leur remettre des pouvoirs de ouf parce que les gens, ils aiment bien ça. Vraiment, le truc, moi, par rapport à la force qui m'a vraiment gêné, c'était les sauts et tout. Ah, les sauts. J'ai bien aimé. Mais après, c'était plus le style de comment ils étaient faits. Ok. Voilà, j'en vois un quand ils sont dans l'épave de l'étoile noire, mm-hmm, où ça saute pas mal. Putain. Force Awakens. Elle se bat. Bonjour. Elle se bat comme Palpatine. Et oui, il y avait à l'époque où il y avait toutes les théories sur qui pouvait être, il y avait ce truc-là qui montrait que. Elle était très offensive dans sa manière d'attaquer, et que la façon dont elle attaquait avec un certain positionnement du sabre, et notamment dans son combat dans la forêt avec Kylo, oui, elle avait les mêmes moves que Palpatine. Et d'ailleurs, ouais, c'est d'ailleurs, con, c'est pas héréditaire, quoi, les manières de se battre. Oui, non, mais voilà, c'est un peu tout le problème. Enfin, bref, ouais. Le truc, c'est que. Voilà, il y avait deux grosses théories par rapport à qui pouvait être Rey, outre une personne qui était la préférée de la plupart des gens, je pense. C'était que ça pouvait être une Kenobi ou une Palpatine, et il y avait beaucoup de choses qui penchaient en Palpatine au début. Et après, quand tu analysais, c'était plus une Kenobi, et puis avec TLJ, tu voyais, ouais, c'est une personne, et du coup, c'est bien, parce que Daisy elle-même a dit qu'elle n'aimait pas l'élitisme, elle était contre la monarchie, ce genre de truc, parce que pour elle... là d'où tu viens, ta famille et tout, ça définit pas qui tu es, et c'est le pouvoir, c'est pas héréditaire, et la force, c'est pas héréditaire, etc. Merci, The Rise of Skywalker. Moi, j'avais pas fini avec la scène avec Anne. J'avais dit que je me souvenais plus de si j'avais des trucs à dire, mais bah, vas-y. Je pensais que t'allais parler de trucs qui avaient un rapport en fait avec la scène. Bah moi, c'était les trucs juste... mal amenés. C'est ça, ça que ça m'a fait penser. Mais vas-y, continue. Juste quand il dit dad. Mm. Ah oui. Ouais. Mais bon. C'était juste. C'était bon. Juste un enfant. Mm. Ouais. J'ai eu encore des trucs positifs, mais ils sont malheureusement vraiment tous. Tiens, j'ai un truc qui est lié directement à cette scène-là, hein, juste après qu'elle l'ait soignée, qu'elle lui avoue enfin qu'elle voulait lui prendre. Enfin, elle lui fait enfin sa déclaration. Elle répond enfin à la demande en mariage. À tous ces trucs. Et elle lui dit que oui, elle voulait prendre sa main. Et, enfin, la main de Ben. dans un film qui a vraiment plein de répliques pas terribles. Celle-là, j'aime bien. Ouais, elle était bien. Et Dad aussi. C'est là où je me suis vraiment dit, ok, Raylo, c'est canon, niquez-vous. Ouais, en plus, si tu prends ce qui se passe dans leur histoire à la suite de ça, t'as le mec qui se fait à moitié tuer par la meuf, qui se fait ressusciter, elle lui fait « Bah ouais, je voulais bien toi, abruti, mais je voulais pas Kylo Ren, je voulais Ben, quoi. » Elle ouais. se barre, le gars, il est « Oh !» Et puis t'as son père qui fait « Mais t'es Ben, espèce de con, Kylo, il est mort !» Et du coup, ouais. t'as le gars qui se met à courir en t-shirt vers sa meuf, genre « Ah, j'arrive !» Et surtout, il va à poil avec un blaster, quoi. Tellement, tu vois que c'est un solo à ce moment-là, c'est mais définitivement oui, c'est un solo. Il a récupéré sa go vraiment à poil, quoi. C'est ça. Quand ta copine te dit qu'il y a personne chez elle. Ouais, non, c'est vrai que. Non, c'est vrai qu'il est touchant ce passage, là. Ce moment où voilà, il se rend compte vraiment de ce qu'il peut faire, de voilà que c'est pas fini, qu'il peut encore faire quelque chose pour réparer. Non, c'est vrai que c'est touchant. Je veux bien l'admettre, ça, ouais. On n'en a pas parlé aussi, mais le fait que juste avant, il lui dit qu'il peut pas revenir du côté lumineux, qu'il peut pas annuler tout ça parce que et qu'il peut pas revenir avec sa mère à cause de tout ce qu'il a fait. Et c'était aussi ce qu'on disait. C'est le gars, il pense que ben, il a fait trop de mal et que du coup, il a pas le droit de seconde chance, il a pas le droit de revenir. D'ailleurs, bah, le film lui donne raison à la fin. Hein. et voilà, et c'est ce qu'on disait, le gars, il voulait revenir voir ses parents, il voulait tout ça et il avait juste peur de se faire à nouveau rejeter parce qu'il pensait que plus personne l'aimait à cause de ce qu'il avait fait et ce qu'on lui avait fait faire surtout. Ce qui okay. est très triste vu qu'il, du coup, ben, il retrouve jamais sa famille. Mais... J'aime bien quand Ray elle meurt. C'est très positif, la musique est jolie et c'est assez beau de voir quelqu'un qui s'est battu jusqu'à l'épuisement et qui a vraiment tout donné. C'est pas un truc positif dans le film, mais c'était bien fait, même si tout ce qu'il y a avant, c'est pas forcément le meilleur moment. Et tout ce qu'il y a après, c'est pas que les meilleurs moments. Bah, c'est d'autant plus beau que c'est l'homme de sa vie qui vient la sauver, quoi. Mm. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que voilà, bon, ça finit mal, mais... Et voilà, ça y est, on a enfin eu à la fin tout ce qu'on avait dit depuis le début. Ben Solo est revenu. Et là, un autre truc qui se confirme, c'est que ça y est, il a enfin réussi ce qu'Anakin n'avait jamais réussi à faire, c'est-à-dire ressusciter. Sauver la femme qu'il aimait. Ça, on l'avait dit. On avait dit, on avait raison. Ah, le Reverse Anidala est strong. Bien joué, bien joué. On avait presque fait un épisode là-dessus, mais on avait pas fait au final. Je suis désolé. Qu'est-ce que je peux dire ? Claude Demers nous dit dans le chat juste que pas un truc positif dans le film, mais c'est bien fait. C'est un résumé de ce film. Bah ouais, un peu, malheureusement. Est-ce que vous pensez, alors moi c'est plus une question, est-ce que vous pensez que le fait, ça on sait que Carrie Fisher est décédée avant le début du tournage et donc ils ont dû faire avec des anciens rushs, est-ce que vous pensez que ça a influencé le film et que ça aurait pu être mieux s'ils avaient eu plus de liberté avec ça? Un peu. Ouais. Je pense que ça se trouve... Je sais pas du tout ce qui s'est passé dans leur tête, parce qu'ils ont tellement foiré plein de trucs qu'au final, je sais pas ce qu'ils auraient fait si elle avait été encore là. Déjà, je pense que la scène où il y a Anne, ça aurait peut-être été elle, du coup. La scène où elle se projette pour appeler Ben, je pense que c'est elle qui lui aurait parlé. Ouais. Au lieu de juste dire Ben. Qui était pas sa voix, a priori, en plus. Donc, Ouais, c'est clairement pas sa voix qui dit Ben. Donc voilà, on a eu tout ce qu'on voulait, et une fois qu'il l'a sauvé, ça y est, on arrive à la conclusion du film, la conclusion de la trilogie. Reki cherchait une famille, se réveille après morte, et elle voit Ben, hein, elle le dit, hein, elle le reconnaît, tu vois, elle sent dans son visage que c'est Ben, ça se voit. Kylo, elle sourit comme jamais, et ça y est, ils s'embrassent, et puis lui, yes lui fait le plus beau sourire de tous les temps. Bah, grave. Il n'a jamais été aussi beau, Adam Driver, hein, vraiment. Ouais. Ouais, mais Ben Solo dans le film était parfait. Il avait, en plus, il avait vraiment le truc du solo, le truc où il saute sur la chaîne. Il fait ah. Il y a un glow-up hein, quand même entre le passage. Ouais, tu vois que c'est deux personnages différents, Kylo et Ben. Tu vois qu'il est enfin libéré. Que... C'est un objectif ou quoi, mais il y a quelque chose qui. Il est filmé autrement. Mais... Ouais, la coiffure, même. Hein. Mais les vêtements, tout, enfin tout. Il est, son visage est lumineux, il va bien. Tu vois que le mec, il va bien, ça y est, il est libre. Et c'est pour ça que la fin n'a absolument aucun sens. Et c'est du pur gâchis. Et comme on disait, c'est absolument cruel parce que t'as ce gars-là qui a été malheureux toute sa vie, qui a été délaissé, que tout le monde a pris pour un monstre dès le début. Qui arrive enfin à être libéré, qui trouve l'amour de sa vie, qui pense enfin qu'il va pouvoir rejoindre sa famille, qui se sacrifie et tout. Et à ce moment où il transfère sa... Enfin, il la ressuscite. Et moi, je pensais qu'il allait mourir tout de suite. Et puis, je vois qu'il reste en vie, je vois qu'elle lui parle, je vois qu'il se caresse, qu'il s'embrasse. Et je me dis, waouh, non, ils l'ont pas fait mourir, c'est trop bien. Et puis là, il fait son magnifique sourire. Il se comporte comme un enfoiré avec nous. Ah, mais c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Et ça n'a pas de sens thématiquement parce que... Juste... Thématiquement, ça veut dire que si ta famille t'a abandonné toute ta vie et que t'avais des problèmes et que tout le monde... On t'a jugé avant même de te connaître, parce que le jour même où le film est sorti en France, hein, y a un comics qui est sorti sur lui et sur ce qui s'est passé le soir où Luc avait allumé son sabre, hein, et tout. Et c'est même pas lui qui a détruit le temple a juste explosé. Ça n'avait aucun rapport avec lui, on sait pas si c'est Snoke ou pas, mais voilà, le temple a explosé. Il a même essayé de sauver des gens qui étaient dedans et il n'a pas réussi. Et puis là, il a laissé plusieurs chances de partir et de poursuivre. Donc, son crime originel n'a jamais existé. Et c'est le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que ça fait mal, mais à un point, la morale est dégueulasse. Non seulement pour lui, parce que, voilà, il ne méritait pas de mourir. Il a une mort symbolique sur l'étoile de la mort. Elle le transperce de part en part et il renaît. En plus, ils ont foutu les vagues et tout. Il est littéralement purifié par l'eau. Si je veux dire, tu ne pouvais pas faire plus clair que ça y est, il avait eu la mort de ses péchés. Des trucs comme il a ça. Le pardon du il père. Il est lavé. Il a même plus sa cicatrice qu'elle lui avait donnée. Il avait eu sa mort rédemptrice. Il l'a eu, et le retuer à la fin, ça veut dire que ça détruit le personnage de Luke, parce que c'est Luke qui l'a fait passer du côté obscur. Enfin, c'est à cause de Luke qu'il est passé du côté obscur, qu'il a jugé alors qu'il n'avait rien fait. Ça veut dire que Han et Leia, ils se sont sacrifiés pour rien. Ça veut dire que toute la lignée de... d'Anakin ne pourra jamais trouver la paix parce que ils n'auront jamais le droit en fait de vivre pour eux-mêmes. Ils ont subi Déjà, j'étais pas content, on est vraiment pas content qu'il tue Leia à la moitié du film, et surtout qu'après, il la laisse sous un drap dans un cadavre. C'est dégueulasse, c'est irrespectueux envers Carrie Fisher. Je leur pardonnerai jamais ça. C'est dégueulasse. Et ça veut dire que même au point de vue de l'histoire, c'est juste une tragédie et personne n'aura le droit de vivre correctement. Et Rey, elle avait enfin trouvé le truc qui lui manquait dans sa vie et il lui retire. C'est pas comme s'ils avaient dit c'est lui qui l'embrasse et voilà, elle était juste gentille. Non, c'est elle qui lui attrape la tête, qui l'embrasse. Elle était heureuse comme jamais on l'avait vu être heureuse, et il lui retire ça, et ça détruit toute la saga, tout ce que George Lucas il avait fait, tout ce que même Lucasfilm après avait fait, tout ce qui a été fait par rapport au Skywalker, ça n'a plus aucune importance. La galaxie, elle se souviendra des Skywalker par Darth Vader et Kylo Ren. Merci, c'est super génial. Meilleure fin possible. Il n'y a pas d'amour à la fin de ce film. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espoir. Si tu es un enfant qui a fait des erreurs, tu peux crever dans le caniveau comme une merde. Si tu... Je me suis un peu emporté. Non, mais c'était vrai, je veux dire. Je suis d'accord avec tout. Totalement raison. Et je ne dis pas ça juste pour Kylo, c'est vraiment ça me fait mal pour tous les personnages. Et surtout qu'à la fin, ils le font même pas revenir. Ils le tuent et ils le réunissent même pas avec sa mère. Ils la foutent à côté de ce connard de Luke de merde de l'épisode 9, parce que Luke, il était génial dans l'épisode 8. C'est un tocard dans l'épisode 9. Et en plus, il ressemble à rien. Ouais, ils ont fucked up son visage, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je crois que j'aurais pu accepter la mort de Ben si derrière, s'il était revenu. Il n'était pas oublié, quoi, simplement. Mais, et surtout. Il est oublié, en fait. Et ça bousille la cohérence du truc, parce que vu qu'ils n'arrêtent pas de dire oui, c'est la fin, il n'y a pas de suite, machin, vous vous rendez compte que du coup, Leia, Ben disparaissent en même temps dans la Force. Leia réapparaît, mais pas lui. Ouais. Genre, du coup, ça veut dire quoi? Et Rey qui a son sabre laser à la fin, pourquoi elle aurait besoin de se faire un nouveau sabre laser? C'est aussi un moyen d'effacer le passé. Ouais. Il y a des gens qui soulignaient aussi qu'elle enterre les sabres sur Tatooine et disaient « Ah bah, c'est super d'enterrer le sabre d'Alakin dans la planète où il a été esclave, où sa mère lui est morte dans les bras, où il avait juré de jamais revenir. » Il a foutu les pieds sur Tatooine. Mais oui, les Skywalker, ils viennent... Oui, pardon. Oui, ouais. Bah, un super souvenir pour elle. Les Skywalker, ils viennent pas de Tatooine. Hein. Shmi, elle est pas née sur Tatooine. Anakin, il est pas né sur Tatooine. Ils ont été vendus en esclavage sur Tatooine. C'est super. Et puis voilà, c'est une planète morte, symboliquement. Elle va dans la mort, toute seule, entourée de fantômes et d'un être qui est même pas vivant, parce que c'est un droïde. C'est encore pire que si elle partait habiter à Melun avec des chats. Ouais, parce que les chats, c'est vivant, tu vois. Elle serait pas... Non, c'est vrai que cette fin est dure à expliquer, à part de dire. Du symbolisme à la con, de dire, on revient là où t'as commencé. Oui, mais ça marche pas. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est du. C'est en apparence pour. Si tu te poses pas la question deux minutes, tu as l'impression que tu reviens aux sources. Et c'est exactement ce que JJ a dit qu'il voulait faire. Il a dit, je voulais qu'elle finisse où elle a commencé. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Tu n'écris pas une histoire où ton personnage finit où il a commencé. Sauf si c'est un truc de style. Et quand un personnage finit où il a commencé, ça s'appelle une tragédie. Donc ce n'est pas une fin qui a de l'espoir. C'est pas une bonne fin. C'est pas une fin d'une saga familiale. Tu peux pas faire disparaître un personnage auquel autant de gens s'identifiaient en le laissant jamais une chance de revoir sa famille et dire que la vraie famille c'est Luke et Leia et leur fille adoptive Rey qui est t'es la fille de leur pire, la petite fille de leur pire ennemi qui a détruit la famille et qui du coup prend leur nom de famille parce que c'est symbolique de finir le truc sur le mot Skywalker. Ça, c'est un truc que j'avais dit à la fin de notre épisode sur l'épisode 8. Je suis désolé, j'ai pas eu le courage de continuer le montage, mais vous verrez, ça va être très drôle à écouter après coup. Mais j'avais dit que j'avais lu un truc et qu'il y a quelqu'un qui disait mais si Ben meurt, c'est Palpatine qui a gagné. Et c'est exactement ce qui est arrivé, et c'est encore pire parce qu'ils ont dit que sa descendante devenait la Skywalker. Et c'est encore pire. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est que des mauvais choix, sur mauvais choix, sur mauvais choix. Et le mec qui veut forcer le trait, genre oui, Luke, elle avait une vraie connexion avec lui, alors que c'est absolument pas ce qui s'est passé. Luke, c'était un héros, mais c'était pas son héros. Son héros, c'était Anne. Son héroïne, c'était Leia, et son autre héros, c'était Ben Solo. Elle, si tu voulais faire ta fin de merde, tu pouvais faire ça, mais c'est pas une Skywalker, ce sera jamais une Skywalker. Mais... Et ça me rend triste parce que c'était vraiment un de mes personnages préférés. C'est de tellement de monde. C'est horrible. C'est horrible. Ce qu'ils ont fait à Rey, ils se sont dit non, t'as pas de pouvoir par toi-même. Non, ton pouvoir, il vient des couilles de Palpatine. Ton père, je sais pas, ton père, lui, il avait pas le droit d'avoir des pouvoirs. Je ne sais pas. Encore une autre connerie du film. Et à la fin, il lui donne sa récompense. Le truc qu'elle cherche depuis 3 films. Et il lui retire. Et on n'a même pas le droit de l'avoir regretté ou quoi que ce soit. Ça cut directement à Finn et Poe, qu'on n'a rien à branler. Claude, qui est la pire merde. Parce qu'en plus, Claude, non seulement d'être une merde, il remplace Rose à plusieurs moments dans le film. Il est inutile et il est dégueulasse en plus. Parce que les mecs, ils sont là. Oh, bah, il faut que tu répares le faucon, mais connard, il a même pas de bras. T'avais Rose, hein, qui est une mécanicienne qui s'occupe des vaisseaux. C'est du foutage de gueule. Même... Mais en tout cas, t'as aussi survolé le truc, c'est quand même le personnage de Leia, c'est la catastrophe aussi. Je sais très bien qu'ils avaient une limitation technique, mais j'aurais préféré peut-être finalement qu'elle soit peut-être pas dans le film, si c'était pour l'avoir comme ça. C'était. Mais ça faisait forcer en fait, parce ils ont dit on a tourné le film autour d'elle. Je pensais vraiment pas que ce qu'ils voulaient dire, c'est on a pris ses répliques et on a mis une réplique avant qui reprenait les mots-clés de sa réplique pour qu'elle ait vraiment comme si elle répondait. Ouais. La réplique d'après, elle reprend les mots-clés aussi pour qu'on ait vraiment l'impression que ça réponde. Genre, la plupart des dialogues, t'as quelqu'un qui sort un truc, elle va reprendre ce truc pour rebondir dessus, et quelqu'un va reprendre le truc qu'elle a dit pour rebondir, mais ça fait forcer, ça fait pas naturel, quoi. C'était vraiment du c'est ce que disait Grushkov, c'est quand même terrible. C'est là, c'était utiliser quelqu'un pour faire du fan service ou quelque chose comme ça, pour dire bah elle est encore là. C'est pas méga respectueux quand même. Non, il disait qu'elle était décédée peu de temps après ou avant, enfin, c'était réglé, quoi. Ouais, si tu voulais absolument la tuer, tu pouvais facilement t'en débarrasser et respecter beaucoup plus. T'sais, genre, vas-y, commence sur son enterrement, pourquoi pas, ça fait une belle entrée en matière, il y a moyen d'avoir des belles images, des trucs comme ça. Tu commences sur un enterrement et tu finis sur un mariage, genre, je sais pas, un truc comme ça, ça te donne pas de l'espoir, ça? Les gens, pour une raison, tu avais de quoi faire, quoi. T'avais pas besoin de faire semblant de tuer des persos tout le long du film. Puis cette mort naze en plus, je veux dire, ça sent... Alors, on parle de petit respect, de cruauté, de ça depuis tout à l'heure, et je viens jouer... mettre mon grain de sel aussi après, mais imaginez, enfin, pour Billy Lourdes, quoi. Ouais. Putain, j'arrêtais pas de penser à ça à chaque fois. Il remontait son cadavre. Ouais, on la voit en cadavre la moitié de ses scènes, tu sais, genre... Pourquoi ? En plus, elle sert à rien. Quand tu la vois juste sous le drap dans les scènes, ça sert à rien de la montrer. C'est... Moi, pareil, ouais, tu t'imagines Billy Lourdes et tout, qui vont regarder le film et ils vont voir ça, voir le cadavre de leur mère sous un drap. Mais y a pas une scène, alors que c'est pas vraiment elle en dessous, mais c'est ça. Devant le cadavre, justement. Je suis pas sûr. Il y a masse. Il y a Maz qui est à côté du Maz cadavre. Maz qui est devenu maître de l'exposition, mais en Naz. Naz Canada. Elle va aller essayer de parler à son fils. Elle sait ce qu'elle a à faire, mais genre, je suis triste, hein, mais. Par exemple, tu t'avais dit que le rôle de Maz dans l'épisode 8 était pas terrible, mais genre, moi, je prends 10 000 fois la Maz de l'épisode 8 si on me retire la Maz de l'épisode 9. Hein. Je préfère qu'il la mette. Pas faux. Je préfère qu'il la mette pas. Elle rend pas bien, mais je crois que c'est parce que cette fois-ci c'est une marionnette. Faudra vérifier, mais je trouvais qu'elle était mal rendue. Ouais, elle avait un problème d'expression faciale. Pour le coup, c'est un peu triste et elle sert à rien, sauf évidemment à du fan service qui en plus pourrit le canon de ramener la médaille à Chewie à la fin alors qu'il l'avait déjà vu. Il a eu la médaille, mais dans une BD, il la donne à une gosse. Alors, moi, j'avais déjà pris très cher avant, mais sur le coup, ça m'a ému. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est facile, quoi. Mais moi, je trouvais ça absolument. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh non, putain, allez, encore un truc pour les fans rageux. J'ai même pas compris ce que c'était. Mais qu'est-ce qui lui passe dans la main J'étais encore en larmes. J'étais pas encore en colère, donc c'est passé. Ouais, et aussi, à chaque fois que le film prend un ultra mauvais choix par rapport à un personnage, il te donne. T'as l'impression qu'il en est conscient parce qu'il te donne une excuse, mais bidon de ouf, genre on va tuer Leia, mais c'est parce que le fait de devoir se connecter à la force pour dire Ben à son fils, bah ça va lui enlever la fin de sa vie. Mais la fin de sa vie de quoi? Elle avait pas l'air aussi mal en point, Leia. Enfin, c'est horrible. C'est pas Rey qui tue Leia à travers Ben aussi à ce moment-là? Non, pas du tout. Ils te disent clairement, tu vois Leia qui va se mettre dos là dans l'ombre, et puis les gens qui regardent en mode qu'est-ce qui se passe? Oui, ben le fait d'appeler ce qu'elle va faire là, elle sait ce qu'elle a à faire, mais ça va lui prendre tout le reste de son énergie vitale. Ils te disent littéralement ça, et le truc qu'elle fait, c'est elle appelle Ben, et elle dit juste Ben. Ça fait cher en communication internationale, quand même. Et Rose, vous aurez pas Rose parce que Leia veut que je reste étudier les vaisseaux de l'Empire. Ça ne sert jamais à rien. Jamais on a Rose qui vient dire « Ouais, j'ai étudié les vaisseaux de l'Empire, il y a ça comme faille. » Jamais elle revient par rapport au truc des vaisseaux. C'est vraiment une excuse bidon pour pas la foutre. Et ils avaient annoncé la mort de... Au moment où on voit l'entraînement de Leia avec Luke quand ils sont plus jeunes, t'as Luke qui explique Leia, elle a pas fait son entraînement de Jedi jusqu'au bout parce que elle avait vu que quand elle aurait accompli son entraînement de Jedi, Ben mourrait, et donc elle a pas voulu le faire. Et il a dit, et juste après ça, il dit à Rey, du coup, c'est à toi de finir l'entraînement de Leia. Et quand il te dit ça, et ben moi, quand il a dit ça, j'ai fait, mais attends, mais si elle finit l'entraînement de Leia, du coup, ça veut dire que Leia finit son entraînement et ça veut dire que Ben meurt. Et voilà. Et il t'annonce la mort de Ben bien avant que ça arrive avec ce truc bidon de prophétie de merde. En plus, ça pourrit encore le canon, c'est-à-dire que ça la rend encore pire parce que ça veut dire que quand elle a eu son fils, elle a préféré rester une sénatrice et aller faire son entraînement de Jedi plutôt que de s'occuper de son fils. Ouais, non, mais. Et moi, j'ai cru qu'elle était enceinte. C'est un trou du cul. Moi, je pense qu'elle était enceinte. Tout le cadre. Pour moi, elle était enceinte pendant l'entraînement. Ouais. C'était au tout début de sa grossesse ou un truc comme ça, mais c'était chelou de toute façon. Parce que si on suit le canon, il me semble qu'elle est aussitôt sénatrice à la suite du 6. Donc, à mon avis, genre, Luc a dû lui dire bah écoute, je te fais un petit séminaire, on va prendre les bases et puis tu repars après. Quoi. Ah, ok, peut-être. Mais bref, ça reste tout bidon comme truc. Il n'y a pas besoin de ça. Je suis sûr, à tous les coups, que c'est pour. Faire plaisir aux fans qui ont dit oh, utilise la force, c'est même pour entraîner. Ah ouais, non mais. Ta mère, toi, avec tes. Putain, ça m'énerve vraiment, je suis vraiment énervé contre ce film parce que, parce qu'il te chie à la gueule des concepts, des messages qui sont soit sexistes, soit racistes, soit dans le sens de tous les haters de la postologie. Genre, vous savez, c'était genre pour. Peut-être même juste pour amener le twist qu'il y avait deux sabres laser, tu sais, à la fin. Pour qu'ils puissent se battre ensemble. Prenez celui de Ben. Mais vous avez fait une scène daubé du cul où Luke sort le X-Wing de l'eau. Oh, putain. Et vous avez pas pensé à mettre son sabre laser vert dedans? Mais oui, aussi. Putain. Il l'avait jeté sur l'étoile de la mort. Mais non, mais il l'avait récupéré vu que c'est ce sabre laser vert là qui. Qu'il essaye de tuer Ben Hag. Face à. C'est le même. Hein, j'ai bah oui, c'est son vert. Il pouvait tout à fait l'avoir avec lui, quoi. Enfin. Oui. Enfin, oui, les holocrons. Et il l'a pas abandonné quand il a dit, quand il s'est retiré loin. Il a abandonné. Il aurait pu l'abandonner avec son X-wing. Tu vois, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. non, je suis d'accord. Été moins ridicule. Que de balancer des trucs comme ça sur Carrie qui. Sur Carrie. Pardon. Ouf. Sur Ray. Léa. On va y arriver. Sur Léa qui a son sabre laser. Même si, positif, son sabre laser est joli. C'est vrai qu'il est joli. C'est comme quoi, il y a au moins un truc positif. Mais que c'est le plus beau de tout le truc sur les laser canon, je trouve. Le pire, c'est que c'est un menteur. Un menteur dégueulasse. Oui, on va pas faire de CGI. Voilà, l'ayant CGI. Le press tour a été enfin, toute la com autour du film et le press tour a été un putain de mensonge. Tout le queerbait Poe et Finn jusqu'à ce qu'ils finissent par lâcher le morceau en mode mais non, en fait, il y aura rien dans le film. Je peux revenir à la fin du film. Attends, il n'y avait pas Finn Grushkov. Il y avait un autre truc par rapport à les mensonges. Qu'ils avaient dit qu'ils prendraient pas de doublure et pourtant bah, ils ont pris une doublure pour une faire d'eau la... hein, pour Leia ouais. Envie de dire si tu avais promis de ne pas utiliser de doublure ou de ne pas utiliser de CGI pour la doublure c'était facile, tu pouvais genre ne pas la tuer, tu pouvais ne pas la tuer. Tu pouvais lui faire avoir une fin heureuse avec son fils. Parce que Leia, du coup, son histoire, c'est qu'elle s'est fait torturer par son père. Et là, je parle que des films. Elle s'est fait torturer par son père. Elle a sa vraie famille et toute sa planète qui ont été explosées devant ses yeux. Elle a perdu son fils à cause de son frère. Elle n'est pas restée avec l'amour de sa vie, qui s'est fait tuer par son fils. Son frère l'a abandonné. Il s'est barré, s'est déconnecté de la force. Abandonné. Il est revenu à la fin, c'est déjà bien. Oh oui, mais il est revenu parce que Ray est venu le faire chier. L'épisode 8, qui était censé être le plus triste, hein, normalement, c'est censé être le point bas de la trilogie. Ouais. Il te donne plus d'espoir. Il a tellement d'espoir. L'épisode 8. Ah bah regardez pas le 9, ouais, les gens qui trouvent le 8. Arrêtez-vous là, les gars. Et dans celui-là, genre, le seul truc que j'ai accepté qui était sympa, c'était que elle aiderait à être une Jedi. Ouais, c'était cool. Ça vient de nulle part, mais c'est pas trop grave. Et elle avait pas besoin d'avoir eu. Un gros entraînement avec, un vrai entraînement avec Luke, avec des sabres laser et tout. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Fois que Carrie Fisher est morte et que tu as promis que tu n'utilisais pas des trucs, tu utilises. Tu tiens ta parole, quoi. Tu as promis d'utiliser et puis c'est tout. Ouais, d'ailleurs, par rapport à l'entraînement de Leia, je rappelle que dans la novélisation de The Last Jedi, il fallait que j'en parle. Oui, il a raison, c'est Ito. Sur le bronchi. Ah oui. Leia, dans la novélisation, a eu un entraînement avec Luke, mais elle a eu l'entraînement que spirituel. Elle n'a pas voulu s'entraîner au combat parce que Leia, c'est une sénatrice, c'est une diplomate, c'est une femme de loi. C'est pas une. Même si elle sait se battre, même si c'est une générale, même si elle sait aller sur le terrain et elle l'a montré plein de fois, elle croit encore en la politique. Et du coup, elle voulait apprendre déjà à connaître la force parce qu'elle n'en avait jamais senti. Enfin, elle avait senti des trucs, mais elle n'était pas comme Luke qui lui a eu deux maîtres qui lui ont expliqué tout ça. Donc elle voulait que Luke lui apprenne un peu la force et Luke lui a fait un entraînement spirituel, c'est-à-dire qu'il lui a appris à se connecter à la force, à écouter la force, à voir dans la force. Et si vous voulez vraiment du lore sur Leia et tout ça, dans la novélisation, elle parle de sa relation à la force et le fait que comment elle perçoit les gens qu'elle aime dans la force. D'ailleurs, ils expliquent aussi que c'est comme ça qu'elle arrive à se ramener, à se sauver quand elle est expulsée dans l'espace. Et elle te décrit les gens qu'elle aime à travers les mouvements de force autour d'eux. Et elle reconnaît Elle sait que les gens qu'elle aime sont proches ou loin ou comment ils vont parce qu'elle ressent leur mouvement dans la force. Et c'est super beau. Et ça suffisait parce que si tu regardes ce que Rey est en train de faire face à elle, c'est des trucs de méditation. Et du coup, ça marchait parfaitement que Leia ait juste eu un entraînement de méditation et de communion avec la force, parce que c'est justement ça allait avec le message de ce qui était en train d'être mis par la post-logie, qui était tu dois, les Jedi, leur problème c'est qu'ils utilisent la force pour tuer, pour combattre, alors que la force elle a sa propre volonté et il suffit de l'écouter, et tu dois aider les autres, tu dois aider utiliser la force pour aider les autres, pour changer les choses sans provoquer du mal. Et ça allait parfaitement avec le personnage de Leia, ça allait parfaitement avec ce qu'elle était en train d'enseigner à Rey, d'essayer de se connecter aux anciens Jedi, etc. Et du coup, il n'y avait pas besoin de faire en sort « Ah, regardez, elle fait des roulades sur Andorre avec son sabre laser, et puis oh, elle met Luke à terre, oh là là, c'est vraiment des frères et sœurs, c'est trop rigolo, les petits combats au bâton. » Ça apportait rien, franchement. C'est vite fini, il a une meilleure connexion à la force sans entraînement que Leia. Oui, mais est-ce que les gens vont dire que c'est un Garistou ou je sais pas quoi là? Ah bah ça, peut-être. Mais là, j'étais en train de... Oh, vas-y, gauche. Non, mais justement, j'allais dire de si vous aviez d'autres trucs, parce que moi, j'en ai encore en réserve. Hein. Ah, oui. Vous en faites tant. Alors, chat, tu es juste... Alors, Camille, je sais pas si tu nous écoutes encore, mais on est désolé. Vraiment, qui est au bord des larmes apparemment, qui ouais. Pardon. Et c'est Eto qui dit que le Broom Kid, le gamin au balai de la fin du 8, ça aurait été parfait comme image pour conclure la saga. Je suis assez d'accord, puisqu'il est présent du espoir simplement, ce gamin. Quoi. C'est... Ouais. Moi, ce que je disais, c'est que je pensais à un truc. Donc, ce film, l'Ascension de Skywalker, c'est l'un des trois films que J.J. Abrams a réalisé, produit et écrit, le deuxième étant Le Réveil de la Force. Et je me demande s'il n'y a pas une sorte de pattern là, en fait. C'est peut-être ça le problème. Il aurait peut-être dû avoir au moins quelqu'un pour... il aurait pu être impliqué dans le truc, mais il fallait quelqu'un qui s'occupe d'un des trois trucs, parce que quand il fait tout seul... Parce que le Réveil de la Force, le Réveil de la Force était correct, mais ce n'était pas non plus ouf. Voilà. Pour le Réveil de la Force, qui est-ce qui a coécrit? Laurence Kasdan. Oui, et Ryan. Par hasard, le personnage était mieux réussi, le dialogue était mieux réussi. Là, cette fois-ci, c'était Chris Terrio, et comme j'ai dit, Chris Terrio, il a eu un Oscar pour Argo, mais il n'a pas eu un Oscar pour Batman v Superman et Justice League. Ouais. Et encore une fois, sur TFA, il y avait aussi Ryan qui a un peu aidé au script pour qu'il puisse reprendre après avec TLG. Ah, j'ai oublié. Il y avait le story group avec Kiri Hart, qui est une femme qui était à la tête du story group. Il y avait tout ça. Pour le TLJ, bah, c'était Ryan. Je crois qu'il y avait encore... Il y avait encore Kasdan ou pas, Grus, sur le... Je crois pas, non. Il disait qu'il y avait juste Chris Terrio. Non, sur le 8, je disais. Oh, sur le 8, pardon. Ah, sur le 8, c'était Ryan. Donc, sur le 8, il y avait Ryan, le story group, toujours avec Kiri Hart. Et sur le 9, il y avait pas Ryan. Il y avait une partie du story group, dont Kiri Hart, qui s'était barré. Il n'était pas consultant, Kasdan, sur le 8, quand même. Un minimum. Il n'y a que Ryan sur la page Wikipédia. D'accord. Et du coup, bah, tu vois le résultat quand il n'y a que JJ, quoi. Avoir écrit avec en tout cas, Ryan Johnson, c'est le seul à avoir écrit et réalisé un épisode tout seul. Ouais. Mais il y avait aussi le truc que Ryan Johnson, on l'avait dit quand il a fait TLJ, il a consulté, il a beaucoup parlé avec le gars qui a travaillé sur presque tous les films par rapport à la Force. Il a consulté les personnes qui s'étaient occupées de créer Yoda. Enfin bref, il a vraiment consulté tout le monde et tous les gens qui ont toujours été là et aimé l'univers. Il a vraiment compris l'univers, il lui a rendu hommage avec un respect incroyable, etc. Et à côté, t'as trop ce qui arrive et t'as l'impression que le gars, il a rien pigé à Star Wars, il a rien pigé de sa post-logie et il t'envoie tout balader en mode ouais, regardez, j'ai une checklist de ce qui va faire plaisir aux fans, voilà. Et puis, par contre, les trucs un petit peu genre ça fait plaisir aux fans, mais ça risque d'en faire râler d'autres, on les coupe quand ils arrivent, tu vois. Ce qui est dingue, c'est quand tu penses que le mec a fait le 7 avant, quoi. Enfin, Mais parce qu'il n'était pas seul sur le set. Et parce qu'il y avait Kasdan et Paterio, et parce qu'il y avait Story Group, et parce qu'il y avait Ryan, et il y avait tout ça. Voilà. Mais juste, pour revenir à un truc qu'on a assez peu évoqué, que tu as dit tout à l'heure, Grushkov, mais Rose, quoi, elle est où? Et c'est une honte, tu vois, quand tu disais justement, tu dis que on essaie de faire plaisir à des fans, et en même temps, faire attention que des autres qui pouvaient râler ne râlent plus, c'est atroce comme idéologie. C'est ça veut dire quoi? Non, tu veux faire plaisir aux fans? Fais plaisir à ceux qui aiment les films que tu... Mais voilà, je veux dire... Essaye pas de faire plaisir aux mecs qui détestaient Ray et Finn parce que c'était une femme et un homme avant la sortie du premier film. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, ils seront jamais contents. C'est ça le pire, c'est que t'as détruit l'histoire pour leur faire plaisir, mais ça leur fera même pas plaisir parce que c'est des trous du cul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'était que tout ce fanservice? Et moi qui m'étais emporté contre Rogue One à cause du fanservice, la vache, j'étais vraiment dur. J'étais vraiment dur, parce que celui-là, c'est... J'avais raison. Xenu, t'avais raison. Ouais, mais j'ai un coup de bol, parce que voilà, maintenant qu'on a les faits, disons que là, maintenant, je comprends pourquoi, en fait. je vais pas commencer à dire que j'avais prédit l'avenir. Juste pendant qu'on en live là, je sais pas si les gens ont vu sur Twitter, mais Rian Johnson a tweeté une photo de Kelly Marie Tran en robe magnifique, ouais. elle est fabuleuse, avec une couronne, une emoji couronne dessus. Ouais, lui il a mis l'emoji couronne. Ouais, ça montre que Rian a vu le film et il s'est dit oh la vache, qu'est-ce qu'ils ont fait à Kelly, quoi. Surtout, alors là, un des pires trucs, c'est que JJ, lors de la célébration cette année, il a demandé qu'est-ce que vous aimez par rapport à tel jeu et tout. Il a dit, il y a un truc pour lequel je suis vraiment le plus reconnaissant envers Ryan, c'est d'avoir amené Kelly Marie Tran. Et qu'est-ce qu'il fait à la seconde où on la voit à l'écran? Je peux pas venir, Léa, elle m'a donné des devoirs. Non mais tu te fous de notre gueule. Mais toute cette com, ça a été un putain de mensonge. On en parlait tout à l'heure, le trailer. Il y a des phrases qui ont été rajoutées qui sont pas dans le film. Même on a eu C-3PO avec l'arbalète, alors qu'en fait c'est juste tiens mes affaires s'il te plaît deux secondes, quoi. Enfin, y a mais plein de trucs comme ça. Kelly qui disait mais alors du coup je me demande s'ils ont pas juste coupé plein de scènes dans lesquelles elle était, parce qu'elle disait j'ai vraiment hâte que les gens y voient comment évoluait la relation Rose-Finn, comment elle a évolué. Finn il en a plus rien à foutre de Rose et il lui fait genre Rose, dernière chance si tu veux venir, hein, meuf. C'est pas qu'on t'attend. Et à la fin, elle se fait engueuler parce qu'elle lui dit fais gaffe. Et il dit c'est bon, laisse-moi vivre. Ouais, mais putain. Mais, par rapport à JJ Abrams, c'est à se demander si finalement lui-même pas conscient d'avoir fait un peu n'importe quoi et qu'il a été un peu, je sais pas, influencé par des décisions corporate qui étaient pas les siennes. C'est donc possible. Je sais pas à quel point le côté business de Disney a influencé le produit que lui il essayait de faire. Il aurait beau aimer faire mieux, mais il a pas pu. J'en sais rien. Mais c'est pour ça qu'on est les... Le mec est schizophrène. Ah bah peut-être, ouais, parce que le mec, il a dit le film il est plutôt fun, et puis je pense que les gens ils ressortiront plus heureux et plus légers et plus joyeux qu'en rentrant dans le cinéma. Ah bah ouais, tu m'as trigger ma dépression, mais à part ça tout va bien, je suis légère. Non mais c'est ça, c'est en fait genre... timeline en deuil et en PLS depuis plusieurs jours, et c'est horrible. J'ai des gens qui veulent plus jamais voir Star Wars, qui ont désactivé leur Twitter et tout parce que c'était un compte de fan et trucs comme ça. Alors pour le coup, alors en plus j'ai vu plein de gens qui disaient oh là là, vous allez vous comporter comme les autres. Non, parce que les autres c'était des connards, ceux qui gueulaient parce que c'était des racistes et des sexistes et tout. Là c'est juste des gens qui sont brisés parce que on leur a fait croire que ces personnages étaient importants et que et qu'il y avait des messages derrière et qu'il y avait des trucs comme ça, et je suis sûr que c'était le cas, et je sais pas pourquoi ils sont partis en couille complètement sur la fin. C'est une catastrophe. Et ça va faire beaucoup beaucoup de mal à Star Wars, parce que les fans font pas tout. Tu vas faire plaisir à 300 mecs, mais t'en as 5000 qui iront pas le voir plusieurs fois, par exemple. Moi, je pensais que ça allait être de l'argent facile, mais maintenant, vu les réactions dans ma timeline, je sais pas si le film il va dépasser les 1 milliard au box-office comme les autres. Non, parce que, je pense pas. Parce que c'est une catastrophe et les critiques sont assassines. Alors c'est bien parce que du coup, comme ça, comment ils vont justifier parce qu'avant, ils disaient tout le temps, oui, Disney paye les critiques. Bah, s'ils les payent, ils les ont pas payés assez cette fois-ci parce que les critiques sont très, très dures avec le film. C'est les critiques de cinéma, hein, c'est vraiment des critiques. Oui, oui, oui. Enfin, c'est pas du rendage, quoi. C'est... Ouais. Mais tu sais, le pire, c'est que les gens comme Durandal, les salles... Mais tu te fais du mal. Non, non, mais les gens relous comme ça qui font que de faire... comment on dit spread. De répandre de la haine et tout. Bah, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils sont super heureux. Ils sont trop contents. Ils sont là, ils sont en train de se pavaner. On avait raison. Et genre... Bah ouais, enfin moi aussi j'avais raison, j'avais prédit pratiquement tout ce qui se passe dans ce film. C'est juste pourquoi cette fin? Ouais. Pourquoi cette fin? Pourquoi Rey elle est avec bébé 8? Pourquoi pas Chewie? C'est vrai. Pourquoi pas Ben? Pourquoi pas Ben en fait simplement? Qui-Gon. Parce que la justification qui vient de JJ c'est je voulais qu'elle finisse là où elle a commencé exactement. Mais quelle fin de merde! C'est pas la même planète! Y a même pas d'espoir! Tu finis une saga familiale qui raconte l'histoire d'une lignée où ils se sont battus entre le bien et le mal. C'était tous des êtres bons qui ont été manipulés, qui ont été déchirés. Ils ont perdu les gens qu'ils aimaient le plus. Ils ont jamais réussi à fonder une famille heureuse. Et tu finis une saga comme ça, avec un couple, avec ce potentiel de dingue, avec une rédemption en disant ça y est, on a enfin un Skywalker qui a réussi à vaincre la malédiction de sa lignée. Et en plus, il va s'allier avec la descendante de leur ennemi, leur pire ennemi. Et tu pourrais finir la saga, qui est encore une fois une saga familiale, qui parle d'amour, qui parle de famille, qui parle de compassion. Tu pourrais la finir sur l'union, genre un mariage, ou juste main dans la main de ces deux lignées opposées qui se sont battues et qui ont déchiré la galaxie, hein, parce que les combats Skywalker et Palpatine, ça a fait des guerres partout. L'Empire, il s'est répandu partout. Il y a des planètes qui ont été détruites. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés affectés par le combat de ces deux familles, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et tu pouvais finir avec... En plus, alors attends, le film te parle de la dyade et te dit Ben et Rey, c'est la moitié d'un seul être. Alors du coup, ça veut dire quoi que Rey, elle ait perdu sa moitié et que sa moitié soit morte? Elle est où la belle fin? Il est où l'espoir là-dedans? Ils t'ajoutent ça dans le film, genre. Ils n'avaient pas besoin d'ajouter ça. Genre, c'est littéralement des âmes sœurs. Horta, tu dis que Star Wars est une tragédie grecque? Absolument faux. Lucas et tout le story group et tous les gens en charge de Lucasfilm et de l'histoire ont dit que Star Wars, c'est un conte de fées. C'est censé bien se finir. C'est un conte de fées, pas une tragédie. D'ailleurs, le 3, c'est un côté tragique. Oui, mais parce que t'avais la trilogie originale, tu vois, qui est censée rattraper ça. C'est pas un élément de l'histoire, mais ça résume pas toute la saga. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais Star Wars, faut pas qu'on l'oublie, mais c'est des putains de films pour enfants. Et moi, j'ai été déchiré. Pour ça que j'ai pleuré encore plus, c'est que. Ouais, justement, c'est ça. En rentrant dans le cinéma, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un père de famille, sa femme, et leurs trois gosses. L'un déguisé en... L'une déguisée en Rey, une déguisée en Chewbacca, et une déguisée en Kylo Ren. On va pas de rush, là. Je me suis imaginé, en sortant du film, disant son personnage préféré, et je me suis imaginé ces milliers de gosses, ces millions de gosses qui on voit tous les jours des vidéos sur YouTube à Galaxy où les gamins font des câlins à Kylo Ren en disant ah je t'aime bien, t'es gentil et tout. Mais c'est affreux, ça veut dire quoi ça? Même les enfants arrivent à comprendre le personnage. Mais oui, c'est ça. Mais et surtout qu'il n'avait pas besoin de mourir. Il n'avait pas besoin de faire ça, J.J. Abrams. En plus. Mais dans le film, il te fait croire que Kylo meurt 4 fois. Quand Rey pète son vaisseau et qu'il se crache sur Passana. Les autres fois. Il y a la fois où elle le tue. Il y a quand il tombe dans le trou, quand Palpatine bouffe sa force vitale. Et la cinquième fois, c'est quand il ressusciterait. Et tu dis, bah, ça y est, il a survécu à tout ça. Il l'a sauvé et ils vont vivre ensemble. Et là, il se passe trop de temps entre le moment où il la ressuscite et le moment où il meurt pour que ce soit logique. C'est-à-dire que ils sont heureux. Ils ont le sourire qui veut dire que ça y est. C'est fini, il n'y a plus de guerre, ils sont heureux, l'amour a vaincu. Et là, il te fait. La flemme. Mais non, mais dans la narration, ça colle pas. C'est pas non. De montrer ça si longtemps, si c'est pour d'ailleurs te faire l'inverse. C'est vraiment de cracher à la gueule en tant que spectateur. Ah oui, mais la fin n'est pas une fin, ça finit sur un cliffhanger. Et ça n'a pas de sens, parce que si tu dis que c'est la fin de la saga des Skywalker et qu'il y aura plus Star Wars à propos des Skywalker, pourquoi Rey, elle annonce de cette telle façon que c'est une Skywalker? Pourquoi Ben n'apparaît pas aux côtés de sa mère alors qu'il a disparu exactement au même moment dans la Force? Et pourquoi elle s'est fait un nouveau sabre si c'est la fin des Skywalker, si c'est la fin de la saga et si tout est censé être résolu? Elle n'a plus besoin de combattre. Elle n'a pas besoin de se faire un nouveau sabre. Pourquoi? Surtout, pourquoi elle allumerait son sabre comme ça? Oui, ça, non mais c'est vraiment juste... Non, mais... aucun sens. Parce que, regarde, juste le plan de fin. Le plan de fin, c'est les soleils, les binary sunset. Les binary sunset, c'est une des images iconiques du premier film. Hein, de la saga, qui regarde. L'épisode 3, il y a droit. Et l'épisode 3, il y a droit. Mais dans l'épisode 3, ça avait un sens, parce que... Bah, c'est littéralement lui qui revient. C'est l'espoir, c'est te dire, regardez, c'est pas fini. Dans l'épisode 8, Luke meurt face à la même chose. Et c'est beau parce que c'est comme ça qu'il a commencé sa trajectoire. Et c'est comme ça qu'il... Et c'est comme ça qu'il la termine. Ça a une signification pour les spectateurs, mais aussi pour le personnage. Quelle signification ça a pour Rey? C'est juste pour faire plaisir aux gens qui regardent. Ça n'a de la signification que pour les gens qui regardent. Ça ne veut rien dire pour Rey. Elle n'a aucun attachement à ça. Elle n'a jamais été liée à ça. Voilà. Mais alors, Kylo Ren, c'est la rédemption par la mort, mais il est mort à la moitié du film. Il s'est fait transpercer de part en part et elle l'a soigné pour guérir ses blessures. Voilà, pardon, j'avais pas vu que c'est une que tu avais dit qu'on avait déjà parlé. Il avait déjà eu mort et renaissance. Ça n'a aucun sens de le tuer à la fin. Qu'il y ait Reylo ou pas, ça n'a aucun sens. Surtout que. On va pas se mentir, c'est un des plus grands héros de la saga. Et même durant toute la fin, ça n'a pas de sens. Il y a pas de raison pour laquelle il ne pourrait pas apparaître dans les dernières scènes avec Rey. Ouais. Et puis un truc vachement long, et ça ferait même mieux marcher les scènes. La scène où il dit qu'il y a les Skywalker, ils seraient ensemble, ils seraient des Skywalker, ça pas forcément les montrer mariés avec des alliances tout le bazar, mais juste ça, on comprendrait, ça suffirait, et ils seraient tous les deux seuls sur Tatooine en exil, ensemble, heureux. Loin du reste, pas de sabre, plus rien. Point. Et là, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir de les voir heureux ensemble. Il n'y avait rien de plus à faire. Le même film, sauf qu'il ne meurt pas. Il est là avec elle à la fin. Ça coûtait pas plus cher. Le problème aussi, c'est que du coup, à cause du fait de tuer Ben, le film tue sa propre cohérence et sa propre histoire, parce que pendant tout le truc, ils te le disent, ils te le balancent à la gueule tout le temps. Ben et Rey sont... la moitié chacun d'un même être. Même Palpatine le dit, tout le monde le dit, ils n'arrêtent pas de dire, vous êtes une diade, machin. Ben se fait balancer dans un trou. C'est Rey, toute seule, qui arrive à vaincre Palpatine, alors que symboliquement, ça aurait été, vu qu'on parlait de diade sans arrêt et tout, Ça aurait été magnifique que ce soit les deux en même temps qui le défassent. Et puis, du coup, je me suis perdue. Pardon. C'est pas toi. putain. Et du coup, oui, c'était logique. Quand ils sont morts ensemble, quand Palpatine a absorbé leur vie, ils auraient dû revivre ensemble, mais l'autre, il se refait balancer. En plus, Palpatine dit « Avec moi qui m'élève, je non, tue. » C'est pas ça qu'il dit, t'arrêtes pas de dire ça, mais il dit « Comme moi, je suis tombé un jour, le dernier Skywalker tombe. » Genre. Voilà. Non, merci, on avait grave besoin de ça. Ouais, non, mais... Clin d'œil. Ouais, c'est ça. Pardon, parce que j'ai plein de trucs à dire sur le moment où... Ouais, j'ai encore oublié ce que j'avais, putain. Perso, je trouve que de parler de ça, alors après, je sais pas si tu voulais encore parler de Rey et Kylo Groshkov, mais c'est vrai qu'on avait eu un doute dans notre épisode, enfin, on avait vite fait parler de ce qu'on attendait sur le nouveau film. Finalement, c'était pas terrible cette idée de ramener l'empereur. C'était pas, ça a rien amené de vraiment intéressant. Final, ça tombe un peu comme un cheveu. Au final, non. Alors qu'il y avait moyen d'en faire un truc. Moi, j'aimais bien en plus tout l'aspect empereur et tout. C'est stylé dans le film. Elle n'avait pas besoin d'être une Palpatine spécialement, mais ça me gênait pas parce que le film le rendait bien au final. C'est juste qu'à la fin, voilà, ça fait genre Palpatine a gagné. Même de base, je trouve qu'ils n'ont pas bien utilisé l'idée. Voilà. Pas juste la fin. C'était ça que je voulais dire. Ils leur font vous êtes la moitié d'une même personne. Et quand Ben est envoyé dans le trou, et ben, tous les Jedi ils viennent parler à Rey. Et lui, il compte pour du cul. C'est lui le Skywalker dans l'histoire. Ils ont même pas. Toute la vie de Ben Solo, il a été seul, abandonné par toute sa famille. Et là, à la fin, t'as tous les Jedi qui d'un seul coup font « Oh si, vas-y, on peut répondre. » Et c'est même pas à lui. C'était pas difficile de garder cette scène-là, mais de montrer genre Ben au fond du trou. Ou un parallèle, voilà, oui. Ben au fond du trou, et t'as Anakin qui apparaît et qui l'aide à se relever, tu sais, c'est con, ça prend 2 secondes. Surtout qu'ils disent, les Jedi disent plusieurs fois à Rey, rise, lève-toi. Ouais. Genre, c'était pas pile poil ce qu'était en train de se faire Ben au fond de son trou, là, quand il a regrimpé avec sa jambe pétée. Ça n'a pas de sens. Au lieu de le jeter, ils auraient pu les faire s'adresser aux deux en même temps qui étaient au sol. Ouais, et surtout le truc aussi, alors pas tout à fait par rapport à cette scène-là, mais le fait que Leia et Finn savaient que Rey était une Palpatine déjà d'où. Et ensuite, ça veut dire que, les gens disaient, ça veut dire que Leia, what the fuck, Leia, Luke et tout, dès qu'ils ont senti un peu le côté obscur tourner autour de quelqu'un de leur propre famille, hein, Ben Solo, qui est un Skywalker, ils se sont dit « Ouais, non, c'est bon, il est doomed, c'est un monstre, il sera jamais bien, voilà. » Mais ils ont une Palpatine qui pop de nulle part, et ils font direct « Ouais, c'est bon, toi, t'es notre Skywalker. » Et à la fin, en plus, c'est elles qui vont voir, genre... Enfin, tu vois, les Jedi, ils vont pas voir Ben, il meurt, il disparaît totalement, et à la fin, t'as juste Luke et Leia avec Rey, et ça n'a pas de sens. C'est... Même quand ils pensent, en fait, ça fout en l'air le titre ne veut rien dire maintenant. Ah oui. Le film contredit son propre titre. Ça se trouve, c'était The Rise and Fall of Skywalker, je sais pas. En fait, je pense que leur excuse, ça va être « Oui, mais on voulait montrer que Skywalker, ça avait dépassé la famille et c'était devenu carrément un état d'esprit, tu vois, une façon d'être, une valeur. Et tu sais, le problème, c'est que tout le film tourne autour des noms de famille. À la fin, Rey, elle a pas une famille. Elle a un nom de famille. Ça, c'est un des trucs les plus forts du film. C'est un des gens forts. Il y a des gens morts et une carpette ambulante avec des trois droïdes. Skywalker, c'est pas un nom, c'est une valeur. On dirait une pub de bagnole. Non, mais oui, mais c'est pas une voiture. C'est leur excuse. T'as l'impression que c'est leur excuse. Le seul qui se souvient que Ben, c'est un Skywalker, c'est Palpatine. Voilà, super. Et la seule personne qui en a quelque chose à foutre de Ben, c'est Rey. Et il lui est enlevé à la seconde où elle le récupère. Voilà. Allez, Rey, toi, de toute façon, t'es une femme forte. Donc, t'as pas besoin de... t'as pas le droit à l'amour. T'avais qu'à pas être forte, hein. C'est soit t'es forte, soit t'as l'amour. Ouais, maintenant que t'en parles, c'est vrai que c'est ça, c'est un, ce que tu dis là, Tuki, c'est un truc super méga fréquent. C'est quand même triste. C'est quand même triste qu'on n'arrive pas à évoluer après tout ce temps. Genre, on est en train de revivre les pires heures de l'univers étendu. Ils ont pas détruit l'univers étendu pour refaire des trucs qui, les trucs les moins bons. Prenez au moins les trucs qui étaient bien. Déjà qu'il n'y en sort pas le Palpatine des clones, merci. Les Yuuzhan Vong ? Non. Et genre, il est où l'espoir à la fin ? Mais il n'y en a pas. Alors, un truc que je voulais dire depuis tout à l'heure et que j'ai pas dit, c'est le... Vous vous rendez compte qu'avec cette fin, aucun couple... n'a bien fini dans Star Wars. Sauf les lesbiennes qu'on voit 3 secondes. Oui. Moi, non, c'est super. Il y a un comic sur elle et ça finira mal, quoi. Ah, bon. Et Padmé, ça a mal fini. Si on veut aller même plus loin, Obi-Wan et... comment il s'appelle ? J'ai pas lu les bouquins. Je vois que Satine. Et Satine. Kanan et Hera. Kenan et Hera. Ouais, j'avoue. Comment ça s'appelle ? Le couple de l'autre star aussi. Comment il s'appelle ? Leia et Anne. Shmi et Lars aussi. Hein. Oui. Ouais. Et là, on avait l'occasion d'avoir la plus belle, parce que c'était deux... Pour la première fois de la saga, en plus, c'était deux utilisateurs de la Force, en plus. C'était vraiment spécial. Et... Le pire, c'est que le film, il te dit « Oui, il s'aimait vraiment !» Et il lui retire. Il le retire. Et en plus, on n'a même pas le droit à Finn Rey. Parce que ça aussi, ils l'ont ils ont enlevé Finn Rey. Et pour rien. Finn Rose. Finn Rose, oui, pardon. Ah oui, j'ai eu un... Quel con. J'ai eu un peu peur aussi. Je me suis dit, mince, je te l'ai fait continuer. Finn Rose, t'en parles. JJ, il l'a tellement effacé que je me souvenais plus de son prénom. Ah, putain. Ouais, aussi un truc... C'est quoi, cette saga ? Un truc qui était magnifique, c'est un Palpatine qui a fait tomber les Skywalker du côté obscur, et c'est une Palpatine qui les a fait revenir du côté lumineux. Et ils ont décidé que, ouais, mais du coup, ça fait trop happy ending, nous on veut être cynique, c'est dans l'air du temps, et du coup, Skywalker, il va quand même creuser. Même dans Solo, il y a les deux couples, ils finissent en tragédie. Oui. Alors, je sais que ça peut faire penser à tout le monde, mais Jean et Cassian, ils ont même pas eu le temps de faire un spoiler total. De quoi ? Je dis l'alerte spoiler est totale. Par rapport à toute la saga. Ah bah oui. Il y a que Fixer qui a. Ah oui, il y a vraiment que les LGBT qui sont. Non, non, attends, la série est pas finie. Ouais, j'ai pas vu la saison 2, donc j'en sais rien. Vraiment que les LGBT. Mais ça se trouve, le message de Star Wars maintenant, c'est les hétéros, c'est cursed. T'arrives à la fin, t'as la célébration, mais dans la célébration, le seul vrai amour qu'il y a, c'est bah, au moins, ils ont ramené Darcy de l'épisode 8, ce qui est sympa. C'est déjà ça. Mais c'est ça qu'il a gardé. Genre, Finn et... il a personne. Poe, il veut baiser, c'est tout. Oh, putain. C'était rigolo qu'ils se prennent un gros vent, mais pourquoi faire ça à son personnage ? C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de ça. Enfin, pas d'amour, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est censé être un des trucs fondateurs de la saga, à part 3PO et c'est... Ah mais eux, ils baisent à l'écran en plus. Et c'est des gays, c'est des gays. Moi, je me suis demandé si c'est à la fin, ils n'allaient pas se mettre ensemble. Hein. Ouais, j'en avais parlé dans l'épisode sur TIG, mais je voulais qu'ils soient en couple. Qui C'est 3PO et R2. Ah oui, mais ça a toujours... Je sais plus qui avait dit ça, et ça m'avait fait trop marrer. Je sais plus si c'était quelqu'un de... C'était quelqu'un qui connaissait Star Wars, qui avait vu le 4 au cinéma et tout, et qui avait dit mais pour moi, le couple gay de Star Wars, ça a toujours été C-3PO et R2-D2. Et c'est ouais. Vrai. Ils sont toujours comme un vieux couple, c'est très bon. Mais pour le coup, ouais, non, à part Darcy et sa femme, comment elle s'appelle ? Eh ben, on sait pas. On la connaît pas, sa femme, Darcy. Attends. J'ai vu passer Tice. Un tweet avec les noms. Tice, Ruby Tice. Eh ben, justement, il y a pas de couple joyeux dans Star Wars, quoi. Ouais. C'est affreux. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que, à mon avis, pour en revenir à une note peut-être un peu plus joyeuse, mais je pense vraiment que c'est pas la fin de la saga Skywalker. Et si on voit pas le fantôme de Ben, c'est pour une raison. Enfin, je vous espérais, parce que c'est bah, c'est ça, non, le problème, c'est que tout indique le contraire. C'est que ça finit sur un cliffhanger, tu te dis Ben n'est pas là, elle s'est fait un nouveau sabre, donc elle va aller le chercher. Et en même temps, dans les interviews et tout, ils continuent de dire « Ah non, les Skywalker, c'est fini, le 9, c'est le dernier. » Donc s'ils font pas un 10 avec... qui... Parce qu'il y a aussi le problème que... ben, il n'y a rien qui est résolu. Hein. Le premier ordre, il n'est pas détruit. Et ben, il y a toujours de l'esclavage dans certaines planètes. Il y a toujours la guerre sur d'autres. Du coup, il n'y a rien qui est résolu. Ils ont juste détruit une flotte qui est apparue quelques heures plus tôt. C'est tout. Et Palpatine. Le syndrome. Qui est apparu quelques heures plus tôt. Mais du coup voilà, il y a, enfin, je veux dire, la logique, ce serait qu'ils fassent un 10 où ils sauvent toute la galaxie et où, je sais pas, ramener Ben de l'au-delà ou d'un entre-deux-mondes, ça rapporte l'équilibre dans la force et ça sauve tout le monde. Et il n'y a plus jamais de conflit et toutes les armes sont détruites ou un truc comme ça, tu vois, un vrai happy end, une vraie bonne fin. Je vois une Ben à l'arrière, hein, dans la mort, tu vois. Ouais, mais c'était ça, il y a quelqu'un qui disait dans le chat, le truc de la dyade, ça. Le seul truc logique, c'était que du coup, soit ils vivaient ensemble, soit ils mouraient ensemble. Et oui, et la fin n'est pas cohérente par rapport à Star Wars, n'est pas cohérente par rapport à la post-logie. Elle finit sur un cliffhanger qui est pas heureux, qui est totalement du désespoir, hein, au niveau symbolique, le désert toute seule avec des fantômes. Non, il y a pas vraiment d'espoir. Enfin, et c'est un coucher de soleil en plus, ça représente la mort aussi. Hein. Pas sans fantôme en plus. Oui, non mais ça c'est. Je le depuis tout à l'heure, mais. Admettons, c'est la fille de Palpatine, ok, Ben, il meurt, ok. Mais on n'a pas sa réaction après qu'il soit mort, à Rey, on n'a pas de plan. Ah oui, non, mais rien. Où elle ramasse ses frags, ou même qu'elle les tiendra à la main. Elle n'a pas le droit de faire ça. Même pas, elle enterre son chandail, je sais pas, avec les sabres, il y avait un truc à faire, il y avait une connerie, et puis après le fantôme de force, même sans... Le bébé de fantôme de force, parce que tu estimes qu'il a fait trop de mal à plein de gens, donc forcément il peut pas. Ok, mais pourquoi même pas Rey, on montre son attachement, on montre pas son attachement à Ben à aucun moment, toute la fin. Elle arrive sur la planète, elle s'en bat les couilles à faire des câlins à ses potes, rien. Et après, elle va faire de la luge sur Tatooine parce que c'est redevenu un enfant, parce que de toute évidence, la femme pure, c'est une femme enfantine qui est intouchée et qui doit vivre seule et faire pénitence. Et, tous les messages sont absolument dégueulasses du point de vue traitement des personnes de couleur, traitement des femmes. Il disparaît littéralement du film. Oui, il s'en débarrasse, c'est-à-dire il disparaît des vêtements et c'est, voilà, il disparaît. Mais, littéralement. C'est... Ok. Vador a eu sa rédemption dans la mort, il a sauvé son fils, machin. On a quand même une scène où on a le fils qui brûle l'armure sur le bûcher. Il y a là, à la fin du film, il est présent. Là, oui. Il disparaît. C'est vraiment, on l'oublie, il fait plus partie de l'histoire, plus du film, il est littéralement plus là. Quoi. Yoda, il revient en fantôme de force, Obi-Wan revient en fantôme de force, Anakin revient en fantôme de force, Luke revient en fantôme de force, Leia revient en fantôme de force, Ben, il n'y a pas le droit. Elle non plus à la parole. Même si tu faisais la même scène, j'y reviens, hein, mais il aurait pu être présent à la fin du film. Tu veux à tout prix le faire mourir. Tu mets un fantôme de force. Ça coûtait quoi de foutre un fantôme de force C'est ça, ou si ça se finit comme ça et qu'ils n'ont pas prévu de suite, ça n'a aucun sens. Scénaristiquement, aucun sens. Ça n'a pas de sens. En l'état, pour l'instant, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. C'est ça qui rend vraiment barge, je crois. Enfin, moi ça me. Ouais. Ça me oui, bien. C'est pareil. En fait, c'est juste c'est que. D'un point de vue de la narration, et pour le coup on peut reprocher beaucoup de trucs à George Lucas, mais la narration il la connaît très bien, tu vois, et là ça brise tout en fait. Bon, tout au long du film, je me suis dit, le 2, il a beau être naze, au moins, il n'oublie pas qu'il fait partie d'un ensemble de ses enfants. Oui, c'est ça. C'est tellement ça. Mais oui, et c'est... Et pour le coup, c'est là, ça se trouve, dans 2 mois, Kathleen Kennedy va arriver. En fait, oui, c'est le dernier épisode de Rise of Skywalker, mais il y a 2 parties, tu vois. Le film n'assume même pas ses choix parce qu'il te fout des holocrons, mais il te dit jamais que c'est des holocrons. Non, c'est des wayfinders. C'est des trouveurs de chemin, c'est des balises, les trucs. Moi, j'ai vu l'holocron, j'ai fait oh, yes, ils ont mis des holocrons, parce qu'en plus, il y a plein de gens qui en avaient parlé en disant qu'on pouvait. Il y avait des gens qui étaient allés à Galaxy's Edge et qui disaient que si tu prenais un holocron Sith et un holocron Jedi, je sais pas si ça s'appelle des holocrons pour les Jedi aussi, et que tu les combinais, hein, à Galaxy's Edge, et ben, ils devenaient violets et ils te donnaient un message. Et dans le canon, combiner un holocron Sith et Jedi, ça te fait apparaître une entité qui te donne la réponse. T'as le droit à la réponse à une de tes questions. Et tu as le droit d'obtenir cette réponse. C'est dans Rebels qu'il y a ça. Voilà. Et du coup, j'ai vu les holocrons à l'écran et je me dis, waouh, trop cool, les holocrons. On avait vu ça que dans les trucs. Il n'y a pas d'holocrons, c'est des wayfinders. Oui, voilà, et c'est ça. Et après, quand ils ont dit que c'était des wayfinders, je me suis dit, mais alors, c'est pas des holocrons. Non, mais le film chie sur la saga, chie sur le canon, enfin sur l'univers étendu canon, et même l'ancien au passage. Mm-hmm. Et tout fait absolument tout n'importe comment. Mais le pire, c'est l'incompréhension. Vraiment, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas de cohérence. Donc, et le pire, c'est que, tu sais, tu as tout ça, tu as tout ce film qui fait un gros fuck à ce qu'il y a eu avant, qui n'a pas de cohérence dans son propre univers et rattaché aux autres. Et là, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'ils ont aussi décidé de remanier la timeline. Et maintenant, on ne dira plus les dates, c'est plus avant la bataille de Yavin et après la bataille de Yavin. Les dates de référence, maintenant, c'est avant l'incident de Starkiller et après l'incident de Starkiller. Sérieux? Comme ça, ça place le 7 au milieu. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas fini alors, il reste encore le jeu. Tu dis, vu qu'il y a plus de trucs avant l'incident de Starkiller qu'après, ça veut dire qu'il y aura des trucs après, ça te donne un peu d'espoir et en même temps c'est la seule logique à ça. Et c'est pour ça que le fait qu'on va pas Ben, ils ont intérêt à l'expliquer d'une manière ou d'une autre parce que. Mais pas dans des livres, tu vois, ou pas dans des comics. Faites-en un film qu'on ait Adam Driver en Ben qui revient, quoi. Adam Driver en Ben, mais du coup, enfin voilà, je n'ai pas compris cette fin, j'ai pas compris tout et je repense à cette interview de Kathleen Kennedy qui disait justement les fans, ils sont vraiment trop forts, ils ont vraiment tout compris quoi. Mais forcément qu'on a tout compris si tu fais plaisir à tout le monde. Mmh. Pas plaisir. Tu fais en sorte de pouvoir répondre à un maximum de théories, tu vois. Je crois que c'est ça le truc. Alors, c'est notre ami, le copain Pierre Salard, qu'on avait eu en invité il y a quelques temps, qui en parlait. Il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans le film. Il aime le film, il le déteste. Enfin, il ne l'aime pas en même temps, mais il n'arrive pas à savoir pourquoi. Et il se retrouve un peu vide comme ça. Il ne sait pas quoi en penser. Et là, tout le monde est con. Juste ce qui s'est passé. Enfin, pas ce qui s'est passé, mais pourquoi le film est comme il est? Pourquoi il va vers là où il pourquoi va? Pourquoi une telle fin? Il y a cette fin, pourquoi cette fin? Pourquoi c'est pas une vraie fin, ça conclut rien. Il n'y a pas d'espoir et c'est ni satisfaisant pour le film, ni pour la post-lo, ni pour la saga. Et c'est même pas en étant d'un point de vue de Rélo ou de fan. Ah non, pas du tout. Je pense que tu prends n'importe qui n'est pas spécialement intéressé par Star Wars, qui a un minimum de compréhension de la narration ou de ce qu'est une histoire, il va être perdu. C'est pas pour rien que même des critiques de cinéma classiques qui sont pas à donf dans le délire, oui, c'est ça. Que le film est naze. Ah bah ça, je suis d'accord avec toi. C'est objet filmique en lui-même, il n'a aucun sens. C'est pas parce qu'on est vrai, on peut, voilà, on l'admet, on adore tout ce qu'est Kylo Ren, Ben, Alan River est génial, Ben Solo encore mieux. Mais en dehors de tout ça, même d'un point de vue juste filmique, il n'a aucun sens. Il tient pas la route et c'est pour ça que tout le monde est complètement perdu. En plus d'être en colère, parce qu'on se sent floué, on se sent bafoué. C'est pas comme le 8 où il y avait une colère de certains teubés qui étaient en colère vis-à-vis de leur vision de Star Wars et c'était vraiment des fans là qui étaient vénères. au contraire, je crois qu'il avait été salué plutôt par la critique. La majorité des gens l'ont apprécié. De la Jedi, il est dans les classements des meilleurs films des années 2010 là, de Empire, quelque chose comme ça. Donc, ça plaît forcément aux critiques. C'est quand même un film d'auteur. Même il arrive à se mettre à dos quasiment tous les amateurs de Star Wars, et en plus même les critiques trouvent qu'il est bancal. Il y a un truc qui va pas. Et tiens, t'as Big dans le chat qui dit qu'il a vu avec quelqu'un qui est pas du tout un connaisseur de Star Wars et qui, bah, du coup, a rien compris à la fin, pareil. Bah ouais, voilà. C'est ce que tu dis. Narrativement, il y a rien qui tient. Ça. C'est pas logique, ça se tient pas. Il y a des façons de raconter les choses. Tu amènes l'histoire vers... Symboliquement. Narrativement, du point de vue storytelling, mythologiquement, symboliquement, ça ne marche en rien, cette fin. Elle n'a aucun sens, elle ne marche pas. Et bien, partons du principe que c'est pas une fin. Bah oui, ça ne ressemble pas. Enfin, c'est pas une fin parce que ça ne conclut rien. C'est. Voilà, c'est ça, c'est un paix, quoi. Ça se finit comme ça. Elle est où la suite ? C'est comme un paix. Voilà, tu te dis, bah, ok, mais. J'ai vu que c'est l'entracte, c'est ça, ça reprend. Bah ouais, c'est ça. Qu'il faut être le plus de toute ma vie parce qu'il me fait vraiment mal. Très vite, après je vous laisse la parole, mais tu disais tout à l'heure que la figure de style, l'effet miroir, ça marche quand tu veux faire un effet de style, justement, et je crois que Gigi, c'est ça, c'est que de la gueule, en fait, c'est que du style. Ouais. Il sait faire des... Mais c'est même pas du bon style, en plus. Il sait faire résonner des choses, mais c'est tout. Mais quand tu le fais au détriment de l'histoire, c'est là que ça craint. Les petits clins d'œil qu'il y a eu avec Ben et Anne, avec la petite gestuelle qui reprend celle du Retour du Jedi à un moment donné, en arrière sans regarder ce qu'il fait, plus que le mec, là aussi c'est une référence. Mais ça passe parce que ça n'interfère pas avec le récit. Quand tu commences à vouloir à tout prix caser ta scène de fin sur Tatooine face au soleil couchant, machin. C'est là que tu vas tendre le récit pour en faire un truc qui va dans ton sens, mais qui n'ira nulle part, parce que ça colle pas à ce que devrait être la narration. En plus, tu parles de l'effet miroir, mais le fait de vouloir faire finir son personnage là où il a commencé, ça s'appelle pas un effet miroir, c'est une espèce de cycle, et ça ne marche pas en narration. L'effet miroir, c'est comme tu dis, c'est les petites références dans des contextes et des personnages différents. Le miroir qu'il y avait dans Star Wars avant, c'était entre les trilogies. C'était des trucs qui étaient en miroir d'un autre, soit pour en montrer l'aspect rendu négatif ou rendu positif. C'était vraiment un truc qui répondait à quelque chose. Ouais. Si tu voulais faire un effet miroir à la fin du 9, tu aurais pu faire un effet miroir du mariage de, si tu pars là-dessus, du mariage de Anakin et Padmé. Tu aurais pu faire un effet miroir d'une autre fin d'un autre film en version positive ou quoi que ce soit. Là, ça ne fait pas un effet miroir, ça ne miroir rien du tout dans Star Wars, et ça n'a pas de sens qu'il allume son sabre laser pour te montrer, regardez, c'est un nouveau jouet, oui, ils vont être contents les fans. Ça n'a pas de sens intrinsèquement et d'un point de vue extérieur de personnes qui regardent, quoi. C'est refait le plan de début avec Han Solo, parce qu'effectivement elle fait elle fait pas miroir, en même si, enfin, c'est le même dialogue, mais c'est pas le même. Oui, si, il revit la scène comme il aurait vu, ça marche parfaitement dans le cadre de ça. Et c'est pour moi que c'est, à mon avis, la meilleure scène de tout le film. Hein, mais c'est seulement à ce moment-là que ça marche dans le film. Et tout le reste, il tend le récit pour faire les images qu'il voudrait faire. Et même des fois, il fait des images juste pour faire des images. Voilà, il voulait détruire une planète dans le film, plus sûr que c'est un délire comme ça. On détruit une planète dans le film, sauf qu'on s'en bat les couilles, en fait. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun impact sur... c'est même pas tirer l'arme, parce que les persos, on les a vus 10 minutes, même si Babou Frick, ça serait triste, mais c'est trop ça. Et j'ai l'impression que voilà, c'est des montagnes russes. C'est joli visuellement, ça va très vite, mais juste histoire que tu oublies que tu vas avoir envie de vomir juste après. Oui. Je voulais juste remercier Saito, parce que c'est un truc que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que bon, bah, j'avais tort. Ils ont dit que c'était le Kintsugi, mais en fait c'est juste qu'ils ont vu les trucs Kintsugi, ils se sont dit que c'était cool, et du coup ils ont ramené le masque de Kylo en utilisant ça comme justification. C'est juste parce que c'était joli, quoi. Ce casque, c'est pareil, c'est une déception, parce qu'on s'attendait vraiment à un truc autour, comme tu disais, le truc, tout ça. Enfin, c'est bâclé. C'est il est reconstruit. Il est porté 5 minutes à l'écran. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est beau, machin. Ouais, bien joué. Il le retire. Il ne le porte plus jamais. Et je vois quelqu'un dans le chat qui parle de George Lucas. Et je voulais dire que justement, George Lucas, il y a des extraits d'un livre qui n'arrête pas de repopper en ce moment sur Twitter, où tu vois George Lucas et Kasdan qui parlent ensemble. Et Lucas dit qu'il est contre le fait de tuer des persos principaux, parce que Kasdan lui disait « il faut que tu fasses mourir tel ou tel personnage ». Et à chaque fois, il disait « bah non, j'ai pas envie ». Et il disait que... bah, il aimait pas cette idée que pour ajouter un poids émotionnel ou faire accrocher le spectateur et tout, fallait tuer un des personnages principaux et un des protagonistes. Et du coup, la façon dont c'est dit et tout, tu l'appliques à Tross, enfin The Rise of Skywalker, et tu te dis, si George Lucas il voit le film, il va être désespéré, parce que c'est exactement tout ce qu'il voulait pas, ce film. C'est ça se finit tristement, c'est une tragédie, et pour lui, Star Wars, c'était un conte de fées, c'était censé se finir bien, c'était censé donner de l'espoir aux enfants. Et en plus, il avait dit aussi un truc qui est très rigolo. Il avait dit, si the good guy, le bon gars, et l'héroïne et le héros finissent main dans la main face à un coucher de soleil à la fin du film, tu rajoutes 10 millions au box office. Et que, quand tu t'imagines qu'ils auraient pu juste garder le même film, hein, même avec ses défauts et tout, garder le même film, mais juste pas tuer Ben et le faire être sur Tatooine avec Rey, et ça aurait été parfait. Il y a tellement de choses. Très honnêtement, tous les reproches que je peux faire au film, et j'en ai encore d'autres, hein, vous inquiétez pas, mais je les aurais pardonnés si on avait eu cette fin-là. Oui, pareil. Ouais. Vraiment, c'est ce que je disais aussi quand je le regardais, je me disais, j'avais hâte de le revoir, quoi. J'aurais excusé tellement de choses. J'aurais été bon client. Et vous savez que je suis pas fan de Lucas, hein, mais je pense que je suis un peu triste pour lui quand j'y repense. Mais moi, c'était pareil. C'est ce que je disais à Grushkov quand j'étais en larmes après le film. Mais je l'ai même pas aimé le film. Je l'ai bien aimé. Je me suis bien amusée devant. J'étais consciente qu'il y avait des trucs qui passaient moyen, qui étaient des défauts, qui avaient des problèmes. Mais j'étais prête à pardonner, parce que Star Wars, par moments, c'est un peu limite, et c'est ce qui le rend drôle et attachant. Et c'est ce qu'on a parlé par rapport à la prélogie, etc. Et je disais, j'adorais le film en le regardant, parce que je trouvais que, waouh, même si c'était malgré le montage épileptique et les trucs comme ça, je trouvais ça intéressant, j'avais envie de voir où il l'a amené. Et le fait que à la fin ils amènent le personnage de Ben, ils nous montrent comme ils sont heureux et tout, et qu'ils décident non, ils ne seront jamais heureux. Rey, elle a perdu la moitié d'elle, est morte, et elle va finir seule sur une planète entourée de fantômes, sur une planète désertique qu'elle ne connaît pas, entourée de fantômes, et Ben il disparaît à tout jamais. Ça a juste tellement tout ruiné. C'est pourquoi vous voulez qu'ils soient malheureux, ces deux personnages? Vous avez vos deux héros qui sont des êtres qui ont une enfance merdique, qui ont été abandonnés et qui trouvent enfin une famille, un but, qui sauve tout le monde, qui sont enfin heureux, et vous vous dites non, ils vont pas être heureux. C'est même pas pourquoi que deux, c'est... Mais oui, mais en plus, voilà, toutes les implications par rapport à ce qu'il y a évoqué et tout. Mais oui. Ils se sont sacrifiés pour rien. Anne, elle s'est sacrifiée pour ramener Ben, et à la fin, il meurt quand même. Et elle le retrouve même pas dans la force. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La saga, c'est parce que tous les personnages liés de près ou de loin à cette famille a été fait en vain. Oui, c'est... C'est ça, le... Tout a servi à sauver Rey et qu'elle vive toute seule sur Tatooine. Ouais. C'est pathétique, en fait. Enfin, quand je dis pathétique, c'est pas que c'est méprisable, c'est pathétique vraiment dans le sens... Dans le sens triste. Oui, mais vraiment dans le sens grec. Enfin, c'est malheureux. C'est déprimant. Cette fin de film déprime. Et comme on disait, c'est une saga familiale, c'est un truc pour les enfants. C'est les gamins déguisés en Rey et Kylo, là... Fendu le cœur quand t'as raconté ça. Mais c'est affreux. Mon fils est un traître, il s'intéresse pas à Star Wars, mais je suis. C'est le cas, je lui montre. Je couperais le film avant. Je pourrais pas lui montrer un truc pareil, quoi. Ou pas avant. The Rise of Edition spéciale. Voilà, mais. Là, j'en suis au point où j'ai envie qu'on ait des éditions spéciales. Oui, Comme... Le problème, c'est qu'il y avait aussi les haters du 8 qui avaient refait des montages pourris. Oui, voilà, j'allais le dire. Ouais, mais c'est parce qu'ils étaient sexistes, c'était raciste, tu vois. Ouais, nous, on va pas retirer toutes les femmes. On va juste ouais, c'est retirer la femme. Mais par rapport à Big dans le chat qui dit la tronche de Finepo, si Ray avait ramené Ben, bah, moi, je trouvais ça ultra drôle. Ouais, je me suis dit, t'imagines. Ou alors, si vraiment c'est ça qui gênait le fait de garder Ben en vie, eh ben, ils avaient qu'à faire que Ben... avec son petit TIE Fighter, il partait sur Tatooine, attendrait. Rey, elle dit au revoir à ses amis, hein, ça a fait que le câlin d'adieu, il a beaucoup plus de sens. Et ensuite, elle part le rejoindre. Tu la vois sur Tatooine en train de s'amuser, tu sais non, pas trop ce qu'elle fait là. Et après, tu vois Ben apparaître et tu vois qu'elle est avec lui et ça se finit là-dessus. Et ce serait juste merveilleux. Quoi. Moi, Rey qui leur ramène Ben, ça aurait été hilarant, qu'il leur présente, tu sais. Ben, mais ça aurait été trop drôle. Ben Solo, tu sais. Les mecs, ouais, ok. Et surtout, même au-delà de ça, je veux dire, qu'ils se rejoignent pas sur Tatooine, moi, ça m'aurait plu aussi que genre Ben, ils se disent, bah écoute, j'ai fait des atrocités, pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, je me casse et on se verra un jour, tu vois, et genre, il part de son côté. Ouais, alors là, c'est une fin, une étoile perdue, non merci, on a déjà donné. Non, mais moi, au moins, il serait vivant et... Au moins il serait vivant et il pourrait se retrouver un jour, tu vois. Ouais. Juste Ben qui part en disant écoute, j'ai encore des trucs à faire, le premier ordre existe encore, attends-moi quelques temps et j'arrive et t'inquiète pas que l'épée dans la galaxie, je vais t'en régler en 30 minutes, hein, y a pas de problème. Hein. Alors, je préviens juste vite fait, j'ai la vessie ultra pleine depuis une heure, je vais aux toilettes, je reviens, vous pouvez continuer ça. Ben non, mais c'est pour prévenir que je ne serai pas là, donc si je ne réagis pas, c'est pour ça. Ah, on va pouvoir finir l'émission. Les gens doivent savoir. Juste sur le chat, il y a... J'ai mal. Le but ultime de la post-logie, c'est de réconcilier les fans avec la prélogie, apparemment c'est gagné. Enfin, voilà. L'élu, en fait, c'était J.J. Abrams. C'était lui, l'élu qui les réservait. Tu étais l'élu, c'était toi. Mais après, la hit de partout sur lui. Je sais pas si c'était un truc auquel vous croyez vraiment pour un film supplémentaire, mais moi j'y crois zéro. Hein. Oh, mais ils aiment l'argent, hein, Disney. Je sais pas si j'ai envie d'y croire. C'est impossible. Je veux dire, c'est leur boulot à Disney, c'est voilà, c'est une entreprise. Ils s'en foutent que les gens soient contents. Ils font des films pour ça. C'est pas l'armée du salut. Et comme disait Grushkov, la fin du film telle qu'elle est, là actuellement, il y a des gens qui avaient réservé 4-5 séances supplémentaires qui sont en train de les annuler. Ça, multiplié par le nombre de personnes, ça va commencer à... Bah, d'autant plus, à mon avis, c'est d'autant moins probable qu'ils se fassent un autre film si le film se casse la gueule. Oui, mais quand moi, je pense qu'on a tout à gagner, hein, perso. Oui, quand on voit le backlash qu'il y a eu pour le 8, non, mais les 50 neuneux qui cassaient les couilles... Là, c'est un autre niveau, c'est même au niveau critique, enfin, c'est quand même autre chose. Quoi, oui, mais justement, voilà, ces entreprises, ces grandes entreprises, ils n'ont vraiment aucun goût du risque. Je veux dire, ils vont faire des trucs quand ils sont sûrs que ça va marcher. Ouais, mais ils vont pas dire on arrête les films Star Wars. Ils vont pas arrêter les films Star Wars, mais ils vont pas continuer cette histoire-là, que ça se casse la gueule ou non. Non, mais à la rigueur, moi, je veux bien juste. Même si genre, même si on a un flash forward, je sais pas, de 100 ans. Et qu'on voit juste, qu'on entend juste parler, dire, enfin, juste qu'on entend l'effet d'arme de Rey, la Jedi, qui en gros a réussi à ramener son amoureux de l'au-delà, tu vois, juste ça, tu vois. Juste qu'on sache qu'ils finissent ensemble, en fait. Moi, je demande ça, je demande pas tellement, je demande juste qu'on sache que ces deux âmes finissent dans les bras l'un de l'autre, quoi, peu importe les circonstances. Ouais. Sinon, Tom 4S qui dit qu'il ne voit pas le problème que poserait la rédemption de Ben non plus. Enfin, c'est assez un boucher, mais ce ne serait pas inédit dans Star Wars. Bah non, Anakin était un Ah oui, non, complètement. Dans l'ancien canon, c'était de la folie. Je veux dire, les gens décimaient des galaxies entières. Enfin, pas des galaxies, mais planètes entières. Juste là, j'ai des transfuges de l'Empire, il y en avait plein. Krix Madine, c'est un officier impérial. Enfin, des pilotes, il y en a 15 000. Non, mais voilà, tu regardes Ulick Keldorma, tu regardes Revan, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, qui a un parfait arc de rédemption qui est formidable. Revan, voilà, si effectivement, moi je sais pas jouer à ces jeux-là, mais il y a un truc de ce côté-là aussi à voir. Enfin, c'est pas nouveau la rédemption de mecs qui ont fait des massacres par le passé. En plus, là, je suis désolé, mais ce serait pas une rédemption gratuite. Le mec vient, si on regarde le film tel qu'il est, il vient ressusciter la personne qui a tué Palpatine. Enfin, c'est, il se rachète le mec. Enfin, vous voudriez qu'il fasse quoi encore? Enfin. Oui. Non, je disais, vous savez ce qui est beau en plus, c'est que il a jamais eu de choix de toute sa vie. Et la première fois qu'il en a un, eh ben, il fait le choix d'aller la sauver. Si ça, c'est pas beau, parce que non. C'est. Non, moi, j'ai vraiment envie, je vais vraiment guetter, disons, des interviews dans les prochaines semaines, parce que j'ai vraiment envie d'entendre ce que Abrams a à dire sur le consensus incroyable de tout le monde, mais pour dire que c'était naze. Pour l'instant, mais oui, dans le chat, oui, Calus aussi, mais parce que la rédemption, ça fait aussi partie des thèmes de la saga. Et là, tu viens chier dessus encore une fois, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais Calus, à la fin, même Zeb, il n'en. Sur la planète des la 7, enfin, sur la planète. Calus, il a décimé une énorme partie de l'espèce des Lassat, et le mec qui a Lassat lui pardonne et comme ça quoi, en fait. D'ailleurs je shippe Calus et Zeb, je vous Calus dis Zeb, totalement non. Oui. Il aime simplement Anakin, même si son rachat est dans la mort, même lui il n'est pas oublié, enfin on se souvient d'Anakin Skywalker, il est et pas, surtout genre Anakin il a pas 30 piges. Ouais, c'est ça, c'était. Et il a vécu l'amour quand même dans sa vie, tu vois. Même Manu Doza, effectivement, dans Résistance, le capitaine Doza. Alors là aussi, on va spoiler Résistance, maintenant c'est parti, on n'a plus aucun respect. Mais lui aussi, il a une rédemption, pareil. C'est ouais, alors même si c'est impérial. C'est un daron. Mais c'est un daron à daron, quand même. Mais ça, c'est. Il y a un truc d'ailleurs qui n'a rien à voir avec la rédemption, mais qui est vraiment naze dans le film aussi, c'est tous les gens qui demandent à Rey qui elle dit Rey, puis Rey comment, et c'est... Oui, ça force tellement pas. C'est naze. Ouais. Oh, c'est dans le même esprit que tous les trucs nazes qu'on a parlé avant. C'est d'un con. Genre, vraiment, ça fait naturel. Rey. Rey. Oui, non, alors... on va profiter que qui fait toujours ses affaires. Ça parle un peu de technique. Non, mais effectivement, les tailles normalement sur l'étoile de la mort n'ont pas l'hyperdrive. Quoi. Ça, je sais plus ce qu'il prend. Kylo, si c'est un intercepteur. Ah, j'y pensais ça. Ou c'est pas un TIE Fighter, je crois pas, ça doit être un intercepteur, mais ils n'ont pas l'hyperdrive, ceux-là. Mais si, quoi, maintenant. Alors maintenant, oui, mais quand Kylo s'échappe, enfin. Quitte l'étoile noire, son épave, il le fait avec un ancien chasseur impérial. Ah, vous êtes sûr de ça? Oui. Moi, c'était un taille du premier ordre. Hein. Mais non, c'est Rey qui lui pique son vaisseau. Bah oui, mais oui, justement, je pensais que c'était un. Je pensais qu'en fait, c'était le taille de Kylo Ren, quand il faut le mec qui l'aurait fait. Après, s'il n'y a pas des marquages sur le vaisseau. Parce que je pensais qu'il arrivait, en fait, s'il arrivait avec son taille du premier ordre. Ça, je ne sais plus du tout. Apparemment, il fait ça avec un vieux taille. Donc, non, il n'y a pas d'hyperdrive là-dessus. Alors, quoi, il aurait filé un taille X1 comme avait Vador. Là-dessus, il y a un hyperdrive, pourquoi pas. On aurait pu imaginer qu'il y en avait un qui était stocké sur l'étoile noire, l'étoile de la mort. Pardon, putain, décidément, ça reste l'AVF. Ou même simplement être lambda, quoi. Mais bon, bah, là-dessus aussi, ils se sont merdés, quoi. Tiens, au fait, la scène avec les rebonds dans l'hyperespace et. C'était rigolo, ça. Ouais, c'est sympa. Ah oui, je l'avais mis dans mes trucs positifs. Même si Claude, c'est un connard. Ouais, Claude. Comme on a dit, hein, un truc positif amène toujours un. C'est fou, hein, c'est fou. C'est du talent, quand même. Ouais, non, Sébastien, non, mais je le disais même d'ailleurs hier, c'est fou, mais même Solo est meilleur, en fait. Mais Solo, c'est. Il n'est pas si mauvais après Snuff, mais Solo, alors, on a fait des épisodes dessus, mais il n'est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais, et par rapport à Snuff, bah, je suis désolé, mais enfin, c'est un meilleur moment devant. Bah moi, maintenant que je les ai tous vus, c'est mon préféré, hein, Solo, voilà. Ah oui, c'est mon deuxième préféré, je pense. C'était le seul. Après le 8, ouais, il y a moyen. Ouais. Mais on parlait des vaisseaux vite fait, un truc auquel je pense, et que j'ai pas compris, donc vous allez pouvoir m'expliquer. Quand elle retourne sur l'île, là, comment, d'où elle vient, la carcasse, là, du... Ah mais non, c'est parce qu'elle a piqué son vaisseau, donc c'était pas le vaisseau de... Ok, je me suis dit, connement, je croyais que c'était le vaisseau crashé de Kylo. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc maintenant, non, ça a du sens. Elle, okay. Elle se barre de l'étoile de la mort avec le vaisseau de Kylo, elle part sur Acto, elle détruit le vaisseau, parce qu'elle pense s'isoler en ermite. Et après, elle repart avec le X-Wing de Luke qui est sorti de l'eau. Waouh, quelle grande scène. Moi, au début, sur le coup, j'étais là, ah, oh, c'est rigolo, c'est un petit clin d'œil. Après, je me suis dit, putain, c'est encore pour brosser les connards dans le sens du poil. Et après, elle part avec ça sur... comment elle s'appelle? Exagol. Moi, j'ai adoré que ce soit Monahan, il est à dire Exegol, parce que ça fait vraiment le nom de l'univers du Seigneur des Anneaux, et que c'était Merry. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont regardé, et Dominique Monahan, là, qui est Merry, ouais. Et ben, il a plus de répliques que j'allais dire. Que Rose. Ouais. C'est une honte, c'est une putain. Moi j'avais compris Octogone, je me suis dit putain, ils vont se fighter à bras à main nue. Plein de choses en rapport, mais on est d'accord que JJ rejette une grande partie des ajouts du 8 et vient récupérer les trucs qui avaient été évincés du 7 pour les remettre. Enfin, rien que le casque, déjà le casque est détruit, il te le rajoute, mais pour rien. Juste pour dire. Ouais, là du coup, c'était vraiment mon casque, on le remet dans le film. Rose, il te la dégage, c'est même pas au second plan, c'est au troisième ou quatrième plan. Il vient foutre. Alors, Claude. J'aime bien l'acteur, hein, Dominique Monaghan, et Claude, je m'en bats les couilles, c'est une grosse merde. Mais. Il vient Claude Monaghan, qui est un bon acteur, mais pourquoi le foutre dans la manquelle? Parce que c'est son vraiment, pote. Elle, il savait pas quoi en foutre de Rose, il l'a mis là, comme ça, genre, voilà, bah, t'es dans le film, bah oui, bah, j'ai pas le choix, t'as qu'à te foutre derrière les trois mecs là au fond, ça ira très bien. C'est affreux, putain. Il passe son temps à se débarrasser des éléments du 8 dont il sait pas quoi faire, dont il a pas envie de faire quoi que ce soit, et il ressort les vieux trucs de son film qui ont été jetés pour les remettre dans le film. Snoke, il fallait qu'il nous reparle de Snoke, alors que le mec était balayé, niqué, ou coupé en deux. C'était maintenant, c'est un cornichon. Maintenant, c'est un cornichon. Super. Les chevaliers de Rennes, merci Saito. Mais alors, heureusement, c'est des ghouls. C'est des gaines de schlac toutes pourries et que c'est des vieux points cachés de merde avec un problème de carburateur, parce que autrement, ça m'aurait vraiment cassé les couilles. On dirait un clip de métal. Tu fous un morceau de Manowar derrière. C'est genre le nu métal, là, les mecs vénères dans leur garage. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ah si, ils capturent Chewbacca. Alors je pense qu'ils, je sais pas. Ils font de la magie, ils changent Chewbacca de vaisseau. Sylvain Mirouf, attention. Non, mais il te ramène les cheveux de Rennes, le casque, les conneries comme ça, et à côté il se débarrasse de tous les trucs dont il sait pas quoi faire. Et vis-à-vis de la com qu'il a fait en plus avant, le mec se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule et c'est insupportable. Ça. Déjà que le film est incompréhensible, qu'il n'a pas de sens, même un étudiant en cinéma, je suis sûr qu'il peut noter les points qui ne vont pas. C'est pas un gros connard, un but de lui-même, mais pourri de mauvaise foi, il serait foutu de voir qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce film. Mais bref. En plus de ça, le mec nous crache à la gueule et se fout de la gueule du monde en disant « Oh oui, j'ai vachement respecté ce que Ryan a fait avant », alors qu'il passe son temps à tout mettre sous le tapis, quoi. Mais encore une fois, on ne sait pas si c'est vraiment DJ Abrams ou si c'est. Ou si c'est Iger ou. Kathleen ou même si c'est Iger, tu vois, on ne sait pas. Kathleen, non, franchement, Kathleen, je ne vois pas, c'est elle. Kathleen, je pense vraiment pas. Elle s'en va plus. Je pense que sur le coup, ils ont peut-être demandé même de se mettre en retrait. Enfin, si Bob Iger s'en est mêlé, c'est qu'elle n'avait pas spécialement son mot à dire. Oui, merci Tom 4S, je sais pas comment on prononce ça autrement, Thomas. Mais Thomas, merci. Voilà, écoute, il est mi-mi, qui parle. Voilà, la scène où on dit ah, ça, on fait une manœuvre à la Holdo. Et puis, alors au début, je me suis dit ah, c'est rigolo parce que ça fait référence au fait qu'il y a des connards qui disent ah bah ils avaient qu'à faire des manœuvres à la Holdo tout le temps, et puis on lui dit bah non, c'est un truc, tu le fais pas comme ça. Et après, je me suis dit non, mais c'est vraiment en fait pour caresser encore les connards dans le sens du poil en disant ah bah pourquoi on fait pas ça. Mais tu as vu à la fin, ils en ont fait une. Mais à la fin, t'as une manœuvre à la Holdo au-dessus d'Endor. Ah ouais? Ouais, je l'ai vu, j'avais peur d'avoir pas compris. Genre, c'est le mode maintenant, ils n'ont plus aucune imagination, c'est résistant. J'aime bien faire des belles images, Fais des cartes postales, ne fais pas de cinéma. Je sais pas, pour une licence Photoshop, c'est pas très cher pour toi, je pense. Fais des jolis trucs, voilà. Fais de la peinture, peut-être, de la broderie, mais arrête le cinéma. Enfin, il faut que les jolies images elles racontent aussi un truc derrière. Bah, surtout, laisse les gens t'aider, en fait. Voilà. Fais pas tout en solo. Voilà. Voilà. Tu fais des bons trucs. Les Star Trek, ils sont pas mal, voilà. Mais j'ai même pas envie de les voir. C'est quoi. Mais délègue, mec, délègue. Enfin, voilà. Ça, pour le coup, J.J. Abrams, c'est un de mes. Enfin, c'est ça qui me rend affreux, c'est que j'espère que je vais pas le haïr à force, parce que vraiment, c'est un de mes cinéastes préférés. Et que ce soit en producteur, en réalisateur ou en scénariste, je le trouve techniquement très bon, en fait, à la base. Je veux dire, je suis un gros fan de la série Lost. Mission Impossible 3, c'était plutôt sympa. Et même, enfin, tout le film qu'il a produit, je pense à Overlord, qui est un film sorti en 2018, qui était vraiment bien. C'est un film un peu série B, mais qui est vraiment bien. Et en fait, c'est ça qui est bizarre avec lui, c'est qu'en fait, le mec, il produit des jeunes réals, des jeunes artistes qui en fait, ont besoin de financement pour faire des blockbusters. Et derrière, il te sort un truc aseptisé au possible, tu vois. Ouais, non, il a vu trop grand. Voilà. Il ne peut pas tout gérer. Bob Iger, il a vraiment donné des consignes à suivre. Je sais pas, mais il y a. On sait pas et on comprend pas. C'est ça le truc, c'est que je comprends pas ce qui s'est passé. Un tel incident industriel, c'est pas possible. Ça peut pas arriver par erreur. Enfin, un incident industriel, c'est quoi? C'est Solo. Ou éventuellement, voilà, il y a des soucis avec les réals en cours de route, quelqu'un revient reprendre le taf, fait des reshots, enfin... Et personne ne voulait, en plus. Et, hein ? Personne ne voulait, en plus, Solo, à la base. Et personne en voulait, il est sorti trop tôt, parce qu'il est sorti 6 mois après le 8. Alors, ouais, le 8, en plus, il y a un petit backlash, avant, qui n'a pas aidé Solo non plus. Solo, c'était vraiment le film un peu maudit, quoi, pour l'instant, en tout cas, de la licence, même Star Wars, beaucoup de la franchise, parce que c'est pas partie de la saga, celui-là, mais lui, vraiment, il était maudit, quoi. Là, ce film-là, il n'y a aucune raison qu'il soit maudit comme il a pu l'être Solo, et il se vautre à chaque fois, à chaque tentative, chaque truc, il se vautre. On l'a dit avant, il y a des trucs bien, des bonnes idées, et derrière, c'est systématiquement nul à chier. C'est rigolo parce que Solo, il est sorti entre le meilleur et le pire Star Wars, c'est quand même magnifique. Ouais. moi je voulais juste revenir parce que du coup j'ai eu le temps de réfléchir. Je voulais juste revenir sur l'argument de Ben Solo ne pouvait pas vivre parce qu'il avait commis trop d'atrocités. C'est prouvé comme étant faux par le film lui-même, parce que, comme déjà on l'a dit, il a sa mort symbolique et presque physique au milieu du film, quand Rey le tue, le ressuscite sur l'étoile de la mort, là, et il se fait laver par la flotte, et il a même plus sa cicatrice au visage. Et à partir de ce moment, le schéma narratif qu'il lui a appliqué est celui du monomythe américain, qui est celui du héros salvateur qui va se sacrifier pour sa cause et mourir de ce sacrifice. C'est pas, il meurt pas parce que il n'a pas le droit à la rédemption ou parce que il a tué trop de gens. Il meurt parce que c'est un héros au sens américain du truc, au sens les héros à la fin, c'est ceux qui donnent leur vie pour le pays, et là ils donnent leur vie pour la cause, pour Rey, pour machin. Donc il a un traitement de héros, donc il a déjà sa rédemption et il pouvait vivre. Et encore une fois, vu que en replaçant le film dans son contexte, hein, c'est un film occidental, c'est un film qui se base donc sur plutôt un truc chrétien, voire judéo-chrétien, etc. Dans la Bible, quand quelqu'un a sa rédemption, c'est-à-dire quand quelqu'un se sacrifie pour quelqu'un d'autre, peu importe ce qu'il a fait avant, il va au paradis. C'est-à-dire, le mec, ça peut être la pire ordure qui a fait les pires crimes au monde à je sais pas, 50 000 personnes, genre, mais les pires tortures possibles. S'il se sacrifie, s'il donne sa vie pour une personne, il accède au paradis. Donc, cet argument ne tient absolument pas la route, mais aucun plan. C'est la passion, si on peut dire, des États-Unis pour la peine de mort, simplement. Ah oui, non mais... C'est la loi du talion. C'est Jésus, c'est Jésus qui se sacrifie pour le peuple. Star Wars, c'était pas ça. Star Wars, c'était voilà. Pas chrétien. C'est ça, Star Wars, ça n'a jamais été ça. Et Star Wars, c'était son propre mythe. Et ils ont voulu y caler un mythe d'une culture particulière dessus. Et ça a tout ruiné. Et c'est pour ça que le film n'a aucune cohérence avec Star Wars. Et on n'a pas une fin à la Star Wars. T'as vraiment rien compris. Quoi. Puis tout le monde sait que Jésus, c'est Obi-Wan dans l'épisode 2 avec ses longs cheveux, là. D'ailleurs, Jésus revient. Ah voilà, voilà, là, ça, là, on l'a là, l'espoir. Tiens, voilà, l'espoir, c'est bébé Yoda. Il y a Saïko oui. Qui parle du truc où Finn a essayé de se suicider et il s'est fait stopper. Eh ben, vous avez, c'est génial parce que la dernière fois, Finn, il n'a pas pu faire son acte héroïque. Alors cette fois-ci, il va le faire. Il insiste bien pour dire à Rose, « Non, Rose, casse-toi, je ne veux pas de toi. Ne m'empêche pas d'être un héros. » Et même, s'appelle Zana, l'encourage, le suit, enfin, lui dit, ok, je viens, quoi. C'est... D'ailleurs, j'ai un gros problème avec le personnage de Finn déjà dans ce schéma de sacrifice, et je crois que c'est Coralie, je crois, sur le Discord, qui disait, le mec, on le voit tout le long du film dézinguer des Stormtroopers en éructant de joie, enfin, le mec, il a donf, et c'est quelque chose avec leur culte qui me gêne pas mal. C'est clair que le mec, la violence, il a aucun problème avec ça. Les Stormtroopers qu'il démonte, c'est semblable. Il sait ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont devenus. Il sait tout ça. Il a aucun souci. J'ai beaucoup de mal avec le personnage de Finn maintenant. Ah, mais le traitement des personnages et tout. Voilà, c'est... Ça leur pète leur arc, ça leur pète. Ouais, on parle d'un film qui voulait s'échapper, qui voulait fuir tout ça, qui voulait vivre sa vie, à un film qui prend plaisir à buter des gens dont il était comme eux avant, quoi. Lunatic Lua, tu dis que t'es en deuil depuis que tu as vu le film. Et ben c'est le cas de la plupart des gens. C'est notre cas à nous. Et après avoir vu le film, quand j'ai essayé d'expliquer à Grushkov, puisque ceux qui ne savent pas, on vit ensemble, on est mariés, quand j'ai essayé de lui expliquer ce que je ressentais, je lui ai dit une seule fois dans ma vie, j'ai été aussi triste, malheureuse et sans espoir. Et c'était la fois où j'avais rêvé qu'il mourait. J'avais fait un rêve ultra réaliste dans lequel il mourait, et j'étais persuadée que je le verrais plus jamais de ma vie. Quand je me suis réveillée en pleine nuit, je me suis mise à pleurer, je l'ai pris dans mes bras et je voulais être sûre qu'il soit vivant. Et c'est exactement ce que j'ai senti quand Ben est mort. Ce sentiment de tu le reverras plus jamais. Et le film te laisse même pas le revoir en plus. Et j'étais malheureuse. J'ai vraiment vécu ça comme si quelqu'un de proche était mort. Et c'est dur de passer ça. J'ai de la chance parce que, a priori, j'arrive à faire le deuil assez vite, ou en tout cas à le gérer et à l'intérioriser. Mais Grushkov, il y a des moments où il se remet à pleurer et tu sais que c'est parce qu'il pense à ça. C'est horrible. Grushkov qui est... deux comptes Twitter, enfin, écoute, en fait, si vous voulez, et maintenant, je dois savoir dans ce moment parce que c'est vraiment pesant, tout le monde est pas bien, il y a qui sont en colère, il y en a qui sont tristes, il y en a qui comprennent pas, qui sont perdus, enfin c'est compliqué, hein. Les soucis de songe pour nous. Ah, on nous entend plus. Ah merde. Je sais pas, là j'ai truc dit. Toujours connexion excellente. Donc... freak as arrived. Est-ce que vous nous entendez maintenant? J'ai rien fait de spécial. Hein. J'ai rien fait. Moi, j'ai fait tomber un truc. Attends, je regarde. Excellent. Il n'y a plus rien. Moi, j'entends. Ah, merde. J'entends pas, c'est bon, c'est revenu. Désolé. Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, j'ai peut-être ma connexion qui a eu un coup de mou. Du coup, c'est parce que t'étais un peu trop dur, alors. Lunatic Cruel dit qu'il y a des enfants qui m'ont en pleurs. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec... croisé, toi. Peut-être, mais enfin, c'est. J'ai pas revu le groupe de gosses qui était à la séance du matin, mais ça m'a fait. Enfin, j'étais voir pour vous dire le film, donc le 9 d'Elm. C'était en VF malheureusement, et donc j'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Ah, bravo. Et en gros, je lui ai dit justement en voyant kiffé, la bravo. De quoi? Elle a dû kiffer. Ben, pour le coup, elle a beaucoup aimé le 9, mais je sais pas comment d'accord. Elle fait. Mais donc je vais dire en rentrant dans cinéma, je lui dis bah tu vois maman, il y avait une petite fille qui était déguisée en Kylo Ren, et je lui dis bah tu vois maman, c'est pour ce genre de raison que le personnage peut pas mourir, quoi. Parce que ben les enfants, quoi, je veux dire, merde, Star Wars c'est pour les enfants. Mais oui, mais oh, ça coupe encore plus... merde. Ah mince. Ça ira sur le live. Bah non, vu que ils écoutent le live directement. Oui. Bah, je sais pas, ce sera comme ça, super. Dites prout si vous m'entendez dire dites prout. Mais écrivez-le. Ne faites pas, hein. C'est pas... enfin voilà, c'est vraiment vraiment déprimant, quoi. Merde. Mais j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient qu'ils y étaient allés avec leur enfant, et il y a une des personnes, son enfant voulait un set de jouets, je pense des Lego ou je sais pas quoi, Star Wars, qu'il attendait, et puis ils attendaient d'avoir vu le film pour le prendre pour le cadeau de Noël ou je sais pas quoi, et l'enfant était tellement abattu par le neuf que plus que tu m'achètes les jouets Star Wars, je veux pas que tu me les achètes. Et il voulait pas parler du film ni rien. C'est horrible. C'est une tristesse. Moi, j'ai acheté le livre. Ça coupe depuis que t'as fait tomber ton truc, tu qui apparemment. Oh merde, j'espère vraiment que c'est pas moi alors, parce que je jouais avec un œuf en plastique. Et puis dans le chat, en tout cas. Je vois pas. En vrai, je vois pas comment ça peut. Ouais. Merde, je suis vraiment désolé. C'est JJ Abrams qui veut me censurer, putain. Bon, bref. Dans ce cas-là, les enfants, le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est que c'est déprimant, parce que la post-logie ouvrait Star Wars à toute une nouvelle génération. Ça leur faisait découvrir la saga, ça les faisait rentrer dedans avec des nouveaux personnages, avec une nouvelle histoire. Ça met des thèmes aussi plus actuels. Et ça se conclut mal, avec sans espoir. Enfin, c'est terrible, en fait. Même pour, enfin, voilà, quand on parle des enfants, justement, je pense que c'est le bon truc pour terminer, c'est que le message qui est donné aux enfants est terrible. Et c'est d'une tristesse totale. Là où The Last Jedi leur apprenait que tu peux venir de nulle part, avoir été abandonné par tes parents et quand même accomplir de grandes choses. C'est horrible. The Last Jedi avait tellement de bons messages pour plein de personnes différentes, des personnages très différents, de la diversité et tout. Et... Je pense que nous, on s'en remettra, que Star Wars s'en remettra, mais pour les enfants qui ont grandi avec ces trois films-là, je sais pas, je pense à des gamins autour de 7 ans, peut-être 7 ans au moment de l'épisode 7, 6-7 ans par là, c'est terrible, je pense. Excuse-moi. Non, c'est vrai que voilà le. Je vais peut-être moi perso, ça va peut-être être un peu une redite, mais voilà par rapport à ce que j'avais dit au tout début, mais tellement de trucs qui auraient pu bien marcher, voilà, c'était ils avaient toutes les cartes en main, ils avaient tout ce qu'il fallait là, et ils ont. C'est assez c'est en fait c'est presque un peu fascinant de voir à quel point ils ont réussi à tout louper à tous les étages. C'est assez ouf en fait, c'est presque fascinant à regarder. Ouais. Moi j'ai juste qu'on dise une phrase en anglais, je suis désolé. Mais help us Rian Johnson, you are only hope. Et vraiment on a besoin de lui ouais, dans ce temps. L'espoir, c'est comme le soleil. Si tu n'y crois que quand tu le vois, tu ne passeras jamais la nuit. Oh Putain, ça, c'est beau. C'est magnifique. Ray méritait mieux. Ben méritait mieux. Les spectateurs, les fans méritaient mieux. Po méritait mieux. Tout le monde méritait mieux. Anakin, Leia, Luke, Han. Non, quoique Han, il c'est le seul qui s'en est bien sorti cette fois-ci. Les Skywalker méritaient mieux et c'est pas grave, on sera là demain parce que nous, on sera là l'année prochaine. On croit au soleil tout le temps. Je déteste le soleil, mais j'y crois. Moi, c'est le sable que je déteste. C'est gros, c'est grossier, c'est irritant. Je vais vous dire que la force soit avec vous, puisqu'a priori, la force, c'est une malédiction, finalement. Pas cette bonne fête, quand même. Pas cette bonne fête en famille, quand même. Et bah, joyeux Noël de la part de JJ. Merci énormément. Avec un bêtisier. Merci énormément à toutes les personnes qui sont venues ici pour m'écouter m'énerver comme un blaireau. Et parce qu'on est encore 22, on était à 20. Ouais, c'est fou, hein. Merci de nous avoir écoutés. C'est hallucinant, parce qu'on a commencé il y a plus de 3 heures. Ouais, ouais, merci d'avoir participé, en plus. C'est presque une heure du matin. Ouais, vous êtes tous géniaux, vous avez plein de trucs intéressants à dire. Franchement, merci les gens. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà dessus, à passer sur le Discord, on y est. Il y a une cellule psychologique. Film et tout le monde se soutient depuis 3 jours. Si vous voulez un peu de trucs drôles par rapport à Star Wars pour vous remonter le moral, Grushkov et moi, on a fait une parodie mélange de Star Wars et d'Harry Potter. Et du coup, c'est plus léger. C'est léger et ça vous fera peut-être du bien. Et du coup, à l'année prochaine. Ça s'appelle Ray Personne, du coup, parce que du coup, je ne l'ai pas dit. Ray Personne à l'école des Jedi. Du coup, il faut qu'on change le titre. Ray Palpatine. Ray Palpatine, Skywalker. Ray Palpatine à l'école des Jedi, maintenant. Il a même retcon ça, alors, foiré. J'ai vraiment pensé à vous dans la salle en me disant « Putain, Ray Personne, merde !» c'est le dernier épisode de l'année. Pour le Faucon. Ouais. Mais on revient l'année prochaine. Si vous nous suivez depuis quelques temps, merci. Parce que c'était génial. Ouais. C'était génial de faire ça. Et puis, on a hâte d'en revenir l'an prochain avec ça va continuer d'être des émissions, des nouveaux invités, avec Adrien maintenant qui sera là avec nous à chaque fois. Oui, merci. C'est notre babou fric à nous, Adrien. Notre babou fric. J'en profite pour vous remercier tous aussi, tous les trois. Les quatre aussi, Adrien, il n'y a pas de raison. Parce que, tu sais plus comment Non, mais c'est cool de pouvoir parler de Star Wars avec des gens qui aiment ça aussi. Et puis, c'était sympa de lancer ça ensemble. Mmh. Ouais. Bah moi, première année. J'ai personne à part Grushkov avec qui parler de Star Wars. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un samedi sur deux comme ça, de vous avoir, de pouvoir rigoler autour de Star Wars, partager nos ressentis et en plus de se comprendre. Et c'est vraiment cool. Yes. J'espère que ça fait du bien. Ça fait du bien aussi d'en parler de ce film. Un peu, ouais. C'est un peu cathartique, je pense. On va voir. C'est un film à digérer et à exorciser, j'ai l'impression. J'espère que dans quelques années, comme pour l'épisode 2, on en rigolera facilement. Ouais, j'espère aussi. C'est trop douloureux pour l'instant, mais ça. On va s'en remettre, je pense. On est fort. Qu'est-ce qu'il était bien l'épisode 2 quand on. Je voulais vous remercier en particulier vous, l'équipe de Faucon Millenial, parce que ça va bientôt faire un an que vous m'avez découvert. Et je me suis dit qu'en fait, enfin, j'ai compris qu'en fait, c'était pas grave d'aimer des films que des connards détestaient. Et juste, je me suis dit, waouh, en fait, genre, d'autres fans de Star Wars bienveillants en France, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, vraiment vous rejoindre, c'est le plus beau des cadeaux de Noël que vous pouvez me faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous ceux dans le chat qui nous souhaitent également de bonnes fêtes, un bon courage. Bonne fête à vous aussi. Ouais. Tous également. Les lives peut-être l'an prochain. Saito nous demande si on va en refaire. Mais alors des sorties, moi je trouve que ce serait intéressant de faire la même chose. Il n'y a plus à avoir des masses, mais. Pour The Mandalorian, la fin, non? Maintenant, il faut que. The Mandalorian, ça va être ce mois-ci. C'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Faudra voir, peut-être on pourra faire un live même sur d'autres sujets. Hein. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire aussi laisser minutes jouer à un jeu Star Wars et nous on commente pendant qu'il joue. Oh, j'adore commenter les gens qui jouent au jeu, je faisais ça tout le temps avec mon frère, j'adore faire ça. Il va faire des lives sur Fallen Order, voilà. Bah, pendant qu'il joue à Fallen Order, nous on va juger comment il joue. Et moi je suis très drôle quand je commente des jeux, en plus j'invente du lore, je raconte des histoires. En plus, je l'ai fini en mode difficile, donc j'ai peur de juger et tout. Ah putain, merde, non, la pression et tout. Non, je relève le défi. Toujours le petit problème de décalage horaire, mais ça pourrait être cool. Mais ce serait drôle qu'on fasse chacun notre tour jouer un jeu et les autres commentent. Ce serait... Ah ouais. Il y a un concept. Vous allez refaire pleurer Grushkov maintenant, encore une fois. Voilà, c'est... Merci les gens du chat, vous êtes gentils. Non, merci et les monde. Autres merci qui n'ont pas pu écouter pendant le chat et qui sont là quand même. Oui, ils écouteront en rediffusion parce que ça va encore être tellement long. Ah aussi, peut-être. Alors, on ne promet rien, mais. Normalement, les épisodes très longs, c'est fini. Normalement. Bah attendez, on n'a pas fini l'épisode 8. Hein. Ça devrait être le dernier. Normalement, le 8 devait sortir avant. Mais voilà. On va dire qu'avec le 8 et ce live, les gros épisodes, c'est terminé normalement. Oh, je parlerai pas trop vite si j'étais toi. Mais oui, on a essayé de faire plus vite. On a essayé de se... voilà. Plein de choses pour l'année prochaine. Déjà, déjà Adrien, et puis j'ai d'autres petites choses dans les cartons aussi de mon côté. Ah, pas de spoiler. Non, mais autour du podcast, on prévoit des choses pour faire ça toujours mieux. Ouais. Est-ce qu'on peut juste se rendre compte enfin, c'est pas juste un podcast que vous faites, c'est vraiment. Un univers étendu de c'est trop bien. Hein, non mais c'est beau parce que c'est pas juste un podcast, c'est une communauté. On parle de Star Wars en chat. Enfin c'est ça qui est trop bien. C'est plus qu'un podcast. C'est vraiment ça. Et c'est génial parce qu'il y avait pas de communauté comme ça en France quoi. J'avais intégré un Discord de Planet Star Wars. C'était un enfer. Bah il y a des gros Discord, des gros forums Star Wars Universe. Ouais. Planet Star Wars, mais c'est encore à petite échelle et j'espère que ça restera aussi parce que c'est ça qui est cool, c'est qu'on puisse parler à tous les coups. Oui, c'est ça. Tout le monde s'entend bien. Là, j'ai été vraiment à la fois ému, surpris et rassuré de voir que tout le monde pouvait parler de l'épisode 9 sur le Discord sans s'énerver, sans insultes, sans toujours bienveillant. On a même des personnes qui ont bien aimé l'épisode 9 ou qui n'étaient pas d'accord avec nous ou avec d'autres personnes du chat et ça se passait très bien. Ouais. Et c'était vraiment très très beau ce qui s'est passé, notamment jeudi quand tout le monde parlait du film sans animosité, sans toxicité. C'était formidable et j'espère qu'on va pouvoir continuer là-dessus parce que c'est vraiment, je pense, notre vision aussi de ce que c'est que le fandom Star Wars. C'est ça. Il faut écouter ce que les leçons de George Lucas et Ryan Johnson. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et moi, je vous aime tous. Et au final, c'est comme ça qu'on gagnera. Moi, j'aimerais faire un gros shout-out. Je ne sais pas comment on le dit en français. Un shoot-out. Mention. Krushkov qui a réussi à vaincre sa peur de parler devant des gens et de sa peur du rejet, etc., pour oser lancer ce podcast, oser aller chercher des gens qui sont autant passionnés que nous et se dire allez, pourquoi pas. Et du coup, un gros bravo à lui, surtout qu'il fait un boulot de ouf sur le montage. Hein, ouais. Il est tout seul à le faire. Et du coup, bravo, parce que sans toi, on n'arriverait à rien. Ouais. C'est clair. Un gros merci à chaque membre du Faucon aussi, parce que vous participez tous à votre manière et vous faites vivre ça. Et c'est génial de vous avoir. Ah oui, d'ailleurs, on a Abig qui a parlé de Outrider, et puis on leur fait coucou aussi. Je sais pas pourquoi ils nous écouteront, ils sont Phobos et République dans notre épisode sur l'épisode 8. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir vous dire au revoir. Voilà. Et encore une fois, merci. Merci. Merci à tous et toutes. Cool. Et merci. Et le Faucon Pod, et puis vous retrouverez tout le reste sur le Discord pour le moment, et puis on verra après. Ouais, tu l'as fait mettre dans la description. Je remets un lien du Discord. Live, effectivement. Et puis laisser des pouces bleus, putain, pour une fois on peut le dire, laisser des pouces bleus. Mettez la petite cloche. Il y a quelqu'un qui a mis le pouce rouge, c'est vrai, hein, c'est pas possible. Rouge, c'est bon, on est des vrais youtubeurs. C'est le début de la fame. Vous êtes tous très très forts. Puisque vous êtes encore sur, vous êtes sur YouTube, il y a le patelin des passions, vous pouvez aller y faire un tour. Ça va, je vais s'arrêter. On vous aime tous très fort. Et toutes. Ouais. Tout voilà. Bonne fête. On vous aime tous très fort. Gros bisous. Bonne nuit parce qu'il est tard. Ouais. Et merci. Exilnut. On passe en hyperespace. Allez, go. Mets la gomme, Exilnut. Yes.